Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 120e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Alors, on vous a manqué, les petits loups. En tout cas, vous nous avez manqué. Voilà, après une bonne grosse pause de un trimestre entier. C'est franchement des flemmards hein, chez VR for Player. Maintenant, de toute façon, vous êtes habitués. À part El Rocco, ça, on peut pas lui envoyer. D'ailleurs, il est là, le petit El Rocco. Salut, El. Ça va ? Salut. Ouais, ça va, ça va. J'ai besoin de repos, besoin de vacances. Besoin de vacances, mais putain, mais c'est la rentrée, là. Il n'y a pas de vacances, là. C'est fini. C'est comme. Ah, je sais, t'inquiète. T'inquiète pas, et ça recommence demain. Ouais, effectivement, t'as pas chômé cet été avec plein de tests. On va pouvoir refaire un petit peu le tour de tout ce que t'as pu jouer pendant cet été. Ouais. Et nous avons aussi Gantz. Salut Gantz. Salut Sei, salut tout le monde. Ça va? Bah ouais, moi bien reposé pour le coup. Toi aussi, t'as. Pendant que d'autres bossent. T'as un petit peu travaillé, mais un peu moins quand même. Oui, un peu moins, bon, à la reprise. Mais t'as travaillé déjà, c'est bien. Un petit peu. Et ensuite, nous avons Gis. Salut Gis. Et hey, salut à tous. Comment vas-tu, mon petit Gis? Eh ben, moi, ça va bien. Ça va bien. Mon camarade chasseur de fantômes cet été. C'est ça, ouais. Camarade chasseur de fantômes. Voilà, toi t'es là. Qui meurt en premier? Qui meurt en premier ou pas tout de non, suite? Non, il meurt jamais. Non, c'est Danur, dans les derniers, moi. Ah, c'est Danur. Ah non, en fait, toi t'es moi. Celui qui se sert des autres pour durer non. Jusqu'au bout. C'est le gars prudent. Je donnerai pas mes secrets, je les garde pour moi. c'est celui qui ramasse toutes les merdes qu'il y a par terre et qui dit oh, tu vois, c'est marrant ça. Puis il touche, et puis en fait, c'est un objet qui est maudit, et puis tout le monde se fait décimer, sauf lui, bizarrement. Sauf lui. Il rentre au camion dans la camionnette complètement fou, mais au moins c'est le dernier survivant. C'est ça, c'est un petit peu ça. Bon bah en tout cas voilà, c'est un plaisir de t'avoir parce que donc t'étais déjà venu à la 100e émission d'Autour d'un VR pour une émission ouais. Un petit peu particulière et là tu vas nous parler de l'adaptateur PC du PSVR 2 parce que tu l'as acheté, tu l'as testé, t'as essayé plein de trucs et t'es rentré un petit peu dans la technique. Donc tu vas nous en parler. Ouais. Et enfin, on va finir, donc comme je disais tout à l'heure, par les tests et tout ce qu'on a pu voir. Il y en a beaucoup quand même. Donc, on va pas être très très exhaustif au niveau des dernières news qui ont eu lieu ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On va retenir principalement les jeux qui ont été présentés lors du dernier State of Play de Sony, de PlayStation. Avec trois annonces principales pour le PSVR 2 et pas des moindres. En tout cas... des choses qui nous ont un petit peu hypé. On va commencer par Metro. Qu'est-ce qu'il veut présenter Metro? Donc on avait déjà eu la présentation de ce jeu-là, c'était pas vraiment une surprise, mais en tout cas on a pu, surtout ces derniers jours, en apprendre un petit peu plus et en voir surtout un petit peu plus de ce jeu-là. Peut-être elle, comme toi tu as l'habitude. Celui-là je vais passer parce que les Metro j'en ai fait aucun. Ouais. Pour te dire. Donc je connais pas du tout la licence. Mmh. Je pense qu'il n'y a que toi, Sai, qui connais bien la licence. Il n'y a que toi qui connais bien. Ah bah voilà. Super. Donc du coup, Metro, c'est tiré de roman d'un auteur russe. Et je suis en train de chercher en même temps parce que j'ai absolument rien préparé. Et donc il y a une trilogie déjà de jeux qui ont été qui sont sortis en plat, des FPS qui avaient pour particularité d'être très beaux. Très dur. Et d'avoir une sacrée bonne ambiance. Et d'alterner les passages claustrophobiques en intérieur dans des endroits très très sombres et des passages à ciel ouvert mais vu que en fait c'est un monde apocalyptique en fait t'étais obligé d'avoir un masque et donc ça restait quand même très très étouffant même à l'extérieur tu te faisais choper par des bestioles mutantes voilà c'était pas très très friendly pour le joueur mais bon c'est une trilogie en tout cas qui a une bonne communauté, qui a eu de très bons retours jusqu'au dernier. Et donc voilà, Metro Awakening, c'est la version VR, c'est un jeu original. Et on a pu voir que cette espèce d'ambiance claustrophobique et très sombre était complètement mise en avant dans ce jeu-là. C'est un jeu qui est développé par Vertigo Game et qui va sortir sur PS5. Je dis pas PSVR 2 parce que maintenant dire ça sort sur PSVR 2 ça veut tout rien dire parce que ça peut sortir sur PC et sur PS5 donc non ça sort sur PS5 Ça sort sur PC pour le coup, et ça sort sur MetaQuest, voilà, en version autonome. Ce qui nous avait fait un petit peu peur au départ, mais finalement, en fait, on est un petit peu rassuré en voyant les derniers trailers et les dernières présentations. Il y a deux choses qui font peur, en fait. C'est surtout la multiplication des plateformes, et surtout que ça s'appelle Vertigo Game. Mm-hmm. Parce que Vertigo Game, on s'en rappelle du petit After the Fall qui a eu du mal. Qui était un peu mal né sur PSVR, surtout. Voilà, ça passait sur PC. Il est sorti vraiment très très propre sur PC, dès le début. Sur PC, très propre. Sur Quest, nickel pour de l'autonome, mais par contre, PSVR... Ah, ils ont chié dans la main et puis ils ont... ils se sont essuyés sur notre crâne. Hein. C'est ça. Alors, il y a eu aussi Arizona Sunshine 2 qui n'a pas fait l'unanimité, déjà dans l'équipe. Jeu que j'ai bien apprécié, mais a priori, je suis le seul dans l'équipe à avoir aimé ce jeu-là. Non, il est bien, mais... Non, il était bien. C'est du peu mieux faire, ouais. Ok. C'est du peu mieux fait. J'ai lu des retours de l'équipe, c'était surtout pour dire qu'il était assez inégal en fait. Il y avait vraiment des niveaux qui étaient bien maîtrisés et une partie qui était mise sous le tapis pendant les trailers et tout, qui elle était beaucoup moins propre. Un peu plus ventre mou, on va dire. Et quelques bugs aussi que Laurent avait pu voir pendant son test de l'intelligence artificielle du chien, notamment, qui faisait un petit peu nawak. Ah, le chien, ça l'a traumatisé. C'est vrai que il ne lui a pas pardonné. Quoi. Voilà, le frag était bon et je pense que justement, un bon frag, parce que Vertigo, on peut dire ce qu'on veut sur. Ils sont bons là-dessus. Sur, mais au niveau du frag, ils sont très bons. Le frag d'After the Fall, il tue. Celui d'Arizona Sunshine 2, il tue aussi. Il y a un remake justement de Arizona Sunshine 1 qui est en préparation. Ouais, qui arrive, qui a l'air beau. Qui arrive, qui a l'air beau en tout cas. Au moins aussi beau qu'Arizona Sunshine 2, mais je pense c'est sur les trailers, ouais, c'est sur les trailers. Hein. C'est ça, c'est le problème de Vertigo et c'est la grosse crainte du coup pour ce métro, quoi, c'est que on a des super trailers. Là, il y a encore d'ailleurs des images qui sont sorties pour métro, des extraits de gameplay. Enfin voilà, ça envoie, hein, ça envoie. Ça déboîte et bon, est-ce que ce sera comme ça? Si c'est ça, tant mieux. Une ambiance maîtrisée, un bon frag, c'est tout ce que j'attends. En plus, voilà, une espèce de continuité scénaristique peut-être sur les métros originaux. Ça pourrait être bien, en tout cas, ça pourrait rameuter les fans de cette licence-là. Et il y en a un paquet quand même, mine de rien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, en tout cas, je pense, pour le moment, sur ce jeu-là. Hypé ou pas? Elle? Ah bah depuis aujourd'hui, ouais, il y a eu un petit bond de hype. Ouais, ouais, non, franchement déjà c'est propre. Il y a quand même la dernière partie, j'ai fait bon, c'est pas encore, ça arrive, c'est pas encore fini. Bon, ok, ils peuvent encore peaufiner. Toute la partie à petite bestiole, je trouve, justement tu disais par rapport au frag, je trouvais que ça manquait de frag sur les bestioles. Voilà, surtout la petite araignée. Ouais, ça manque de sang aussi, je trouve. Ça manque de sang, d'éclaboussures, tout ça. C'est... Ça gicle pas assez, quoi. Ouais, c'est fort propre, je trouve. C'est trop propre. Mais par contre, ouais, quand il prend les... Putain, il y a des araignées, sa race. Il fallait qu'il y ait des araignées, forcément. Mais quand il en prend une et qu'il il la défonce avec sa main, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. On va sans rentrer dans un test du jeu, parce qu'évidemment, on l'a pas testé. On a pas essayé de chance, en tout cas. Mais c'est rassurant. Tu commences à avoir des comparaisons avec Alyx. Je pense que des comparaisons faciles, t'en as souvent quand même sur YouTube Game, ça on sait très bien, on l'a remarqué même encore dernièrement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'air d'avoir un moteur physique en tout cas avec lequel tu peux jouer qui a l'air quand même assez marrant. Et c'est, je pense qu'il est là le parallèle avec Alyx, qui est un peu mis en avant justement sur la dernière vidéo de gameplay qu'on a pu voir. Mais... Bah après, voilà, pour le moment, on n'a pas testé, on ne peut pas vraiment savoir à 100%. Bah, faut voir, parce que t'as le système du sac, apparemment, qui est là. Mm-hmm. Donc, tu te balades voilà, avec ton stuff, tu fabriques, t'as l'air de fabriquer tes bombes ou tes trucs comme ça, ou alors tu les achètes. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir le système de craft de Walking Dead. Mm-hmm. Donc, s'il y est, c'est bien. Après, le truc qui est quand même intéressant, c'est qu'on a vu une petite phase d'infiltration. Mm-hmm. Donc, il y aura... la possibilité d'appréhender les niveaux différemment, donc ça c'est plutôt pas mal, et surtout là, une très très bonne ambiance. Et puis visuellement voilà, il y a des effets de lumière, d'un point de vue texture ça a l'air d'envoyer du pâté, et il y a l'air d'y avoir, même si on est dans les sous-sols, il y a l'air d'y avoir des petits moments marquants, un petit peu comme dans Last of Us 2, avec le passage dans le métro, avec vraiment une ambiance propre à chaque segment. Donc, à voir. Et toi, Gantz, hypé? Ouais, j'ose pas. J'ose pas trop me hyper, mais Je suis hypé, mais j'ai ouais, un peu. peur, hein. Ouais, c'est ça. C'est justement, j'ai peur d'être déçu. Bon, je pense qu'ils vont pas chier dans la colle. Il a quand même été présenté au State of Play, et il avait été présenté aussi au. Bah, c'était Je le ne sais VR plus la. Game Showcase aussi, il me semble. Non. Non. Non, pas celui-là. Non, Non, State même of avant, Play. je sais plus. C'était ouais, c'était un autre State of Un Play, je crois. autre State of Play, il me Deux semble. State of Play, ouais. Ouais. Donc, Ouais, bien mis donc, en avant, je si. pense qu'ils sont plutôt confiants pour le présenter comme ça. Et toi, Gis? Et bah moi, ouais, dès le premier trailer, même si on avait la méfiance qui devait être de mise, l'ambiance m'avait l'air vraiment bien. Et là, avec la suite, le nouveau State of Play et les nouvelles infos qu'on a, ça a l'air vraiment cool, l'ambiance a l'air bonne. Il y a des bonnes idées, j'ai l'impression de. Avec par exemple la lampe qui se décharge petit à petit, du coup, où ça s'assombrit vachement. Et de ce que j'ai vu, il serait plus infiltration justement que action comparé aux autres métros. Et du coup, non, moi ça me botte bien parce que c'est un. Enfin, l'ambiance a l'air excellente, donc à partir de là, ça a l'air. Et des graphismes plus que corrects, quoi, à première vue. À voir ce que ça donne, mais en tout cas, ce qu'on a vu jusque-là, pour moi, ça me hype pas mal, ouais, vraiment pas mal. Ok, bon bah voilà. En tout cas, nous on l'attend de pied ferme. Une bonne licence, un. S'il y a pas de piège, j'achète Day Voilà. One pour moi. Si C'est vraiment les ça. premiers tests, c'est on a ce qu'on nous a montré, je prends direct, Une quoi. bonne licence, un studio qui est capable du meilleur comme du pire, mais bon, qu'il faut pas non plus cracher dessus systématiquement, je pense. Non. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ensuite, on a eu une petite surprise, un jeu qu'on n'attendait absolument pas la première fois qu'il avait été présenté. C'est The Midnight Walk, un jeu tout mignon en stop motion. Oui, et qui a la particularité d'être un jeu plat à la base. Donc Et on oui, est en train de parler hybride. de D'un voilà, hybride, ouais. Hybride, un ouais. hybride. Et un hybride qui est plutôt pas dégueulasse déjà dans et particulier dans sa charte graphique et puis aussi comment les animations comment elles sont faites parce que voilà c'est un univers qui est très pâte à modeler et qui a l'air d'être un peu en mode stop motion très Tim Burton un petit Dans le peu design, même ouais. dans le design et ça rappelle l'étrange Noël de Monsieur Monsieur Jack. Jack surtout. Et un peu dans le style, pour faire un comparatif avec un autre jeu, un peu de Little Nightmare dans le Little sens Nightmare, ouais. où on contrôle un petit bonhomme, un petit personnage qui est activé par, on ne sait pas trop qui, c'est genre de bougie, c'est un petit personnage, une bougie qui est rallumée voilà, à l'allumette, et puis il va commencer son périple dans. Bah cette route de minuit, une genre d'autoroute où il va affronter différentes créatures et un univers cauchemardesque et dangereux pour lui. Little Donc, Nightmare, moins glauque hein, quand même. Hein. oh, ça dépend, il y a des bonnes phases hein, quand même. Hein. Il y a des bonnes phases dans Little Oui, Nightmare aussi. justement, ça fait penser à Little Nightmare, mais en moins glauque. Ah, Parce que en moins Little glauque. Nightmare était quand même Oh, bien, bien glauque. Hein. oh, il y a des sales ouais, gueules. Hein. Bon, il y a des il y a sales des gueules hein, dans séquences. Midnight. Ouais. Non, t'as des trucs chelous. Hein. Vraiment chelou. Donc, à voir. À voir. Surtout que, tu sais, c'est toujours, en fait, ce que j'adore, en fait, dans le cauchemardesque, c'est les trucs qui ressemblent à des êtres humains. Tu sais, qui jouent sur le côté, voilà, humain, mais en fait, c'est immonde. Un peu comme la chose, tu vois. Ça part dans tous les sens. Il y a des tentacules, il y a des machins, il y a des gros visages, des longs nez. T'aimes ça les Et. tentacules, hein, mon salaud. Hein. Oui, mais bon, dans des. Pas le même. Hein, Enfin pardon, voilà, on va que, pas pardon, s'étendre. alors, Hein, bref, quoi? oh, donc. Ouais, c'est autre sujet, ça, c'est le truc adaptateur PC, là, avec les jeux chelous. Ah oui, bah ça sera pour Bah Gis, quoi? ça. Ça, c'est pour Gis. Voilà. Les jeux coquins. Mais non, sinon, franchement, je suis très curieux de celui-là et j'espère qu'il fera bien le café parce que s'il pouvait. Entrouvrir la porte et montrer s'il fonctionne et montrer aux autres développeurs les inspirer comme quoi L'hybride, ça bah marche. Voilà, clin d'œil à Zombie, hein, comme quoi on peut faire du plat de la VR sur des gens en plat et juste une petite bidouille par-ci par-là. Non, enfin, ouais. Il reviendra à ça dessus aussi. Mais bon, voilà. Contre, après, par contre, dans le trailer. Cette partie-là, je me pose une question justement. Ouais. Je sais pas si Gantz, tu veux dire la même chose, mais dans le trailer, on avait l'impression que. Un moment, on avait une vue FPS avec. Oui. Et je me demandais s'il n'y avait pas justement la partie VR allait pas amener quelque chose de différent. En fait, que le plat et le VR, ce serait vraiment des choses un peu différentes. Mmh. Un peu à l'époque, à la Playroom VR, où tu avais le point de vue du chat, par exemple, et les souris. C'était pas la même chose. Donc, j'espère pas la question. Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme Moss ou Mixture, parce que quand tu lis le synopsis du jeu, ils disent que tu voyages avec Potboy, un petit bonhomme. Oui, c'est-à-dire qu'en fait. Je pense qu'on est les deux. Si, c'est pour ça que tu es derrière. Tu vas être le jeu. Ouais. Oui. Tu vas être un peu en mode jeu comme dans Moss, en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a il y a du FPS, c'est nous en fait, et par contre en TPS, c'est le petit bonhomme. Ouais, mais voilà. Il y a eu un moment, il me semble, dans le trailer où on voit, je sais pas, la vue est vraiment. On a l'impression d'être dans le point de vue de la petite bête, et des fois, non, enfin, ça a l'air. Moi, j'ai un doute là-dessus, je sais pas trop. Est-ce que ça va être la même aventure exactement, ou est-ce que. J'espère que ça va être la pleine aventure complète, pas un truc un peu annexe. Ah oui, ça, je pense que ce sera l'aventure complète, ouais. Bah on espère, contre, oui, c'est vrai que ça sera dommage. Sinon. Le problème, c'est que c'est en plat, comment tu gères ça, ce qu'on fait en VR, comment tu le fais en plat. Bah, c'est pas compliqué, en fait. Tu restes derrière, tu gères la caméra, que ce soit en VR, que ce soit sur un écran plat. Si ton personnage, tu le vois en TPS, enfin le petit personnage que tu diriges, tu le vois en TPS, tu peux incarner quand même la caméra, que ce soit en plat ou que ce soit en VR, quoi qu'il en soit. Ouais, si, ouais, ça va. Après, s'ils veulent rajouter scénaristiquement dans la diégèse du jeu, bah ils le font, ça c'est. Que ce soit en plat ou en VR, ça change pas grand-chose. Après, changer la mise en scène, que ce soit en plat ou en VR, en alternant TPS et FPS, pourquoi pas, hein. Il n'y a rien qui limite ce genre de choses. Hein. Après, ils écrivent, alors, bon, c'est interprétation, se joue, donc play on PS5 ou sur PSVR 2. Donc pour moi, quand on me balance texto cache comme ça, c'est le même jeu. C'est la même aventure. Où tu peux justement switcher. Ouais. En tout cas, moi c'est ce que j'espère. J'espère pas en tout cas un bonus supplémentaire pour les joueurs de PSVR 2. Et... Un jeu de pêche. Oh putain. Oh putain. Merde. Merde. Ah non, ça fait partie de l'histoire maintenant. Des petites piqûres de rappel, hein, quand même, hein, un petit peu trop. Hein. Un Wigman. Ouais, Gis. T'allais dire. Je disais ce qui pourrait être beau aussi, c'est qu'il du coup il nous montre quelque chose d'inédit, en fait. Une méthode pour gérer les choses d'une manière qu'on n'a jamais vue, finalement. Ça pourrait être aussi beau, quoi. Après, ce serait bizarre, parce que peut-être que sur PC ou des choses comme ça, on aurait déjà pu voir des petites expériences qui avaient des gestions de caméra différentes. Mais s'ils apportent quelque chose encore de nouveau, qui fonctionnerait bien en VR, qu'on a encore peut-être jamais vu... Une bonne idée. Ça pourrait être aussi une belle chose. Mmh. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, ça a l'air prometteur, ça a l'air mignon. Franchement, on est plutôt bien loti sur ce dernier State of Play, franchement. Ouais, très hypé, ouais. Bonne surprise. Enfin, par rapport au sous-tiède qu'on a eu de portage de Kiku Autonome qui était un petit peu dégueu. C'est pas un roguelite. C'est pas un roguelite. C'est pas. Qu'est-ce qu'on a encore c'est pas un job simulator et tout. Ça a l'air d'être une histoire. Il y a pas de zombies. Un jeu de. Enfin, si. Un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure. Ça a l'air d'être mignon. Enfin, mignon. Mignon, mais horreur, quand même. Un peu horreur, mais voilà, c'est. Il y a une patte, quoi, derrière. Que ça soit vraiment dans le typique. Le style pâte à modeler, bien creepy, avec des créatures vraiment, tu sais pas d'où ça sort. Et puis l'animation qui va être aussi. Le stop motion, ce qui est pas mal, c'est que c'est très malaisant en fait. Ouais. Alors, tu peux faire vraiment des choses vraiment très très bizarres. T'as un côté réaliste, quand même, mine de rien. T'as un côté réaliste et avec des modèles qui sont vraiment physiquement devant toi. Alors, couplé à la VR, t'as moyen d'avoir un effet maison de poupée avec des poupées désarticulées, un petit peu saccadées, qui peuvent être plutôt cool. On en saura plus quand on mettra nos petits doigts boudinés dessus. Il sort d'ailleurs... Il sort quand celui-là ? Printemps, non ? Printemps 2025, printemps. C'est pas ça ? Ouais, donc on a le temps de voir. Hein. Ou on n'a pas eu de date ? 2025, hein, on a le temps de voir. Oh, oui, c'est sûr. Ouais. On a le temps. Je suis en train de vérifier vite faille. Je trouve pas de date. Non. Mais en tout cas, ça a l'air vachement mignon, je trouve. Donc voilà, il y a ça. Et puis enfin, on l'attendait. En tout cas, je l'attendais. Ça a été la bonne surprise. Hitman 3. Hitman 3, enfin même plutôt, plus exactement, Hitman... Hitman... The World of Assassination. World of Assassination. Donc la trilogie qui avait été donc rebootée, la série avait été rebootée par IO Interactive. Voilà, celui-là même. Monsieur Boisbouette. Dépêchez-vous. Monsieur, dépêchez-vous. Il est pas cher pour le moment. Donc allez-y. Pas cher pour le moment sur Amazon. Non, t'inquiète pas, on le trouvera toujours. Et et donc voilà, donc le reboot. C'est un jeu plat à la base, donc. Et le jeu qui était sorti en version VR, on va parler vraiment que de la version VR. Pour tout dire, en fait, je l'ai pris directement sur le PSVR 1, celui-là. Je l'avais testé à l'époque, je l'avais vachement squatté. Pour moi, c'était une claque monumentale en termes d'ambiance et d'immersion. C'est clair. Voilà, et donc, voilà, il va sortir en... Donc, il était sorti sur PC aussi, en VR, avec le même gameplay, on va dire un peu le cul entre deux chaises de la version PSVR, parce qu'il se jouait, pour rappel, uniquement à la manette, vu que c'était pas possible avec les PS Move à l'époque. Il n'y avait pas de stick, c'était pas pratique. Qui fonctionnait, hein, mais qui cassait un tout petit peu l'immersion quand même. Et donc il était sorti sur PC avec le même gameplay, bizarrement, alors que tu as des contrôleurs VR avec stick plus facilement sur PC. C'était un choix un petit peu discutable, qui a pas plu à beaucoup de joueurs PC, et à raison, je pense. Il est sorti sur Autonome, sur Quest, dernièrement. Dans une autre version, là c'était Hitman 3 Reloaded. Reloaded, une version, on va passer très très rapidement dessus, parce que j'ai pas envie qu'on tire sur l'ambulance. C'est une version qui est catastrophique, qui a des grosses conséquences sur le studio qui a fait cette adaptation-là, malheureusement, en termes d'emploi. Qui se fait complètement dézinguer sur le store Meta, qui proposait justement d'avoir Hitman 3 en version cel shadé, mais ça ne fonctionne pas techniquement, et c'était peut-être une bonne idée au départ, mais en tout cas mal exécuté et mal optimisé, et voilà. Est-ce que ça va être amélioré plus tard? Je sais pas, ça pue pour le moment, en tout cas pour ce jeu là apparemment. Il y a du taf, hein. Il y a du gros taf. Il y a du taf, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et donc, bah, cette version PSVR 2 sur PS5 qui est prévue va revoir, donc va, évidemment, on va upscaler la version d'originale PSVR de World of Assassination, et revoir aussi les contrôles, plus adaptés justement à deux moves, à deux contrôleurs. Et ça va tout changer distinct. Aussi. Et bien distinct. Ça, ils ont bien insisté distinct. Sur le... Ce qui n'était pas le cas sur le PSVR 1, à la manette. Non. Et ça va faire la diff. C'est-à-dire que même les personnes, en fait, qui l'ont découvert sur PSVR et qui l'ont kiffé à l'époque sur PSVR vont redécouvrir le jeu plus beau, ah bah oui. Plus de foule, plus d'immersion et des meilleurs contrôles. Donc, franchement, top. Si... Et surtout que le gameplay, il y a de l'ajout de gameplay en plus dedans. C'est-à-dire oui. que ouais, bah, ils l'ont clairement piqué à bah, Walking Dead certaines petites features de gameplay, possibilités en fait, que tu vois, on le voit à un moment donné qui se protège avec une poêle, et puis il y a une balle qui se plante dans la poêle, et puis avec l'autre main, donc avec l'autre VR5, tu pourras répliquer derrière. C'est vrai que le jeu a véritablement été repensé, en tout cas, dans son gameplay et dans ses possibilités physiques, en tout cas. Il y a de l'ajout, mais par contre, ils se prennent pas la tête, j'ai l'impression, et ça... Je pense qu'ils ont bien fait de faire comme ça. Ils ont mis du motion gaming là où justement il y allait y avoir un intérêt, vraiment quelque chose de positif. Donc ça va être les armes, ça on pourra bien vérifier si la balle est chambrée et tout. Donc ce sera en termes d'immersion de tueur, ça va être génial. Mais par contre, tout ce qui est manipulation, par exemple le crochetage, des trucs comme ça, faudra juste sélectionner son petit outil, crochet. Et puis gigoter, crocher et gigoter comme ça devant l'endroit où tu dois justement manipuler. Pareil pour les claviers, les choses comme ça. Il y a des moments où tu dois pianoter, enclencher, je sais pas, une bombe ou un délire comme ça. Et bah, tu as juste à mettre tes mains devant et à faire comme si tu tapais, le truc se charge du reste. Toujours de la même avec un genre de un ATH ou tu as un chargement. Donc je pense qu'ils ont eu raison de faire comme ouais. ça. C'est moins prise de tête et c'est moins de nœuds au cerveau pour du genre ah merde on a foiré ce truc là et tout. Ça va beaucoup plus vite. Et voilà, je trouve que il est sur de bons rails. Ça ramène du gameplay supplémentaire qui est vraiment lié à la VR sans amener de contraintes, on va dire. Voilà. Comme certains jeux le font un petit peu trop, ceux qui sont principalement survie, dont tu vas parler tout à l'heure. Trop de motion gaming, ça peut tuer le motion gaming. Ouais. Ou alors tu laisses le choix. Ça peut tuer le fun, en fait, malheureusement. Pour certains, en tout cas. Donc voilà. Ouais. Par contre, petite question. Parce que moi, justement, j'avais prévu de les acheter sur le premier PSVR, ce que je n'ai jamais fait. Entre le plat et la VR, est-ce qu'on a toute la campagne, du coup? Alors, ou est-ce que c'est... toutes les campagnes, toutes les maps principales par rapport à la version plate. Alors, version plate que je n'ai jamais lancée. J'ai jamais joué à aucun Hitman, en tout cas, de ce reboot en plat. C'est pas possible, une fois que tu l'as fait en VR, après, voilà, tu peux pas retourner en arrière. C'est chaud. Ouais. Mais tu as donc tu as toutes les cartes et donc tous les scénarios de base, on va dire, par map, qui sont en VR. Le seul truc que tu n'as pas en VR, en tout cas, c'était le cas sur le PSVR 1 et sur la version PC aussi, sauf si tu le modais, c'est certaines missions bonus. Par exemple, tu as une DLC, carte, je crois que c'est Bangkok, c'est dans un grand hôtel, et tu as une mission qui avait l'air en plus plutôt sympa, où tu devais t'occuper d'un gourou, d'une secte, et c'était, ça apportait des scénarios supplémentaires, des possibilités supplémentaires à cette map-là. Et en fait, quand tu le lançais, bah, ça te lançait ton jeu plat sous ton casque. Donc je pense que cette version-là, je sais pas, ça serait bien qu'ils incorporent justement toutes ces missions bonus. Ouais, donc... on aura vraiment un jeu complet, pas juste surtout qu'il évoluerait. Il évoluerait en même temps un peu comme GT7, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une mise à jour et tout, un petit DLC, pouf, hop là, et tu y retournes. Eh ben c'est pas dit ça justement. Enfin, c'est pas dit. C'est pas dit parce que toutes les maps bonus, toutes les missions bonus, toutes les trucs un petit peu événements étaient uniquement en plat et pas en VR. Donc j'espère que si ça fonctionne bien, il y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, que ce soit carrément intégré. Mais c'était pas le cas en tout cas sur la version PSVR de base. Bon, en tout cas, le truc positif pour ceux qui ont connu la version PSVR 1 et le casse-tête intersidéral pour installer Hitman 1 et Hitman 2, dans celui-là, il y a les trois. Voilà, il y a trois jeux en un. Donc, un seul CD, trois jeux, plus de prise de tête. On met la galette. Alors, c'est le mode, il sera à 9,99€, enfin, je crois. Enfin, à mon avis, ça va être quand même un petit peu casse-tête. T'es sûr que t'as les trois? Oui, sur la galette. Dans la galette. Oui, je suis plutôt sûr. C'est pas des codes pour les deux premiers. Non, normalement World of Assassination, c'est l'entièreté du jeu. C'est le jeu avec le moteur du 3 et avec les cartes des deux premiers. C'est exactement ça. Mais c'est pas vraiment trois jeux séparés. C'est pas trois jeux séparés. C'est le moteur du 3, mais il y a les cartes qui reviennent. Voilà, ça incorpore les maps du 1 et du 2 avec le moteur du 3, avec les possibilités du 3. C'est pour ça. Par contre, effectivement, si t'as uniquement... voilà, on va commencer à se faire des nœuds aussi. T'as Hitman 3 sur PS4, uniquement le 3. Si tu veux faire la mise à jour, donc l'upgrade PS5 sur ta PS5, et que tu dois racheter en plus Hitman 2 et Hitman 3 pour pouvoir les intégrer au moteur du 3, là ça peut vite commencer à devenir un petit peu compliqué. Ils sont clairs sur le truc, hein. C'est World of Assassination, il n'y a qu'un seul jeu... À la limite, si t'as uniquement Hitman 3 et que tu veux pas racheter une galette ou tu vas pas racheter complètement les 5 et tu veux pas racheter deux fois ton jeu, est-ce que tu as la possibilité d'acheter le 2 et le 1, de les incorporer? Ça, je crois pas. Il y a un très beau graphique sur Reddit qui existe justement. Oui. Selon telle version que tu as, tu as des possibilités d'accéder au truc. Tu connais la maison qui rend fou dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix? C'est exactement ça. En tout cas, ça existe. Hein. Cherchez sur Reddit, pas chercher là. C'est quoi, 35€ là Attends, Coco. Moi, je cherche parce que moi, je l'ai sur PS4. Je les ai tous mis déjà sur le moteur de Hitman 3, mais c'est comme ça que je l'ai. Moi, je l'ai en décousu. Moi, je l'ai en version. En version. Sur PS4, t'avais pas le choix. Hein. Ouais, c'est et puis c'était pas. Et c'était même pas n'importe quelle version qu'il fallait acheter en plus, parce que t'avais plusieurs versions. Le jeu, il a évolué, il a été décliné en plusieurs versions, rien que pour Hitman 1, tu vois. Et c'était des versions et même des versions steelbook, il me semble. Genre de gold version qui fonctionnait uniquement pour le mode VR. Moi concrètement, j'ai casse-tête de ouf. J'ai tous les jeux, tous sous Hitman 3. J'espère juste que je pourrais faire un upgrade à 10 balles pour avoir accès à la version PSVR 2. Mais t'es blindé, rachète, tu t'en fous. Allez. L'argent n'est pas un problème. C'est pas la question de ça. Tu l'achètes en physique et tu le rachètes en démat. Tu fais comme Philo. Mais bien sûr, mais bien entendu. Ouais. Non, mais j'espère. Voilà. De toute façon, on va faire des tests. Hein. Mine de rien, toi tu l'as en version boîte, El Ruco. Moi je l'ai en version. Moi je suis sur la ligne d'arrivée. Hein. J'attends. Voilà, moi je l'ai en version Frankenstein. Donc je vais voir aussi comment est-ce que ça fonctionne. Et puis on vous expliquera tout ça le moment voulu, quoi. Ah oui, celui-là, c'est... Contre, est-ce que je suis seul à avoir trouvé des inégalités ouais, dans les graphismes, dans le trailer. Il y a des passages que j'ai trouvés assez fades, notamment quand on voit la bouteille avec le verre, et puis l'espèce de poison dedans, la fumée verte. Oui, ouais. Il y a des passages comme ça que j'ai trouvé. Dans la version originale, c'est déjà assez mal fait, c'est-à-dire que tu mets ton poison dedans, et puis d'un coup, c'est une espèce de fumée verte qui arrive, et au niveau des animations, c'est pas fifou. Je crois que dans la vidéo qu'on a vue de présentation, c'est la première map de Hitman 3, c'est-à-dire c'est Dubaï. C'est très clinquant et au niveau des verres et des verres à champagne ou même des verres à cocktail, ça apparaît. C'est quelque chose de très simpliste, on va dire. Ouais. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça va pas popper à 3 mètres comme sur la version PS4 normale, fat. Ouais. Mais après, non, je suis pas trop inquiet. Je suis pointilleux. Hein, mais... Parce que bon, moi, je pense pas que ça sert. Je pense que le gameplay va déchirer. Et puis l'immersion quoi au niveau de la foule et tout. Je suis pas sûr qu'il faille vraiment faire de l'arrêt sur image systématique sur des trailers comme ça de présentation. C'est pas forcément la réalité quoi. Donc voilà, on verra. On jugera sur pièce. À voir sous le casque. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le VR Game Showcase. Où il y a eu aussi la présentation de certains jeux pour le PSVR 2. C'était notamment, je crois, Flat to EVR qui avait montré justement tous ses projets en cours. Tu vas en parler, elle ? Oui. Donc, Flat to EVR qui faisait parler énormément d'eux. On savait qu'ils étaient en train de bosser sur quelque chose, mais voilà, ils ont attendu ce petit showcase pour nous présenter. Un petit florilège, bon, il y en a pour tout le monde, je pense. Il y a à boire et à manger. En tout, il y a à boire et à manger, et voilà, du bon, du moins bon, et puis de l'étrange. Donc le premier qui, c'est, je pense, mon futur petit chouchou. Alors pour la prononciation, c'est Wrath Ion of Rune VR. C'est pas mal, c'est pas mal, je le garde. Ça va ? Ouais, on garde. Ok. qui est un jeu créé par ceux qui ont fait Duke Nukem 3D à l'époque, 3D Realms, qui était spécialiste. Ça remonte, hein. Ah ouais. Souvenir. Souvenez-vous. Ah ouais. Là, il y a 20 ans, le coup de masse de. Même plus. 30. ouais, 30. 30, hein. C'était début 90, je crois. Oui. Duke Nukem 3D. Hein. Ouais. Donc ils sont toujours en activité, ils font pas mal et j'espère que celui-là sera bien adapté et que leurs autres petits bébés, parce que eux ils continuent de développer en attendant et Wrath, ça va on être l'appeler un, comme ça, un FPS. Ouais, voilà. C'est un FPS dans un univers diabolique, les enfers et puis on doit charcler pas du zombie, mais des créatures de l'enfer. Ouais, c'est Quake en VR. Non. C'est Quake. Non. C'est Quake. C'est Quake. Non. Les graphismes, c'est Quake. Les monstres, c'est Quake. Le moteur et les animations des ennemis, c'est Quake. Les armes, c'est Quake. Le sang, c'est Quake. Les pixels, c'est Quake. les pixels, ça peut être autre chose. Les pixels, c'est Quake. Tu tapes sur un objet, t'as des espèces de poussière en pixels, c'est Quake. Ouais, mais. Ouais. Bah, ressort Blood. C'est quoi qui est Doom Voilà, c'est non. Du Doom, c'est du. Doom, regarde Doom c'était des sprites que t'avais en face de toi. Là, c'est pas des sprites, c'est des modèles. C'est Quake. Je trouve que la dégaine globale du jeu, ça fait penser à du Doom. Même si c'est pas des sprites, mais j'ai l'impression que c'est. Ça ressemble à ça, là. Je ok, toi t'es ban. Et... après l'émission, par contre. Non, mais en tout cas, j'espère que il sera bien adapté. Le truc qui me fait un peu peur, c'est que c'est dans la catégorie des fast FPS. Ouais. Donc on va suer quoi. On va faire du jus. Hein. C'est ce qui m'inquiète le plus et pas nécessairement. Après, Oui, VR canapé. Encore si c'est bien fait. Si c'est bien fait, il y a quand même des passages où il va falloir trancher et découper quoi. Une sorte d'épée à la Doom, le dernier, celui de Majo là. Eternal. Je sais plus lequel. Eternal. Doom Eternal, voilà. Et il va falloir balancer des bras dans tous les sens pour trancher et tout. Des esquives de boules. Ouais. Ah ouais, je pense que sur ton canapé, ça, ouais. J'espère que c'est pas du simili-cuir. Hein. J'avais essayé, mais il n'y avait pas d'arme blanche, justement, la version VR sur Pico 4 de Quake, ou Quake 2, que tu pouvais trouver et installer assez facilement sur le Pico. Ça rendait déjà exactement comme ça, au risque d'insister. Pas relou du tout. Et franchement, ça se jouait super bien. Ça a beau être fast FPS, ça a beau aller vite. Au niveau de la gêne, t'as zéro gêne. Ça fonctionne tellement bien. Le jeu était tellement optimisé et propre et net que ça marchait bien. Je pense qu'au niveau motion sickness, parce que quand tu vois ces images-là, tu te demandes, quand t'es pas trop habitué à la VR, est-ce que je vais pas revoir ce que j'ai bouffé la veille. Non. Parce que non, ça marche bien, quoi. Ah, et puis après c'est un tout, hein. Est-ce que le jeu sera opti, sera bien à 90 FPS, sans repro. Mais bien entendu. Mais voilà. Est-ce qu'on va se manger une version Quest ou pour ça. Après un Quest, je pense peut balancer quelque chose comme ça. Moi je me suis toujours demandé pourquoi le Quest faisait pas davantage de jeux comme ça en rétro, en pixel néo-rétro, tu vois. Donc il y en a, hein, mais pourquoi ils en font pas plus? Ils s'accrochent à Job Simulator. J'entends tellement Laurent te balancer une vanne là-dessus. Il y a pas assez de gamers. Oh, pinaise. Je l'entends tellement, mais c'est ce qu'ils font d'habitude, non? Voilà, celle-là, Laurent, elle est pour toi. Non, tu vois, là, je trouve la différence. Ouais, c'est que tu vas voir un style graphique. Il va convulser comme ça. Je vais perdre mes cheveux. qu'est-ce qui m'arrive? Oui, bla bla bla, et puis il va faire le pote tout seul. C'est ça. Non, mais franchement, voilà. C'est après le studio, ils n'ont pas épilogué de comment ça va fonctionner. Est-ce que parce que le jeu, il existe en plat sur PS4. Est-ce que le mode VR va être quelque chose que tu vas rajouter? Genre, est-ce qu'il va falloir payer une dizaine d'euros, 20 euros, un truc comme ça sur ce mode, ou est-ce que c'est un jeu complètement à part? À voir. Donc on n'en sait pas plus que ça en fait, hein. On sait juste que ça va arracher. Ouais, okay. Je pense que ce sera un jeu à part, hein, parce qu'ils l'ont vraiment titré VR. Mm. Donc, On verra, ça serait de bonne guerre en même temps. On verra. Ça serait de bonne guerre. Voilà. Donc pourquoi pas. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Flat Out. Pour les fondus des jeux de bagnole et tout, Destruction, très Destruction Derby. Totalement Destruction Derby. Sur le trailer, en tout cas, même moi qui suis pas fanat de jeux de bagnole, franchement, il donne grave envie d'y jouer. Oui. Le son, son, il arrache complètement, la musique arrache, puis ça a l'air de fonctionner, quoi. Tu rentres dans les caisses et tout, ça pète, ça éclate. Il y a de la violence, quoi. Ouais. Donc, la violence, c'est bien. C'est trop bien, la violence. Ouais, Flat Out, pareil, c'est une série de jeux qui est sortie déjà il y a 10-15 ans, hein, si je dis pas de conneries, quand même. Qui avait pour elle d'avoir un moteur physique pour ses bagnoles qui était exigeant. Parce que quand tu es en course et quand tu vas très très vite et que tu te prends un tout petit caillou et que ta bagnole part en décollage, faut être habitué. Ah bah là, l'impact sur le pare-brise. Voilà, et l'impact. Attends, c'est Carglass. Et puis l'impact entre les bagnoles qui fonctionnait vraiment très très bien. Et la lourdeur en fait. La lourdeur et. Et le côté très très brutal des chocs. Bah ouais, c'est ça. C'était ça qui était mis en avant en tout cas sur les premiers Flat Out, et là la même chose mais en VR quoi. Donc ça va être joli parce que ça a toujours été des jeux plutôt beaux, même le tout premier, plutôt nerveux, plutôt rapide. En tout cas le jeu, il me semble, que je dise pas de bêtises, qu'il y a trois versions encore. Ouais, c'est ça, il y a Donc Meta, la version oui. Steam VR et la version PlayStation VR 2. Mmh. Après, là, ça parlait du PlayStation VR 2. Mmh. Ça le mettait en avant. Et ce qu'on voyait en face de nous, bah, c'était, ça se rapprochait plus à du Steam VR, mais du vrai Steam VR. Quoi. Mmh. Donc, on risque, à mon avis, d'avoir un petit peu plus cette version-là pour nous, où il y a, ah bah oui. y a tout. Hein, y a du reflet, des effets de lumière, les ombres, enfin tout défonce. Quoi. Et l'effet de vitesse est vraiment incroyable dans ce jeu-là. Ouais. Après, c'est comme d'hab. Ils n'ont pas plus communiqué que ça. Alors, est-ce qu'on pourra brancher un volant, un pédalier ? C'est vrai. Ah bah oui, on verra sur pièce. Vous avez déjà essayé, vous, les flat-out ou pas ? Gis ? Pas du tout. Toi, Gis ? Moi, j'ai fait, c'était à l'époque sur PS3. Ouais. Et bah, ça date. Hein. C'était franchement bon délire. On faisait aussi des soirées avec des potes parce qu'il y avait aussi des modes mini-jeux. Mmh. Ah qui oui. étaient vraiment cool. Je sais pas ce que ça donnerait en VR parce qu'il y a pas mal de mini-jeux où il fallait faire genre, par exemple, il y avait un genre de bowling. Mmh. Mais en fait, sinon, tu crachais ta voiture et après, tu pouvais éjecter le bonhomme par le pare-brise. Voilà. Et c'est lui qui allait toucher des trucs. Donc, en VR, je sais pas. Après, je me vois bien traverser le pare-brise, ça peut être marrant, mais je sais pas ce que ça pourrait donner. Et je sais pas si du coup les mini-jeux seraient utilisés, quoi. Ouais. Je sais pas. Ils en ont pas montré une seule facette. Et moi, c'était un des gros trucs qui me faisait plaisir entre amis, en fait, à l'époque. C'était de faire les mini-jeux, c'était cool, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était plus un jeu de bagnole là, c'était ouais, j'avais oublié ce truc là effectivement. Oui. Genre où t'avais une énorme cible géante et puis tu devais t'avais un espèce de tremplin comme ça et tu devais t'arrêter et te cracher au bon moment et bien gérer la puissance. Si t'avais de ton perso. Moi je me rappelle, c'était devenu un truc entre nous, c'est que quand tu le faisais, après le type, il avait un espèce de double saut et il faisait ouh. Ah oui. Il y avait un petit ouh. Mmh, voilà, du coup ça c'est mes souvenirs que j'ai de Flatout, quoi. Le détail. Et c'était peut-être le 3 à l'époque sur PS3, je sais plus, mais en tout cas c'était quand j'y ai joué, j'avais pris du plaisir, quoi. Mmh. Ouais, mais je pense qu'ils vont complètement squeezer en fait cette partie-là. C'est probable. Je pense. Voilà, il y a l'air d'y avoir de la course et de l'arène. Et de l'arène. Moi je pense qu'on va être vraiment sur du Destruction Derby. Pur et dur. Ouais, en tout cas, clairement. Du jeu de voiture sur PSVR 2, on a que Gran Turismo, donc je pense que bientôt, ça peut bientôt faire Exo plaisir, Cars. Quoi. Attention. Bientôt Exo Cars. Ouais, et puis ici, il y a le machin aussi, Highway, je sais pas quoi là. Oh. Je sais pas s'il faut en parler de ça. Ah, le trafic. une belle bouse. Même, même sur le store, une note en dessous de 2, je crois. C'est, ouais, moins de 2 étoiles sur 5. Le truc en ligne droite, c'est rare. Ouais. C'est plus un piège. Un piège que. It's a trap. Ne l'achetez pas, quoi. Ok, donc Flatout, voilà, on l'attend encore une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on fait RoboQuest ? RoboQuest, qu'est-ce que c'est ? RoboQuest. Qu'est-ce que c'est ça ? Bah, un style pour changer, ça a l'air d'être du roguelite. Encore. Non. Chouette. Avec des robots. Avec des robots. Je crois qu'il est. Tu peux jouer à plusieurs. En cel shading, donc multi roguelite, multi. Ok. Cel shading, bon, du cel shading bien fait. Il a l'air plutôt joli. Avec. Il a l'air très contrasté, très très coloré dans le bon sens, avec des petites onomatopées quand tu tires et tout. Tu vois que ça fait pop, pop, pas pop, forcément pop, simple et coloré, juste coloré et complexe. Ça a l'air d'être quand même bien complexe. Gantz, si comparait ça à Borderlands, mais c'est moins détaillé quand même. Ouais, c'est moins détaillé quand même. Ouais. Mais c'est plus détaillé qu'un job simulator en tout cas. Donc ça va. Très bien, mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est quali et qui apparemment a eu un très bon accueil sur Steam avec plus des 14 000 reviews ou avis positifs, donc extrêmement positifs. Roguelite, à voir si vous aimez. Encore une fois, multiplateforme, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, mais t'as vu, ce genre de jeu-là, ça tient plus sur le gameplay et il n'y a rien qui empêcherait, en tout cas, d'après ce qu'on voit, que ça tourne sur autonome. Sans que ça porte préjudice au config hardware, quoi, un peu plus velu, quoi. Donc, en vrai, là, c'est vrai que je regarde les images, je l'avais pas vu, c'est vraiment propre. Hein. Bah ouais, c'est du cel shading coloré, c'est mignon. Enfin, ça se voit que c'est du jeu plat de base. Un jeu comme ça, bien demi quand même. Ouais. Les retours haptiques, là, par contre, pour un jeu comme ça, c'est. Ah bah, une séance, c'est 25 minutes. Hein. Après, comme on n'a pas de... On peut toujours non, mais si on, les, si on l'a, je veux dire. Soit t'as plus de batterie, soit t'as plus de doigts, parce que à force de d'appuyer dessus, quoi. Ah, j'avoue. Est-ce que ça arrive, hein. Non, mais après, bon, Roguelite, bah, en plus, il y a un test qui a... On va en parler, mais si c'est bien fait, si c'est, et surtout si le fun est immédiat, ça prendra. Et le coop. Le coop, ça peut être une plus-value. Et aussi. Le coop, ouais. C'est vrai que. Et le coop, c'est toujours une plus-value, le coop. Ouais, c'est vrai. Surtout si tu peux tirer sur ton coéquipier. Exactement. Hein, Gantz ? Hein, mon salaud ? Hein ? Heureusement qu'il vise mal. Ça permet de réajuster. C'est un Stormtrooper, Gantz. Ce sera pas toujours le coop. C'est ça, il a un casque et les yeux du casque sont là, mais ses yeux sont là, quoi. Et ils sont cons, les mecs. Ok, bon bah voilà, RoboQuest, mignon plus quoi, on verra ce que ça donne. Et enfin, on a Trombone Champ, alors ça, je suis sûr que c'est moi qui vais me taper ce truc. Bah, en même temps, qui d'autre? On peut pas s'y faire. Hein. Alors c'est quoi, c'est Wii Music, non? Parce que t'as l'air d'avoir des... Le style, je dirais, ouais. Ouais. Des Mi. Là, je vois le style en fait, oui. T'as des Mi. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, il est hors de question que je prenne un fond vert et que je fasse le test en faisant comme ça, avec un casque sur la tête. Je veux pas que ce soit giffé, ce genre de truc. Hein. Motion gaming, en plus, il y aura plein de mèmes qui vont tourner sur Internet. Essaye. Donc, non. Mais regardez, VR Player, hein. Peggy 18. Hein, on voit comment ils font avec PlayStation. mais donc voilà, c'est ouais, attends, ça va. Mais. Perso, j'y touche même pas, j'installe pas. Un peu avec un bâton. Bon, bah c'est un jeu de rythmique musical avec des points, faut suivre la cadence, suivre les gestes pour essayer de mimer un trombone comme son nom l'indique. Guitar Hero à la trompette quoi. Au trombone, voilà, en fait, c'est ça le mérite d'être original. Côté... Au trombone, pardon, ouais. C'est le côté, je pense, tu sais, le son. Alors, je sais pas s'il y a un trombone, ça fait ces sons-là aussi. Voilà, on dirait, mais c'est. Enfin, c'est pas ridicule, mais c'est con en fait. Et je pense que quand tu vas refaire les musiques, qu'apparemment il y a une panoplie, mais de dingue, quand tu vas les faire toi-même tout au trombone, mais ça peut donner des trucs marrants, je pense. Ça, c'est le genre de. Oh, il est vachement tourné sur le fun parce que là je vois qu'on peut mettre par exemple un poisson sur le trombone. Enfin, il y a des trucs un peu loufoques. Ça, c'est du fun, ça. Et potentiellement. Oui, oui, non, mais voilà. Voilà. J'ai mis un nez rouge. En tout cas, c'est le fun. C'est vraiment un jeu pour autonome à faire limite avec des gens à côté qui te regardent en train de. Pour le coup, si t'as un casque, si t'as un casque autonome et un PSVR2, t'as ce jeu-là qui sort sur les deux plateformes. Tu l'achètes pas sur PSVR2. Non. Mais tu l'achètes effectivement sur Quest pour l'amener en soirée, faire le con, et puis voilà. C'est ça. Et puis filmer tes potes. Et filmer les réactions. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais t'en joues à genoux pour faut voir que ça y est, voilà. Ça... Non, pardon. Ça, non. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Mais voilà quoi. On verra. Ouais. C'est original. Bon, en tout cas, ça n'a pas été vu encore, donc voilà. Faut... De toute façon, le musicos, c'est toi. Ouais, non. Ouais. Donc moi, j'ai envie de te dire, pas le choix. Ouais. On en reparle. On en reparle. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce qui a été présenté dans les derniers gros événements, en tout cas de ces derniers mois, ou dernières semaines. Ouais, voilà, après, il y a des choses qui ont popé sur... les réseaux. Bon, allez, Starship Trooper, merde. Ouais, faut qu'on crève la pselle un petit coup là. On n'en parle pas longtemps. On n'en parle pas longtemps parce que je sais que Laurent aura envie d'en parler et pas qu'en bien. Et faire un dossier d'une heure. Et pas qu'en bien lors de la prochaine émission. Donc, on va lui laisser quand même la primeur. On en parle juste histoire de montrer le trailer et montrer les images. Et puis, vous ferez votre propre idée. Super coup de com de Sony Pictures qui... Ah, franchement, bien joué. Ouais. Franchement, bien joué. Ils nous ont mis la hype de ouf. Et on dit que Sony n'arrive pas à communiquer, mais putain. On comprend mieux pourquoi ils communiquent moins des fois. Allez, on était au sommet de la falaise. Hein. Là, t'es. Oh, putain, on va avoir du 16 joueurs et tout en coop. On s'attendait au lot, là, Extermination, c'est ça, je crois. Et ouais. Moi, je me faisais des films de guerre, quoi. Je me disais, mais attends, il va y avoir. En plus, sur ce jeu-là, là, justement, Extermination, t'as des escouades, tu vois, genre des groupes de 4 qui chacun fait sa petite tambouille. Je me disais, oh là là, ils vont faire un truc genre, il va y avoir une escouade de PSVR et tout, ça va être génial. Les autres vont voir ce que les joueurs PSVR vont pouvoir faire et un tout. Mix, ouais. Ça va commencer. Justement. Mais un bordel du genre, limite à rendre les joueurs PSVR 2 indispensables pour certains trucs et tout. Je me suis fait des films, putain. Et le truc, c'est... Et là j'ai vomi. Un Hitman 3 Reload. Ah ouais, j'ai vomi, mais à l'intérieur. C'est les mêmes développeurs, justement, hein, si on peut en parler. Oui, c'est les mêmes développeurs. Enfin, une partie des développeurs, XR Games, ça fait, ouais. C'est ceux qui ont fait Hitman 3 VR Reload. Ouais, ouais, donc la version autonome de Hitman 3 dont on parlait tout à l'heure. On leur souhaite bon courage. Il y a eu des licenciements d'ailleurs, non 70 voilà. Sur 50, non, c'est ça. C'était menacé licenciement. Je sais pas s'ils sont effectifs les licenciements. Ouais, non, enfin ça pue. Franchement, si on connaît ça, sent pas bon. Ouais, il y a franchement pas à se réjouir de ce genre de nouvelles-là, clairement pas. Ça, c'est sûr. Ah, pas du tout. C'est pas du tout cool pour les développeurs, pour les studios qui font ce qu'ils peuvent, avec le matériau qu'ils ont et voilà. Enfin, on a vu des personnes se réjouir un petit peu de cette situation-là. On ne peut pas se réjouir de ce genre de choses, que ça se plante. J'espère franchement que c'est juste une version un petit peu trop préliminaire qui a été montrée sur ces premières images, en tout cas, de Starship Trooper. C'est tendu. Ils reviennent de loin. Ça sort en octobre, hein, donc... Ouais. Et puis, j'ai vu des barres de vie, des trucs comme ça, des trucs qui ne me plaisent pas trop. Hein, donc, voilà, sur Vrak, j'ai fait un comparo avec Farpoint, hein. C'est sans appel. Ah bah là, oui, là, enfin, il tient pas la canon, c'est clairement. Je l'ai réinstallé du coup, Farpoint. Ah, tu m'étonnes. tu vas voir, il y a une petite mise à jour PS5, ouais. PS4 Pro, tu vas kiffer. Donc voilà, donc on n'en sait pas vraiment plus, si ce n'est que c'est chaud. C'est chaud pour son cul pour le moment. On verra sur pièce encore ce Starship Trooper, s'il y a quelque chose à garder, quoi, s'il y a... une once d'espoir dans le truc, quoi. Le plus, il est coop. Ouais. Donc même moi, j'ai eu l'expérience, hein, même des jeux que j'ai bien kiffé, des jeux entre guillemets de merde, des jeux chiants en fait, pas amusants, où tu rages et tout, mais tu rages entre potes, ça a une autre dimension. Ouais. Donc faut voir même des jeux buggés de l'espace, franchement je me suis tapé des grosses barres avec des potes. Donc faut voir. Je pense qu'il va, il faut pas l'appréhender comme ce que j'ai appréhendé moi. Faut redescendre un petit peu, mettre les exigences un petit peu en rase-mode. Ah t'inquiète, c'est fait. Et puis voilà, se concentrer vraiment sur le fun s'il y a quelque chose à sauver. Parce que des jeux qui ne sont pas parfaits, bon, on arrive quand même à se marrer. Hein. Je ressors toujours l'exemple de Survive. Hein. Survive, le jeu est moche à souhait, mais bordel quoi. Mais il défonce. Il est fun. Il est fun. Ouais. À plusieurs. Après, je sais pas dire, mais en tout cas, quand tu vois le trailer, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'actes d'achat? Je suis pas convaincu. Enfin... Moi, de toute façon, il sort en surquest, donc on verra déjà si. T'inquiète, je vais le tester. Je vais te le vendre, moi. J'ose espérer qu'ils feront du crossplay parce que sans ça. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est un. Ouais, ouais, bah c'est quoi, 19 euros, c'est ça? 19 euros, il semble. 18. Et actuellement à 16,19€ si vous avez le PlayStation Plus pour la précommande, il y a 10% de réduction. Pour les téméraires qui veulent précommander. Ouais. Voilà. Bon. Ouais, si c'est crossplay, ça pourra le faire durer. After the Fall, il a tenu. Il tient toujours. Il tient toujours. Ouais. Ah, mais il a tenu sur PSVR, il y en avait quelques-uns mais qui jouaient. Mais heureusement qu'il y avait justement. Le souci de ce genre de jeu, c'est s'il n'y a pas de joueurs. Là, avec c'est mort. Les joueurs Quest et Steam. Un Concorde. Eh ben. Oui, bon. Excuse-moi, mais. Non, mais tu sais, voilà, l'argent, rentabilité, tout ça, rapide, actionnaire, n'est-ce pas Bref. Donc voilà, pas ouf. Je pense qu'on Laurent le testera parce qu'il a l'air vachement hypé en tout cas. On parle... Mais il a le droit à son morceau de merde, hein, lui aussi. C'est Laurent, vrai, hein, franchement. C'est vrai. Hein. Parce que c'est pas le tout d'engager des gens et puis après leur faire faire les basses besognes, merde. C'est la règle. Mmh. C'est la règle. Allez, on passe à Il y en a qui apprécient. on passe à la suite du coup, parce que déjà, ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter de tout ça. Gis. Trois mois. Gis, c'est à toi. Les spotlights sont sur toi. C'est ton heure de c'est gloire. C'est ton heure de gloire, vas-y. Tu vas nous parler du coup de l'adaptateur PSVR 2 sur PC que tu as pu tester, que tu as pu acheter, que tu as pu retourner dans tous les sens. Voir les points positifs et négatifs. Étant joueur PC, VR et connaissant... t'as quoi t'as un Quest 3, c'est ça, déjà? Ouais, j'ai un Quest 3. J'ai eu un Quest 2... Et un PSVR 1 à l'époque. Mmh. Et maintenant, j'ai un Quest 3 et un PSVR 2. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Donc, du coup, tu peux un petit peu comparer justement tout ce qui est... Je vais pouvoir faire un comparatif, mais je pense aussi parler déjà rien que du PSVR 2 en lui-même. Mmh. Et après, il y a le petit comparatif, quoi. Mais pour moi, si j'en parle directement, je vais peut-être parler de ça en premier, c'est la cible, elle est où? Si on a une PS5 et un PC... et pas de casque, le PSVR 2, il pourrait très bien convenir pour les deux. Mmh. Donc, on va parler d'abord du PSVR 2 en lui-même, comment ça fonctionne. Mais en gros, du coup, on a notre petit adaptateur qui est vendu, qui compte... 59, je crois. Ouais, 59,99, je crois, 60€. Je crois que c'est ça. Et du coup, t'as la prise et les deux courants, un câble USB qui va se brancher au PC... et du coup où on va venir brancher notre PSVR 2 sur cet adaptateur. Par contre, ce qui va nous manquer, c'est un dongle USB, ou alors si on a un dongle USB, ou alors une carte mère qui fait de l'USB, mais dans ce cas là je crois que c'est un peu compliqué, et un câble DisplayPort qui est pas fourni non plus. Donc en gros, si on a rien chez nous, on a juste un PC, il faut déjà qu'il ait un port DisplayPort, le PC. Parce qu'on a par exemple Zach qui a un PC portable et qui n'a pas de port DisplayPort, bah, il peut pas l'utiliser. Donc il faut un DisplayPort, il faut du coup bah, le PC avec de préférence un dongle USB. Et donc voilà, il faut l'adaptateur, acheter un dongle USB, acheter un câble DisplayPort si on n'a pas tout ça. Si on l'a dans un coin, moi c'était mon cas, j'avais un dongle USB, j'avais un câble DisplayPort, donc j'ai acheté que l'adaptateur avec une promotion. Et du coup, là, j'ai pu le tester au départ, il y avait quelques soucis, ils ont fait des mises à jour depuis, donc là ça va mieux. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a avec cet adaptateur? On a un logiciel qui est lié à Steam, PSVR 2 app, je crois. Mmh. Il faut donc brancher le casque correctement. Donc on branche notre adaptateur avec notre DisplayPort, notre port USB, notre dongle USB, le câble électrique. On démarre l'application PSVR 2 app, on démarre le casque, on démarre nos Sense, on les démarre d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'il faut rester appuyé sur le bouton Start pour le Sense de droite, le bouton Start d'abord en restant appuyé, et le bouton PlayStation pour démarrer le Sense en mode couplage, appairage. Ah, pour les couplets, ouais. Bienvenue sur PC. C'est ça. Le gauche, faut appuyer sur l'équivalent, le bouton Share et le bouton PlayStation. Mmh. Ça les rentre en mode appairage. Faut aller dans le Bluetooth de l'ordinateur, les retrouver, les coupler au PC. Et là, dans l'application PSVR 2, normalement, une fois qu'on a démarré notre casque et nos Sense, on les voit apparaître, en fait, ils sont grisés par défaut, et dès qu'ils sont bien couplés, ils apparaissent en blanc, nickel. On voit la batterie des Sense, on voit le PSVR 2, et là seulement, on peut le mettre. On a l'équivalent de ce qui se fait sur... C'est pas une manipulation que tu dois refaire à chaque fois que tu veux lancer un jeu sur PSVR 2 sur PC, hein. Je vais terminer la partie première utilisation, et après d'accord, je vais parler justement du cas des autres cas. Mais du coup, donc on met notre casque. À ce moment-là, on va avoir un peu ce qu'on a sur PlayStation 5, c'est-à-dire qu'on va avoir la définition en fait de l'aire de jeu, où on va regarder un peu partout, définir l'aire de jeu. Il y a quelques étapes. C'est vraiment à peu près similaire à ce qui se passe sur PlayStation 5 à ce niveau-là. Une fois que ça c'est validé, on va pouvoir lancer des jeux avec SteamVR. Donc ça, c'est pour la première utilisation. pour les autres utilisations, si tout va bien, tes sens et que t'as ton PSVR 2, t'as pas rejoué à ta PS5 avec ton PSVR 2, tes sens, dès que tu vas les démarrer, ils sont toujours couplés à ton PC, ça va bien se passer. Si c'est pas le cas, en tout cas chez moi et chez d'autres utilisateurs que j'ai vu sur internet, c'est que si t'as rebranché, même comme moi la première fois, j'ai voulu juste les recharger en les branchant à la Play, le problème c'est qu'après, dès que tu reviens sur PC, il faut aller dans les options Bluetooth, en tout cas pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de mise à jour, faut les dans les options Bluetooth, oublier les Sens et refaire le truc Toute la manip. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand on veut jouer sur PC avec, on lance d'abord la PSVR 2, hop, on branche le casque sans le mettre. En fait, on le branche juste, on le démarre, on voit bien qu'il apparaît en blanc dans l'app, on vérifie que nos trucs qui se couplent bien, parce que ça m'est déjà aussi arrivé de pas avoir rejoué ailleurs, pas avoir rebranché sur Play et relancer les trucs. Ils se connectent au PC, mais ils deviennent pas blancs dans PSVR 2 app. Je sais pas pourquoi. Bug. J'ai dû les recoupler. Donc il y a des petites misères comme ça qui sont potentiellement corrigeables avec des mises à jour. Et du coup ça. Et une fois qu'on a bien validé que notre casque et nos trucs sont lancés, seulement on commence à mettre le casque et lancer SteamVR pour là arriver dans l'interface SteamVR et pouvoir lancer nos jeux, des choses comme ça. Mais il peut y avoir des petites anicroches comme ça. C'est... Ok. Mais oui, bah, bref. Et... il faut pas avoir en fait ta PS5 dans la même pièce que ton PC, quoi, grosso modo. Si, potentiellement. Une fois que tu les as branchés, enfin que tu as fait l'appairage avec le PC, tout va bien. Mais si tu viens à vouloir. Tu vois, le truc, c'est que ton PSVR. Mais quand, 2, tu, dois faire l'appairage, quand tu dois faire l'appairage à ton PC, tu es obligé de débrancher ta PS5. Parce que si tu appuies sur le bouton PS, ça va allumer ta PS5. Non, et en fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord appuyer et rester appuyé sur le bouton pause le bouton share. Okay. C'est comme ta manette DualSense, si tu veux l'appairer en Bluetooth à ton téléphone ou à ton PC ou quoi, faut faire la même manip. D'accord. Ça existe déjà sur les DualSense. Et du coup, donc tu le fais comme ça, et après, une fois qu'il est couplé, dès que tu vas le redémarrer, si tu n'as pas rebranché à la PS5, il va se connecter à ton PC automatiquement et normalement fonctionner. J'ai refait des tests là récemment, et une fois qu'il était couplé, j'ai rejoué le lendemain toujours au PC, il s'est connecté directement, ils apparaissaient bien dans l'app comme il faut. D'accord. J'ai pas eu à... Voilà. Donc ça peut fonctionner. Et si tu repasses sur la Play, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu repasses sur la Play, faut aller sur le PC, oublier les trucs, les re-appairer. Et ça, c'est mais pour repasser sur la Play, t'as pas besoin de les rebrancher. Sur la Play, faut les brancher à la Play. Ah, donc t'es obligé quand même de revenir les rebrancher. Ouais. Mais comme quand tu utilises une manette PlayStation 5 ou même si c'était la même chose avec la 4, que tu l'as branché sur l'ordinateur et si tu voulais que ce soit réappairé à ta PS4 ou ta PS5, tu l'as branché, tac, t'appuies une fois dessus, tu débranchais direct et ça marchait. Ouais, sauf que moi, si tu veux, mes Sens, je les branche jamais à la PS5. J'ai les petits adaptateurs aimants et je les recharge sur le support. Ouais, pareil. Donc je les rebranche, jamais en fait à la PS5. Ouais. Ok, je vois. Donc ça m'obligerait à enlever l'adaptateur, reprendre un câble, le rebrancher. Effectivement, c'est une des contraintes. Et ce qui est, je trouve dommage, c'est que du coup, justement, ce casque PSVR 2, pour moi, il s'adresse au public qui ont à la fois une PS5 et un PC. Parce que par ces petites contraintes-là d'appairage, de choses comme ça, pour moi, si on n'a vraiment qu'un PC, il n'y a pas d'intérêt d'investir dans un PSVR 2 si t'as pas de PS5 et de l'adaptateur. Si t'as pas de PS5, tu prends pas un PSVR. Et tu veux pas jouer à des ou pas jouer à des jeux PSVR 2 sur ta PS5, il y a pas d'intérêt parce qu'en fait Steam il va émuler en fait un Quest globalement. Tes jeux ils vont le prendre pour un Quest. Donc pour moi ça rajoute une couche en plus. Enfin si tu veux le truc le plus simple à bon rapport qualité-prix, si tu veux jouer que sur PC, ce sera un Quest. Il n'y a pas à se poser la question pour moi dans ce cas-là. Mais sinon, en termes de... si on en vient justement à comment fonctionne le PSVR 2 sur PC, c'est du SteamVR, et du coup, ça permet vraiment globalement tout, puisqu'en fait, tous les jeux quasiment sur PC fonctionne en lançant SteamVR, quoi. Je veux dire, même si on a, par exemple... après, peut-être que Sait aura deux, trois petits trucs, mais moi, de ce que j'ai essayé, c'est que par exemple, on veut lancer Flight Simulator qu'on a sur notre Game Pass PC, et ben en fait, même si tu le lances sur l'application Xbox, et ben Flight Simulator va lancer SteamVR en arrière. Ah, d'accord, ok. Mmh. Parce qu'en fait, la plupart des jeux PC, ils utilisent l'interface SteamVR pour se lancer. Donc au final, moi en tout cas, j'ai essayé Flight Simulator du coup de l'application Xbox Game Pass et ça fonctionne bien sur avec SteamVR, donc sur PSVR 2. Je comprends. En fait, avec le PlayStation App, donc que t'as sous le casque quand tu le branches sur le PC, tu as accès à Steam, te lance le logiciel SteamVR et dès lors qu'en fait ton jeu est compatible SteamVR, ce qui est le cas pour la grosse majorité des jeux sur PC en VR, ça fonctionne. C'est-à-dire que je mets les pieds dans le plat direct, hein, mais tu vois, les mods, par exemple, la majorité, l'UEVR fonctionne sur SteamVR, enfin ça lance SteamVR. Ouais. Lucross, lance SteamVR. Le Praydog pour le Resident Evil Engine, ça se lance aussi sur SteamVR. Donc tous ces trucs-là, en tout cas tous les mods et ce qui espérait un petit peu les gens avec qui on discute sur le Discord, tous ces trucs-là en fait fonctionneront, tous les mods fonctionneront quels qu'ils soient sur l'application avec le PSVR 2. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais par contre, si tu veux par exemple, t'avais moyen, tu vois, quand t'achetais un HTC Vive ou un jeu non Oculus ou non Meta, de t'enregistrer sur le store Oculus pour avoir quand même accès à des exclusivités, même s'ils en font plus maintenant depuis un paquet de temps, sur PC, mais qui sont des exclusivités Oculus, Asgard Wrath, Lone Echo, Stormland, je crois, enfin des trucs comme ça. Et ça n'utilise pas SteamVR, ces jeux-là, en fait, parce que la plateforme est dédiée justement aux anciens Rift. T'as aucun intérêt, justement, et ça ne lance pas SteamVR. Ça lance vraiment le logiciel Oculus pour pouvoir faire de la VR. Ces trucs-là, est-ce que ça fonctionne avec le PSVR 2 ou est-ce que ça peut tout simplement pas être compatible? Je ne l'ai pas testé. Mais pour moi, tu vois, vraiment, l'application PSVR 2 App, c'est une application Steam. Et pour moi, elle est hautement intégrée dans SteamVR. Quoi. Vraiment, quand tu as ton casque, tant que tu as juste lancé Steam, PSVR 2 app et que tu mets le casque qui est démarré, ça te met à l'intérieur, tu as juste une petite icône qui dit « Enlevez votre casque et regardez ce qui se passe à l'écran ». D'accord, ok. Et seulement quand tu lances un truc, un jeu ou SteamVR, là, ton écran, ça change et tu arrives dans SteamVR. Après, ça demanderait à être testé, mais comme ça, j'aurais tendance à dire non. Mais potentiellement, je pourrais le tester. C'est de la bidouille, hein. Si ça ne fonctionnait pas, ça t'enlèverait juste quoi. Après, 2% des possibilités que tu as sur PC, quoi. Bah non, je dirais que depuis plusieurs années, quasiment tout ce qui sort en VR, ça devrait passer par SteamVR. Ouais, bien sûr. Je pense, voilà. Donc, mais sinon, en termes de, on a finalement un des seuls avantages du PSVR 2 qui reste quand on passe sur PC, c'est la dalle OLED avec des couleurs qui sont vraiment, vraiment chouettes, quoi. Dans le casque, ça rend vraiment bien. On a pas mal joué justement cet été ensemble. Tu disais qu'il y avait vraiment un gros level up par rapport aux zones sombres, Et aux couleurs, notamment sur Phasmophobia. Ensemble, les couleurs, je sais pas, il y a un petit truc en liège, là, un petit tableau en liège, je trouve que la couleur est plus vive, quoi. Il y a les couleurs sont plus vives, plus différenciées les unes des autres, ça fait un peu moins grisâtre. Par exemple, les lampes torches dans Phasmophobia, qui sont un point au départ, on a une lampe torche vraiment bas de gamme qui éclaire très peu, et avec le PSVR 2, j'ai l'impression de voir mieux, parce qu'en fait, il y avait une vraie différenciation entre l'éclairage de la lampe torche et les noirs. Donc pour ça, c'est le vrai plus. Par contre, ce qui était annoncé de base, c'est que toutes les fonctionnalités comme le casque qui vibre ou les retours haptiques sur les Sense, à part des vibrations basiques, il n'y a rien. Les gâchettes sont plus adaptatives, toutes ces fonctionnalités ne sont pas présentes. Donc sur PC, la seule chose qui nous reste, c'est les couleurs vives, quoi. Il y a des modeurs, je crois, qui commencent à bosser dessus et qui commencent à proposer, je crois, de l'haptique ou les vibrations même au casque sur PC. Donc je pense que à terme, peut-être que ça arrivera. Ouais. Après, ça dépend aussi des développeurs qui intègrent ça sur PC, sachant que le PSVR 2 sera, en tout cas pour l'heure, le seul casque à proposer ce genre de choses. Est-ce que ça vaudra le coup de l'intégrer dans un développement de jeu sur PC? Bah, ça, on ne sait pas. Il y a plusieurs facteurs comme ça qui rentrent en ligne de compte et qui ne rendent pas forcément la chose très, très pertinente pour le moment, en tout cas. Et du coup, voilà. Après c'était voilà. Passé de genre ça pouvait pas, ou alors c'était suggéré que on ne pouvait pas avoir les haptiques, les choses comme ça, et puis par la suite, ouais, comme tu disais, tout est possible. Hein. Ils ont dit que ça sortait et qu'il n'y avait pas. Ils n'ont pas dit que ça arrivera peut-être plus tard, mais je pense qu'ils se sont couverts. Ils ont dit qu'il n'y avait pas et. C'est terminé, voilà. Mais c'est pas, il n'y a pas parce qu'il peut pas. Quoi. C'est juste que c'est bah, les développeurs, ils n'ont pas prévu. Vu que bah, sur les autres casques, ils proposent pas de l'aptique comme ça. Faut pas oublier que l'aptique, les vibrations au casque et tout ça, c'est une feature qui est dédiée au jeu sur PS5. Oui. Et d'ailleurs, ouais, c'est lié à ce que je disais aussi sur le casque. Pour, quand tu vas dans les menus de SteamVR sur tes contrôleurs et tout, ils sont vus comme des contrôleurs d'Oculus. Quoi. Ils sont toi pas aussi, vus ça comme des PSVR de machin. Oui, c'est ça. Mais faut que ce soit fait. Mais en tout cas, actuellement... C'est émulé, enfin en tout cas Steam pour les jeux, c'est un skin, c'est des trucs en fait. D'Oculus. C'est ça. C'est un skin PSVR 2. Mais ça s'est déjà vu, hein. Déjà, je crois que quand tu bidouillais un petit peu et que tu avais un WMR avec, qui avait vraiment une forme très très particulière, à un moment je crois que ça pouvait changer de forme selon le jeu en plus, selon comment c'était intégré, soit c'était des contrôleurs HTC Vive, soit c'était des contrôleurs Oculus, donc. Ça s'adapte, hein. Ça s'adapte, ça se met à jour et puis ça mettra le temps que ça prendra, quoi. Mais c'est du détail, quoi. Mmh. Ouais. Mais du coup, toi qui es les deux. Après, si on parle de. Voilà. On va venir au point du pourquoi aussi je dis que si on a une PS5 et un PC, pas d'autre casque, rien, et qu'on veut faire de la VR à la fois sur PS5 et sur PC, on est la client cible pour acheter un PSVR 2 et l'adaptateur, avec les contraintes de changement de PS5 et PC, comme j'ai évoqué pour les contrôleurs. Mais si on veut du on n'a pas de PS5, on veut que du PCVR, ce que je veux dire, c'est que du coup, au lieu d'émuler un Quest avec un PSVR 2, on a un Quest. Surcouche en moins. Donc une surcouche en moins, ça ouvre les possibilités du sans fil ou du filaire. Les deux fonctionnent. Après, faut du matériel adapté. Si on fait du sans fil, faut le bon routeur, faut les bonnes choses et tout. C'est pas forcément plug and play, ça dépend de notre installation et de notre PC. C'est comme tout dans le monde PC. Mais par contre, après il y a les avantages du Quest 3, c'est-à-dire les lentilles. Qui permettent une meilleure vue, quoi. Enfin, il y a ça, en fait, on peut regarder là-dessus. Et franchement, moi à choisir, j'utilise sur PC, j'utilise le Quest, quoi. Parce que pour ça, je le branche ou je le branche pas. Je démarre mon jeu, je le fais. Mes contrôleurs, ils sont connecté à mon casque et pas au PC, donc j'ai pas ces bidouilles là de Bluetooth à faire, de m'assurer du truc. Je le mets, généralement ça fonctionne. Mine de rien, c'est dans des petits détails, surtout c'est dans le confort d'utilisation, dans le confort utilisateur, la différence se fait. Et malgré le fait que et là encore, on parle vraiment d'un truc particulier, c'est-à-dire que toi t'as un casque PC dédié PC et t'as un casque sur PS5. Mais malgré le fait que la dalle soit bien meilleure, que les couleurs soient plus vibrantes, plus claquantes, les noirs sont bien plus noirs en fait. Ouais. Et le confort global aussi lié à la résolution, parce que tu nous avais dit que au niveau de la résolution aussi, tu avais un gain de netteté un petit peu supérieur sur PSVR 2. Bah en fait ça dépend en fait, c'est des réglages Steam, j'ai refait des réglages depuis et en fait ça dépend, globalement c'est un peu pareil. Et un point supplémentaire dans les petits trucs qui sont bizarres avec le PSVR 2, c'est que moi par exemple quand je le branche SteamVR, si je lui mets une résolution de base à 100%, et en fait au lieu d'être une résolution pareille à 2000 par 2000, on va dire, c'est pas exactement ça. Et ben moi, mon SteamVR, il pense que c'est un 4000 par 4000. Donc là, en fait, mon PC, il ne peut il pas. Rame. Il rame ça. C'est impossible. Quand j'ai fait le couplage où je devais reconnaître la pièce et tout, bah, du coup, ça ramait à mort. Pour passer cette étape-là, ça a été compliqué. Et apparemment, Steph, du coup, de VR4Player, qui a fait le test YouTube, et ben lui, j'en ai parlé avec lui, et lui, son casque est bien vu en 2000 par 2000, quoi, sur SteamVR par défaut. C'est pas, ouais, un petit bug de prise en charge, un petit truc qui se patch aussi, je pense. Peut-être reconnaissance du pilote. Ouais, mais ça oui, là, c'est peut-être un truc. Voilà. Il y a aussi des petits trucs. Notamment, quand il est sorti le PSVR 2 avec l'app, il y avait les cartes AMD qui n'étaient pas prises en charge. Non, elles étaient prises en charge, mais en tout cas que à 120 FPS. Le 90 FPS était pas. Enfin, 90 Hz dans l'affichage n'était pas disponible. Là, depuis, ils ont fait une mise à jour. Et il y avait, quand on tournait rapidement, ça faisait un espèce de flou, un peu comme quand on regarde au-dessus d'une flamme. Vous voyez, on a un espèce de petit flou. Ça, comme c'est ça. Quand ça rame. Dès qu'on tournait. Ça, c'est quand on En fait, apparemment, non. Parce qu'ils ont fait une mise à jour et c'était un problème connu. Mais c'est peut-être de l'optimisation. Dès que tu tournais la vue et tout, ça faisait peut-être de l'optimisation. Parce que c'était fait là, justement, quand tu fous un mode. Bizarre. Quand tu mets un mode sur un jeu qui est un petit peu gourmand, donc un jeu plat qui est déjà un petit peu gourmand et que tu le fous en plus en VR et que tu mets des configurations un petit peu bourrines, quand tu tournes justement, t'as cet effet de, comme tu dis, au-dessus, comme tu vois au-dessus d'une flamme de déformation de l'image. Une chaleur, un truc comme ça. Ça vient vraiment d'une chute de FPS drastique. Et que ça revient, en fait. En tout cas, dans les notes patch, ça faisait partie des problèmes qu'ils corrigeaient. D'accord. Et du coup, quand je l'ai retesté depuis, il n'y avait plus justement ce petit truc-là. D'accord. Et un point que je voulais mentionner, que je trouvais pas mal, justement, c'est qu'on peut jouer aussi à des jeux qui se jouent sans les sense ou sans les moves. Tu vois, par exemple, moi, j'ai joué à le jeu dans l'eau, là, Subnautica. Ouais. Et en gros, il se joue à la manette, par défaut, si on n'a pas de mode ni rien. Et le truc, c'est que j'ai pris celui-là, je l'ai fait exclusivement avec le PSVR 2 parce qu'en fait, comme c'est un jeu très coloré et tout, ça rendait super super bien avec le PSVR 2. Et comme ça bypassait en plus le problème des sense, je prenais ma manette Xbox. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on branche le casque, on démarre l'app PSVR 2 VR, PSVR 2 VR là, et l'app. Et en fait, on branche juste le casque, on le démarre, il devient blanc. Les sense, ils restent grisés parce qu'on les démarre pas. Mais on peut lancer un jeu VR et ça va mettre dans le casque et tout, ça fonctionne nativement comme ça, quoi. Voilà. Parce qu'à un moment au départ, j'avais peur qu'on soit obligé de brancher les sense et même si on joue avec une manette ou quoi, mais non, on n'est pas obligé. Ça peut juste servir de. Cette espèce d'hérésie. Notamment là, aussi, visionner des vidéos. Tu donnes ça à Laurent, mais il fume. C'est comme un démon à l'eau bénite, quoi. C'est vraiment. il fume. Déjà, attends, un PSVR 2 sur un PC. Sur un PC, déjà, c'est chaud. Avec une manette Xbox. Mon point faible. Pour jouer au Game Pass. Mais du coup, si on veut faire le bilan, globalement, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, si on a une PS5, on veut jouer à des jeux PSVR 2, comme Gran Turismo 7, les Resident Evil qui sont des tueries. Qu'on veut aussi s'essayer à des jeux PC comme Half-Life Alyx globalement, qui est assez peu gourmand aussi, qui peut passer sur beaucoup de machines. Les 60€, si en plus on a le câble et un dongle déjà chez nous, ça peut valoir le coup, quoi. Ça vaut largement le coup. Typiquement, en fait, c'est... pour un Elroco, ça serait parfait, quoi. Clairement, t'as un bon PC. Un PC correct. J'ai un PC VR ready de quelques années, mais il est VR ready, ouais. Et donc du coup, toi, t'as juste en fait à acheter le boîtier et un dongle si t'es pas déjà équipé. Et moi, ce serait dongle, c'est ça. Donc et globalement, du coup, c'est compatible avec quasiment tout ce qui se fait actuellement sur la VR PC, quoi. Donc ça, c'était une des craintes qu'on avait, que ça soit assez limité, et ça l'est globalement pas, quoi. Il y a très peu de cas de figure. Il y a un truc que tu as dit et qui me rassure un petit peu, et je me dis que c'est peut-être un bon point, c'est que c'est suivi en fait. C'est que tu as des. Ils ont déjà fait une mise à jour, Qui pop. Donc, heureusement. Moi, ce qui m'inquiétait, mais heureusement, mais. il y a la théorie qui doit être vraie de genre ils ont sorti ça pour écouler le stock. Mais le truc, c'est que c'est pas laissé comme ça. Enfin, c'est pas du genre, tenez, démerdez-vous, vous avez l'habitude de la bidouille, genre, caisse à outs. Early access qui reste early access pendant tout le temps. Exactement. Toujours. Comme tu dis, il y a des trucs qui n'étaient pas opti, ça a été opti ensuite. Les AMD qui n'étaient pas reconnus à 100%, ça a été repatché derrière. etc., etc. Je me dis, bon, et mine de rien, c'est... Et c'est de la grosse amélioration. Un gonze. À chaque fois. Ouais, il y a quand même un gonze qui est dessus et qui veut que ça fonctionne correctement, tu vois. Donc, est-ce que c'est toujours dans l'optique de ne pas relancer le casque? Je sais pas. Après, moi, si on regarde aux dernières actus, donc ça qui est un peu suivi, plus là, le State of Play dont on a parlé juste avant, et les quelques nouvelles de jeux qui arrivent qui ont l'air plutôt convaincants, je pense qu'on en plus des jeux qui arrivent. Ah oui, oui. Et donc, pour beaucoup, on n'est plus tout à fait dans le mood d'avant où on se disait que c'est complètement mort. Après, on attend toujours des vrais jeux de Sony. Peut-être pas Sony Pictures. Oui. Parce que la Sony Pictures, c'est pas les bons clients. Mais de Sony PlayStation, ce serait bien qu'ils montrent qu'eux aussi, ils en ont encore envie. Mais sinon, au niveau jeu tiers, on est plutôt bien servi là, en cette fin d'année. Ouais. En termes de sortie et puis d'annonce de jeux à venir. Donc, surtout si c'est pour teaser comme des malades, là, attends, Horizon Zero Dawn, là, ouais. Qui nous ont juste avant teasé comme des gros porcs Call of the Mountain, là. Juste, ah, souvenez-vous, on a fait ça et tout, et puis ne rien sortir derrière. C'est ça. Ils ont intérêt à avoir quelque chose dans leur chapeau, hein, ceux-là. Ouais. Bon, déjà, on va voir, mais tout à l'heure, ce qu'ils ont déjà sorti de leur chapeau et qu'on a pu tester. Mais globalement, ton appréciation utilisateur du PSVR 2, c'est juste un petit peu contraignant, surtout dans la mise en route. Contraignant aussi si tu switches en fait régulièrement de la PS5 au PC. Petit, tu alternes, ouais, c'est ça. Ce qui n'existerait pas si les VRSense étaient vendus. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire, ouais, mais c'est pas compliqué, t'achètes des VRSense dédiés, mais puis, ouais, puis c'est réglé. Ça ne marche pas. Voilà, donc... Si vous nous suivez sur le Discord, bah vous savez ce qu'on en pense aussi. Mais bon, je serais quand même curieux, moi, de... Et je vais pas, j'aime pas me prendre la tête, en fait. J'aime me prendre la tête pour, tu sais, bidouiller un petit peu l'ordinateur, essayer de le repousser un petit peu dans ses derniers retranchements. Mais dès lors, en fait, que j'ai un casque, par exemple, là, qui fonctionne bien, j'ai pas vraiment envie de... Ouais. Moi, j'avais envie de tester. De me prendre le chou. Mais je suis curieux quand même. J'ai vu que sur Subnautica, par exemple, c'était, ça faisait un gros step-up, quoi. Ça faisait un vrai truc, parce que c'est vachement coloré et tout. Et puis t'as des petites lumières fluo dans le sombre et tout, donc ça fait vraiment un truc cool. Du coup, là, j'alternais pas mal au début, parce que je jouais beaucoup Subnautica, puis on faisait 2-3 parties de Phasmophobia. Et du coup, au début, j'alternais, enfin, j'y jouais, mais après, ça m'embêtait avec la play, donc je l'avais exclusivement... pour Subnautica, ils jouent à la manette, comme ça j'avais pas l'histoire des scènes à faire. Et au final, le problème c'est qu'en alternant, comme j'avais mon problème de résolution sur Steam avec mon Casper VR2, si j'étais dans le cas de Steph, ça me serait pas arrivé, mais là ça m'arrive. En fait, j'étais obligé à chaque fois que je lançais Steam, si je voulais passer sur mon Quest ou celui-là, fallait que j'aille dans les paramètres Steam, régler la résolution manuellement, faire des changements. Et du coup, pour alterner deux cases différentes, c'est pas du tout pratique. Ouais, c'est pas pratique. Donc maintenant, j'ai tendance à délaisser le PSVR 2, je le garde pour la Play et le Quest pour PC. Si t'as le choix, c'est, ouais, c'est le truc le plus simple à faire, quoi. C'est beaucoup plus confort d'utilisation, mine de rien, parce que confort, voilà, c'est ça. Des fois, ça peut te couper un petit peu ton envie de jouer quand vraiment c'est un peu la mission pour lancer un jeu, quoi. Et j'ai juste encore une petite question. Le Mura. Tu l'as constaté sur les jeux PC ? Ça change rien. Il est là, ouais, oui. Il reste là. T'as toujours petit voile, ce léger petit voile. Oui. Donc c'est vraiment du jeu et pas du hardware. Moi, je m'en rends vraiment... Ouais, du casque, quoi. Moi, je m'en rends vraiment compte quand c'est une couleur unie, quoi. Là, c'est là où ça saute aux yeux, mais il est là, il est présent. D'accord. Et la reprojection, en fait, les espèces de dédoublements d'images quand tu fais des rotations fluides. Après, là, c'est géré par le PC. Hein. Donc ça, tu vois pas. D'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas. Moi, toi, par exemple, mon Quest, j'avais eu qu'un Quest en VR sur PC. J'avais jamais trop vu, tu me parlais, toi, Say, des fois de petits défauts de compression, parce que l'image sur un Quest, elle est streamée, en fait, elle est compressée et décompressée. Même si on est en câblé en USB, ça compresse les images. Et si tu règles mal ton casque, ton Quest, ça peut vraiment être très, très désagréable et très dégueu. Et du coup, moi, je m'étais jamais aperçu de ça, mais après plus de 20 heures sur Subnautica avec mon PSVR 2, à un moment j'ai voulu lancer une petite session vite fait, et mon PSVR 2 je crois que j'avais rebranché sur la Play pour jouer à autre chose, donc je m'étais dit bah je vais vite fait le lancer sur Quest, et là j'ai vu dans les algues bah que ça faisait un petit truc, je les ai vus en fait, c'est des fautes de compression que je voyais pas avant. Je les ai vus à ce moment-là. Donc, mais sinon, en fait, le truc, c'est que dans SteamVR, tu mets 120 images par seconde ou 90, ça fait la cible, et après, c'est SteamVR qui gère. Si ton PC il peut atteindre les 90, bah t'as pas de reprojection. Mais si ça descend, t'as une option pour dire faire de la reprojection, en gros. Et là, dans ce cas-là, ça en ferait quoi. Mais c'est après là, c'est ça dépend du PC quoi. On rentre sur un truc classique. Mais par contre, c'est sur du DisplayPort, donc t'as pas ce truc de compression, quoi. D'accord. Là, c'est vraiment un casque PC VR, globalement. C'est un des points positifs par rapport à un Quest. Alors, la compression, pour essayer de décrire ça, parce qu'on a que, enfin, majoritairement des joueurs PSVR 2 et PS5 chez nos auditeurs. Essayez d'imaginer une vidéo que vous regarderiez sur. Une vieille vidéo que vous regarderiez, en fait, sur YouTube, avec. Une définition très très basse, et sur certains aplats de couleurs, sur certains détails, en fait, les couleurs ont tendance à baver sur des endroits où c'est censé ne pas être cette couleur là. Il y a toujours des petits décalages comme ça et des petites coulures en fait de couleurs et de textures en fait qui vont d'une zone à une autre, et sur des passages, des éléments dans un jeu sous le casque en mouvement. En fait, ça a tendance à uniformiser en fait le mouvement pour donner une espèce de texture en fait plus large qui correspond pas en fait au modèle qu'il y a dans le jeu. Je sais pas si je suis ultra clair. Ouais, ça fait des. Enfin moi sur les. Par exemple les algues de Subnautica, ça faisait des espèces de. J'ai l'impression qu'il y avait des petits carrés en fait. C'est ouais. Ça. Ça fait des gros carrés comme ça. C'était moins bien défini les algues. En fait, ça faisait un amas. Un amas de petits trucs, quoi. C'était. Et j'en avais déjà parlé sur le mode de Resident Evil 4 sur PC, où quand au début où j'avais mon Quest 3, j'avais vraiment eu du mal à le configurer. Maintenant, j'ai trouvé une configuration où je vois plus les artefacts. Et dans les zones brumeuses, où t'as de la brume, surtout au début du jeu, c'est des espèces d'aplats gris. Et en gros, le fait d'avoir de la brume devant moi dans le jeu en VR, ça faisait comme si j'avais un espèce de gros voile qui me bouffait la moitié de l'écran, gris dégueulasse avec des gros carrés gris clair et gris foncé, et c'était totalement injouable et c'était vraiment horrible quoi. Donc oui, a priori, donc le fait d'avoir un câble, ce foutu câble du PSVR 2, mine de rien, ça permet justement d'avoir un signal qui est direct, propre. Grosse différence du coup dans les petits détails comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, après avec le confort d'utilisation, c'est vraiment, si on a rien d'autre, on a une PS5 avec nos jeux PSVR 2 et un PC qui est VR ready. Regardez hein, les specs minimales, normalement je crois que c'est une 1660, je crois un truc comme ça, ou 1060. Une 1060 ou une... Je crois que c'est le minimum, hein, 970, évidemment, quand on parle de minimum... Ouais, si on parle de minimum sur PC, c'est que potentiellement il y aura quelques jeux qui vont pouvoir fonctionner. C'est pour jouer à Beat Saber. Dans des conditions plus ou moins bonnes. Voilà. Mais et potentiellement, moi à l'époque j'avais fait. J'avais une 1660 Super, j'avais pu faire Alyx dans des conditions correctes. En moyen, en réglage graphique, et c'était correct. Moi j'ai une 1050 Ti sur le PC portable. Alyx ne passait pas, en tout cas pas du tout confortable, ça ramait comme ça pouvait. Et étonnamment, des jeux comme Resident Evil 3 modé, qualité basse, mais vu le RE Engine qui fait des miracles, même en qualité un peu basse, il restait quand même très très beau, ça tournait grave bien, quoi, vraiment bien. T'avais fait Hellblade aussi, il me semble. Hellblade aussi, ouais, 1050 Ti, qui tournait apparemment. Ah oui, si, le premier. Marchait très bien, ouais. Ouais, pas le 2, ouais. En tout cas, voilà, pour moi, la conclusion, c'est ça, c'est PS5, PSVR 2 et PC, peu importe, enfin, pas peu importe le PC, mais un PC qui est VR ready, ça vaut le coup de prendre ce casque, parce que sinon, ça veut dire rajouter 400 €, enfin, 400-500 ou 550 € pour avoir un Quest 3, c'est, voilà, c'est autre chose que les 60 € que demande l'adaptateur. Ok. Bon, bah, en tout cas, ça a été plutôt... Bah, merci pour les explications, en tout cas, Gis. C'était intéressant. Et puis voilà, peut-être que certains d'entre vous vont vouloir passer le pas. Vous pouvez retrouver aussi la vidéo, comme tu disais tout à l'heure, de Steph sur la chaîne YouTube de VR4 Player pour avoir des explications avec un accent qui chante un peu plus que le tien. Sans langue de bois. Sans langue de bois, avec des bonnes petites crises de nerfs, parce que je pense que ça n'avait pas été autant patché quand il avait fait ses tests. Ah non, il y avait zéro patch encore à l'époque. Là. Voilà, donc c'était un peu dans le dur. C'est très détaillé aussi. Des problèmes qui sont stipulés dans cette vidéo-là sont plus d'actualité, et heureusement. D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont patché aussi la gestion des dongles. Il y en a quand même des trucs qui ont été améliorés par rapport à des dongles USB. Heureusement. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème de Sense qui perdait leur tracking, mais Steph en a eu, par exemple, et il y en a qui se plaignent de ça. Il y en a beaucoup qui ont eu même avec des dongles qui étaient donnés comme... comme compatibles, qui ont été validés, comme quoi PlayStation avait testé que c'était OK. Il y en a qui ont eu des soucis. Donc pas hésiter des fois à prendre une rallonge, si jamais vous avez le truc et que vous avez des soucis. Prendre une rallonge USB et écarter le dongle du PC et du reste pour qu'il soit vraiment posé sur le bureau ou peu importe. Ne pas le laisser derrière la tour. Voilà, entre les Sense, entre les Sense et le dongle, qu'il n'y a rien du tout. Et en théorie, ça devrait améliorer les choses. Et voilà. Ok, donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cet adaptateur. Toi, Gantz, intéressé ou pas ? Moi, je suis pas du tout, moi je suis vraiment team plug and play. Donc je laisse tomber. Comme Laurent. Après, bon, c'est vrai que là, à écouter Gis, ça a l'air, hormis l'installation, peut-être un peu compliqué. Après, ça a l'air d'être facile. Steph, dans sa vidéo, a dit, par contre, ouais, il faut aimer mettre les mains dans le cambouis, bidouiller. J'ai un peu de mal, du coup, à cerner ce côté-là. Parce que moi, c'est ce qui me fait peur, justement. C'est que s'il faut bidouiller... Tous les casques que tu dois brancher sur un PC, il faudra forcément bidouiller. Même si tu prends le Quest 3, faut pas croire... Le Quest 3, tu le branches, ça marche et c'est parfait. Non, il faut aller bidouiller dans le logiciel de configuration pour trouver le bon... c'est pas le plugin, mais c'est le codec vidéo pour streamer en fait ton image. T'as tes bons réglages, t'as tes bonnes résolutions, selon ta configuration aussi, t'essaies d'optimiser et tu vas bidouiller quoi qu'il en soit. Et, ça dépend. Pas du tout, à chaque jour. Normalement, ça va. Mais si tu l'as, par exemple, Steph, il en parle de ça, mais parce qu'aussi, il a testé des modes comme sur Escombat, des choses comme ça. Les modes non officiels, là, c'est sûr qu'il y a quasiment de la bidouille obligatoire. Mais là, c'est la configuration du jeu, c'est pas de la configuration du casque, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment. C'est là aussi où il parle de bidouille, c'est parce qu'il faisait des modes et tout. Moi, là, c'est vrai que je suis resté plus dans le truc où c'était des jeux VR sur Steam, ils sont présentés comme VR, c'est des jeux VR. On a vu que du coup les modes UEVR et tout ça passe, parce que du coup ça passe par SteamVR, mais après là t'as les problèmes inhérents de réglage de ces modes là et c'est selon ta config, par exemple, et ça dépend de ta config, exact. Si t'as un jeu vraiment, moi, j'ai changé de carte graphique récemment, et maintenant je me casse beaucoup moins la tête que quand t'as une carte graphique un peu légère pour la VR, parce que ça consomme pas mal de ressources, la VR, et là t'es obligé de faire des petits réglages, des trucs. Puis des fois ça fonctionne, après ta résolution, si tu t'es mis à la limite, le coup d'après tu relances, t'as peut-être un autre processus sur ton PC qui consomme un peu, donc faudrait baisser, faire des petits réglages. Si t'as une carte graphique meilleure facture, plus puissante et tout, et là t'as moins de réglages à faire parce que la carte Elle peut encaisser. T'es pas aux limites, quoi. Elle peut encaisser. Hein. Donc moi là c'est un truc qui, maintenant que j'ai changé de carte graphique, je me pose moins de questions. Généralement le jeu je le lance et ça passe. T'as quoi maintenant? Une 4070 Super. Et en gros, peut-être un point que je voudrais dire, c'est que moi, ce qui me limitait surtout avant, parce que j'avais quand même une 3070, mais c'est les 8 gigas de mémoire graphique qu'avait la carte. Et en fait, sur pas mal de jeux VR, ça tapait on atteignait les 8 gigas, et c'est là où ça faisait ramer d'un seul coup le jeu à mort. Alors que là, maintenant, elle a 12 gigas, c'est juste l'étape d'au-dessus, mais là, ça respire correctement et ça change pas mal de choses. Entre 8 et 12 gigas de mémoire graphique, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fluidifie tout, en fait. Tout simplement. Ouais. C'est beaucoup plus véloce, quoi. Ok, très bien. Ouais. Bah, merci encore, Gis, pour tout ça. Maintenant, les messieurs. Oh là, putain, et ça, 3 mois. Hein. Et UK. 3 mois de pause. Hein, 3 mois de pause, c'est pas facile. Hein. Ah ben, 23h, il est l'heure de faire dodo. Mes petits messieurs, ouais, après une grosse journée, ouais. On va passer au test maintenant. Et vu qu'il n'y en a qu'un seul quasiment qui a bossé, et ben, tu vas morfler, mon petit L. Eh ouais, c'est comme ça. Tu veux commencer par quel jeu? J'ai l'impression que tu voulais faire plaisir aux gens et commencer par des jeux de très très très bonne qualité. Me trompe-je? Je vais aller sur un petit crescendo. On va commencer par du bien moisi, du fond des chiottes. Du qui pue, mais vraiment du foire, quoi. Mais mine de rien, j'aurais quand même quelque chose de positif à dire dessus, malgré tout. Allez, vas-y. Donc, le premier, The Street Ten VR. Souvenez-vous, il y a 3 mois. Alors, c'est fait par Random Speed Game, qui n'ont pas fait grand-chose, en fait. Et c'est un jeu type Walking Simulator, très minimaliste, dans le sens où le concept est simple. On est dans une ruelle passante, et on entre dans la ruelle, et on a une sortie de ruelle. Et on est coincé dans une boucle temporelle et il faut observer notre environnement, y compris un passant qui nous croise, et observer minutieusement et voir s'il n'y a pas des anomalies, des choses bizarres qui attireraient notre attention. Et si pour nous il n'y a absolument rien, on avance vers la sortie. Si on voit une anomalie, et ben il faut rebrousser chemin. Et ça permet de passer à la même ruelle, on rentre dans la même ruelle, peu importe le chemin qu'on emprunte, c'est toujours le même cycle qui se répète, seulement on passe à la ruelle numéro 2. Et le but, c'est d'arriver jusqu'au 10 et de valider le 10 pour sortir de cette boucle. Et c'est, alors, ça a l'air nul à chier dans ce truc-là, mais c'est juste que c'est Street 10 qui est nul à chier, dans le sens où il le fait mal. Ça fait partie des jeux qui ont popé comme ça à la suite de Silent Hill Pity à fond, c'est ce que je pensais depuis tout à l'heure. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment cette base là, cette démo sur PlayStation qui a lancé ce type de jeu là. Et malheureusement pour Street 10, qui en passant on n'a pas eu la meilleure qualité graphique parce que sur PC il est nettement plus beau. Il est plus beau, on va dire. Et là, on a vraiment un downgrade de génération PlayStation. On est sur de la 2, hein. Mais peut-être voire même moins que la 2. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de couche supplémentaire, en fait, d'intérêt supplémentaire que d'arpenter que la ruelle, regarder. Ouais. Voilà, et c'est tout. Alors que sur d'autres jeux qui utilisent le même concept, et ben, y a des ennemis. Il faut faire attention, il y a des choses qui nous attaquent, des choses comme ça. Et voilà, il y a quelque chose de varié dans le gameplay. Là, non. C'est brut de pomme. Voilà. Problème. Hop, tu rebouches le chemin. Il n'y a rien. Tu avances et tu continues comme ça. Voilà. Ça peut aller très vite. Surtout que quand tu connais les anomalies, que tu sais les repérer, voilà, t'en as une vingtaine, une trentaine. Une fois que tu les connais toutes, voilà, il n'y a pas... ça va pas péter plus loin que ça. Et le souci aussi, c'est que le jeu est buggé. Ouais. C'est-à-dire que tu peux arriver jusqu'à boucler le jeu en reculant, c'est-à-dire en rebroussant chemin, en boucle. Donc, tu as juste un fond du noir entre chaque ruelle. Tu fais tac, tac, tac, tac, 10 fois, voire plus, et tu arrives à la fin du jeu. Voilà, terminé. Mmh. Le jeu est terminé. Super. Donc... et en plus les VR Sense, enfin le jeu est buggé même au niveau des VR Sense, c'est-à-dire que quand tu le lances normal, t'es surélevé, la caméra est surélevée, donc t'es un petit peu en mode comme si t'étais un drone sur 3 mètres. Tu flottes quoi. Et tu flottes. Et en fait le jeu, le mec ne l'a pas vraiment bien adapté avec les VR Sense. Il faut utiliser la manette. Et la manette te permet de te rabaisser. Super. Naturellement. Parce... Voilà. Ah, ok. Mmh. Voilà, bah après, hormis marcher, voilà, mais bon, c'est bien, au moins ton plaisir. C'est donc le premier jeu PSVR2 jouable à la manette. Ouais. Non. Ouais. No Man's Sky. Non. Non. Il y en a. No Man's Sky, il se joue à la manette. Il joue à la manette. Tu joues à la manette en plat. Ah oui, non. Ah oui, non, mais là, c'est en le... PSVR, non, mais je... ici, il y a Thumper qui se joue en, à la manette. Ouais. Peut-être Tetris Effect. Oh, oui, sûrement, oui. Ah, peut-être, ouais. Il en existe et... quelques-uns. Ouais. Bah, Grand Turismo, par exemple. Je crois Humanity aussi, je crois. Je crois. Humanity, et... oui. Ça peut jouer aussi mais au Sense, mais il n'y a pas d'intérêt. Il vaut mieux faire la manette. Humanity. Voilà, tu dis de la merde, Gant. Ouais. Oh, ils sont rares. Ok, bon. Et bon, voilà, on peut saluer l'originalité, mais non, coup franchement manqué. Ah ouais, on salue l'originalité, c'est un jeu qui est tiré de Pity, c'est un jeu à couloir en boucle que tu torches en 10 passages. Ouais, une expérience gratuite, ouais, rassure-moi. Voilà. Comment ? C'est une expérience gratuite. Que nenni. C'est que nenni. Que nenni, mon bon ami. C'est, non, c'est. Alors, il est souvent en promo, mais sinon, ouais, c'est 3 euros, un truc comme ça. 3, c'est 4 euros ouais, sur PC déjà, que vous pourrez retrouver en promo à 0,67 centimes en ce moment. Ah oui, d'accord, le prix est, ouais, vraiment, est vraiment quand même bas. Ouais. Alors, attendez, franchement, les promotions, c'est le régal. Alors, le jeu est à 2,99. En ce moment, il y a 30%, donc il est à 2,09. Mais si vous êtes abonné PS Plus, n'est-ce pas, et ben vous l'avez à 1,79€. Et ça, c'est de la promo de compète ou quoi? Tiens, et promo. Ting, ouais. Voilà, ouais, ouais. 5 centimes. Donc, bon, voilà. Ça, c'était franchement la première grosse bousasse des vacances d'été. Voilà, c'était pas terrible. Bon. Est-ce que tu veux enchaîner, voilà, ou... Je peux enchaîner par alors c'est pas un pourri, mais je le mets quand même là-dedans parce que au moment du test c'était horrible en fait. C'est un jeu qui est arrivé très récemment, c'est Chernobyl Again, qui est on peut saluer quand même la tentative de concurrencer Wanderer. Mais voilà, tentative bien manquée. Pourtant, il y avait quand même des choses à faire. Donc, le jeu d'aventure FPS, où on contrôle une scientifique, Olena, une Ukrainienne, qui bosse dans un bureau scientifique où il travaille sur le voyage dans le temps, en bidouillant. Alors voilà, c'est ça ton travail, c'est d'empêcher. Alors voilà, il y a la catastrophe de Tchernobyl et le but du jeu, c'est d'empêcher cette catastrophe-là. Mais pas que, parce que cette catastrophe a eu... là, c'est le scénario. Hein, elle a eu des conséquences, on va dire, sur plusieurs futurs parallèles. Et tu peux enchaîner, réparer la catastrophe, empêcher la catastrophe dans pas mal de dimensions. Et en fonction de si tu fais quelque chose dans une dimension, ça influe, voilà. C'est du Wanderer. Ouais, quand même, hein. Beaucoup. C'est vraiment très, très, très inspiré, mais il n'y a pas... c'est très inspiré même dans les mécaniques, dans le gameplay, quoi. Parce que dans Wanderer, on avait Samuel, qui est la montre qui nous parle, qui nous donne des instructions. Là, on a une montre. Également qui est un petit peu qui sert d'inventaire, qui sert de fiche d'objectifs, d'inventaire, de pas mal de choses. Et le voyage, forcément, le voyage dans le temps, le fait que il y ait des conséquences sur le futur, que tu instaures machin, que tu intègres l'alternative, tout ça. Bon, le jeu était plutôt honnête graphiquement, mais énormément de bugs, énormément de soucis, de la reprojection, mais comme j'en avais jamais vu en fait avec le PSVR 2, mais vraiment partout, partout, tu fais la moindre manipulation, repro. Les bugs, dans toutes les subtilités de gameplay, tout le gameplay VR, que ça soit attraper quelque chose et tout est compliqué en fait dans ce jeu-là. Et des choses aussi qui sont sympas de base, mais au final, ça te bouffe le plaisir. Alors, tu peux mettre pas mal d'objets dans ta montre, donc ça, c'est bien. Seulement, l'utilisation de la montre, c'est pas simple. C'est-à-dire que quand tu touches la montre, ça t'ouvre différentes options dans ce genre de croix directionnelle, c'est-à-dire que tu en as une en haut, en bas, à gauche, à droite. Et le fait d'être encore comme ça, tu sais, avec le doigt sur ta montre, et tu sélectionnes le menu accidentellement. Ça arrive très souvent. Tu sélectionnes le menu c'est de droite. Optimisé, quoi. Les contrôles sont pas optimisés, quoi. c'est pas optimisé du tout. Donc ça déjà, bah, quand, en plus, quand tu dois assembler des objets, des choses comme ça, c'est là d'où l'utilité de mettre les choses à la ceinture, de mettre les choses à corps. C'est quand tu as des manipulations, des assemblages voilà, à faire. Purée, alors pour par exemple faire des injections, parce que voilà, c'est Tchernobyl, il y a des radiations. Pour te faire les injections, il te faut le pistolet à injection, et puis hop, tu réutilises. Alors il faut le poser dans un coin, forcément, par terre, voilà, s'il n'y a pas de table ou de trucs comme ça, et prendre l'injection, sélectionner l'injection avec ta montre, et ensuite reprendre les deux, réassembler. Que des trucs comme ça qui te mais qui te comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est un gameplay qui est complexe contre son bien, quoi. C'est ça te nique le fun et c'est juste contraignant, quoi. Et bah là aussi toutes les manipulations liées au voyage dans le temps. Alors c'était intéressant, il n'y a pas de souci. C'est une mallette, voilà, où tu mets le petit jus dedans qui permet de faire le voyage dans le temps. Tu as des molettes, alors en fait des mécaniques de vieille VR, tu vois, tourner, tirer, pomper. Et le truc, c'est que tu dois te balader avec cette mallette. Et la mallette, bah, te monopolise une main en permanence. Et la mallette, t'en as besoin, très souvent. En début ou à la fin de chaque séquence temporelle. Et bah, si tu l'as oublié au tout début du niveau ou des trucs comme ça, enfin, tu vois punition. Le fun. Voilà, c'est punition. Tiens, t'as oublié la mallette, bah, tiens. Ok, et puis toutes les manipulations, bah, on le voit dans la preview, hein, à un moment donné, tu dois ouvrir une porte avec un pied de biche, bah, t'as pas l'impression que ça ait fonctionné, hein. Et en fait, le script se lance et tout, si, t'as bien défoncé une porte, bon d'accord, et c'est pareil, bug de script, enfin voilà, la version test était chaotique, ça a été repatché dernièrement, même plusieurs fois. Et ça va, là où j'ai été bloqué, où justement il y avait. Je devais faire une manipulation avec une radio, et l'antenne qu'on doit manipuler devait faire un bip, qu'il n'y avait pas dans la version test. Maintenant ça bip. Ok. Donc voilà, maintenant ça bip. Donc on peut avancer, et je pense maintenant finir le jeu. Voilà. Ceux qui savaient ce qu'il fallait faire, où est-ce qu'il fallait poser et tout, ils n'ont certainement pas eu ce problème-là. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui découvre, c'est laborieux. Et bah mine de rien, tous ces petits trucs-là qui te bouffent, bah, ça te nique le plaisir. Et au final, le jeu est lourd. Il est lourd et c'est franchement dommage parce que bah, le scénario a l'air quand même d'être là, tu vois. Et l'ambiance aussi. Bah ouais, l'ambiance. Les doublages sont corrects. Le son, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais voilà, non, c'est ouais, pas ouf, quoi. Trop buggé, pas ouf, dommage. Pas ouf. Gameplay contraignant, les énigmes, c'est pareil, c'est de la... On a l'impression que c'est de l'escape game, en fait. Un petit c'est peu. Old school, quoi. Plus, il y en avait beaucoup, justement, des vraiment... jeux sortis au début de la VR, qui étaient comme ça, vraiment des escape games à énigmes, qui te permet, enfin, qui t'oblige justement de manipuler, de chercher, de fouiner, surtout, ce qui pouvait être... mettre un petit peu la patience à rude épreuve sur certains jeux, mais ouais, ça fait un peu penser à ça. Puis, et puis les traductions aussi, hein, c'est mine de rien, c'est chiant, mais il y a des énigmes où tu dois faire des dérivations de câbles. Je te dis, c'est très escape game, hein, c'est mettre le rouge avec le jaune, etc., etc. Il y a les instructions qui sont expliquées, mais c'est de l'anglais. Et t'as pas Bobby derrière qui te parle à la radio. Qui normalement est là pour... Bah, il fait le Samuel, en fait, comme dans Wanderer, qui te donne les aides, les petits tips. Mais c'est pareil, il ne les redit pas. Donc, c'est... Ah, je te l'ai dit, t'avais qu'à écouter. Allez, terminé, démerde-toi. Donc, ok. Donc, bah, après, quand t'es comme ça, ou que tu reprends ta partie, plusieurs jours plus tard, si tu la reprends, t'es comme un con, en fait. Voilà, t'es comme un con. Donc bah coup manqué, ça aurait pu être bien. Bon après, si pour les téméraires, les courageux, voilà, pourquoi pas. Mais je le trouve trop cher. Franchement trop cher pour ce que c'est. Il est à 29,99. Ouais. Pour un... Il y a des jeux 4€ de plus en Asynapse. Hein. Donc bon, voilà, faut savoir un petit peu juguler tout bon. Ça. Ok, d'accord. Bon bah merci en tout cas pour ce test. Et ben tiens, on va rester à peu près dans le même thème. Est-ce que tu me vois venir, mon petit Gantz? On va rester en tout cas dans la même région du monde, ensoleillé et sympathique avec Ukraine. Voilà, avec Into the Radius. Arrête du coup du. Tu voulais pas les crescendo ? Non, mais écoute, c'est non, mais c'est histoire de rester à peu près dans le. On est pas mal dans les radiations là avec l'estremont et puis. Into the Radius, jeu, tu m'avais fait peur justement, ça y est, parce que toi t'avais pu le faire sur PC. Hein. Non, pire que ça, sur Quest. C'est le premier jeu de ma vie que j'achète et que je me fais rembourser directement en VR. Ah, c'était pas sur Steam. Non, c'était sur Quest. Et juste par curiosité, pourquoi tu t'étais fait rembourser ? Ah bah oui, mais jeu de survie. Pardon, c'est l'émotion. Je vais laisser Gantz faire le test et je vous expliquerai un petit peu moi après l'expérience que j'ai eue sur Quest, je le rappelle, sur ce jeu-là, mais voilà. Ouais. Yeah. Mais. Ouais, donc comme tu disais, du coup, on reste dans la même région. Donc parce que là, on est du coup dans une ville soviétique, une station minière qui a été dévastée. Alors c'est en 1987 et donc on se retrouve, on sait pas pourquoi, 15 ans plus tard. Donc toute la zone a été dévastée et il y a donc un comité des Nations Unies qui a été mis en place pour trouver en fait l'origine de ce qui s'est passé, et donc voilà, nous notre rôle c'est d'enquêter dans cette zone. Donc voilà, le jeu, j'ai pas dit, a été, ouais, donc c'est le studio CM Games qui l'a développé, et il a été édité par Fast Travel Games. Donc du coup, la première chose quand on rentre dans le jeu, la bonne surprise, c'est qu'on a le choix au niveau des performances. On a deux modes de jeu, et ça je trouve que c'est très bien. C'est rare sur PS5. Dans tous les jeux. Oui. Et donc on a un mode plus performance, où la qualité graphique est moindre. Et on a le mode qualité où là par contre on voit que la définition est meilleure. Mais par contre on a de la reprojection. Donc je pense qu'en mode en mode performance on doit peut-être être sur du 90. Là où sur le mode qualité je pense qu'on doit descendre dans les 60. Quoi. Voilà, on est dans quel style de jeu du coup? C'est l'exploration. Donc on est vraiment sur un jeu FPS mais vraiment en rythme lent, vraiment exploration survie. Et donc avec du motion gaming à fond. Donc on est vraiment sur tu dois prendre tes balles, les mettre dans ton chargeur une par une, et c'est justement d'ailleurs ce point toi qui t'a exaspéré, mais on peut en fait il y a des parades, on peut tout simplement prendre, même si effectivement tu dois charger, voilà, tu prends la boîte de munitions, tu les mets côte à côte, ça te remplit ton chargeur. Par contre, voilà, là où effectivement, comparé à d'autres jeux où tu vas peut-être avoir un rechargement manuel, là en fait ton chargeur, il va s'user, et si tu le jettes, t'en as plus en fait pour mettre tes balles. Donc t'es obligé. Donc ce qui est bien, c'est que t'as la ceinture, donc tu peux mettre 4 chargeurs sur la ceinture, tu mets ton arme aussi. Et donc quand tu vois, une fois que t'as fini ton chargeur, ce qu'il faut c'est en avoir préparé dans ta ceinture. Ça, tu mets le chargeur vide, t'en reprends un plein, tu recharges. Et donc là, au début, c'est assez compliqué parce que t'as 8 balles dans ton chargeur. Donc dès que t'affrontes des ennemis, ça va vite. Tu perds vite. C'est pareil, voilà. Quand tu cours, quand tu te déplaces, ouais, t'as une jauge d'endurance qui diminue. Donc t'es asthmatique, hein, ton personnage est asthmatique. Hein, tu deviens vite asthmatique. Oh, ça va, il a un bon cardio quand même. Il a un bon cardio. Ouais. Il court très vite, hein, le personnage. Ah, court très vite. Mais en même temps, voilà, la zone même est tellement grande. Même si c'est en pente, même cadence. Hein, ouais. 25 km/h. Et donc c'est pareil. Alors, voilà, au lieu d'avoir la boîte de conserve ou le truc, quoi, tu le prends, tu le mets à la bouche et puis ça le fait. Bon là, tu dois faire le geste, tu l'ouvres, tu dois choper ton couteau. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, t'as des emplacements sur les mains. Tu prends ton couteau, hop, et puis tu manges les trucs et puis un par un et tu remontes ta jauge d'endurance. La définition du fun. C'est ce que j'aime. Voilà. Non, donc, franchement, on est vraiment. Bah, franchement. Ouais, vas-y, Gantz. Mais c'est contraignant. Mais, c'est, ouais. C'est très long à prendre en main, parce que franchement, moi, il m'a bien fallu 2 bonnes heures pour assimiler le truc, et même après, souvent je me retrouvais avec un chargeur par terre, ou même l'arme. Le petit défaut que j'ai, c'est que des fois, juste en passant la main, on a tendance à attraper l'arme qui est sur la ceinture. Donc c'est un petit peu, c'est un peu embêtant, mais bon, globalement, j'ai pas eu de bug, rien. Au niveau de la gestion de l'inventaire, on a le sac à la Sen and Sinner, mais par contre, t'as pas d'emplacement, t'as pas de case, c'est vraiment un fourre-tout. C'est-à-dire que tu prends, t'as une jauge de poids, en fait, plus tu prends d'objets, et plus tu t'alourdis, et tu peux plus courir, quoi. Donc, je suis jamais arrivé jusqu'au bout, mais bon, par contre, voilà, tu te retrouves avec tu mets tout dans le sac, et une fois que t'as fini ta mission, que tu reviens au camp de base, parce que voilà, en fait, le but du jeu, ça va être tu es dans ton camp de base, donc tu prépares ton pactage, tu prépares ton expédition, et t'as une mission, en gros, qui va te demander d'aller chercher un objet, d'aller remplir une quête dans la zone dite infestée, et après de revenir, ramener l'objet, et voilà, dans tes pérégrinations, tu vas récolter des objets, tout ça, donc tu remplis ton sac. Et forcément, quand tu reviens, tu vas passer un quart d'heure à tout éparpiller, tout mettre au sol, pour tout trier, soit ranger, tu ranges, soit tu ranger le papier toilette que t'auras trouvé. Donc si t'es pas ordonné, si t'es pas carré, c'est une question. Si t'as un Diogène, t'es dans la merde. C'est ça. T'as un syndrome de Diogène. Ah, parce que le sac, honnêtement, je l'ai testé vite fait pendant 2 petites heures. Et c'est vrai que le sac, ça devient très très vite bordélique quand t'es pas ordonné. Et surtout que tu chopes souvent les petites poches à balles, là, les petites boîtes à balles, t'en trouves un petit peu partout. Ouais. Et quand tu trouves des balles, et tu dois les remettre et tout, parce que tu dois les remettre dans chaque boîte. Et ensuite, les mettre dans tes chargeurs, etc. etc. Ah, parce que, des fois, tu trouves le chargeur, des fois, tu vas tout juste trouver 2-3 balles. Et puis, il y a beaucoup aussi d'armes. Il y a un inventaire qui est bloqué au début, qui se débloque au fur et à mesure des missions que tu remplis, qui débloque des niveaux. Et t'as plein de types d'armes, et avec des missions différentes, mais qui se ressemblent. Quand tu prends les balles, tu sais pas trop... c'est vite contraignant la gestion de l'inventaire. Mais justement, c'est ce qui donne un peu charme au jeu, parce que globalement, les combats contre les ennemis sont pas ouf, hein, sont pas compliqués. Quand t'avances un petit peu, il y a des zones où tu te fais vite attaquer par 3, 4, 5 en même temps. C'est vite compliqué quand t'es avec ton chargeur de 8 balles. Donc un conseil sur ce jeu-là, c'est dès que t'as de l'argent, tout de suite tu achètes des meilleures armes pour pouvoir avancer dans les missions et puis voilà débloquer et après t'es vraiment sur un jeu plus FPS. Graphiquement, tu l'as trouvé comment globalement? Alors graphiquement, au début, j'ai commencé le tuto, j'ai pas trouvé ça ouf. Comme je disais, il y a un petit peu de reprojection que moi j'ai préféré garder parce que je voulais le mode de qualité, je voulais la meilleure qualité graphique. Je pense aussi que pour les captures ça se ressentait, le fait de c'est quand même beaucoup plus fouillé, plus détaillé. Mais donc voilà, au début le tuto, je me suis dit waouh, ça va rebuter beaucoup de monde. Par contre, une fois que tu arrives dans le camp de base, on est vraiment plus dans un environnement intérieur. Et là, je l'ai trouvé plus, plutôt bien. T'as des beaux effets de lumière, des reflets dans les flaques sur certains objets. Il est net, ouais. Franchement, ça rappelle un peu des FPS d'un autre temps où ils étaient assez détaillés mais simples à la fois. Les fougères, c'est des morceaux, voilà, c'est des brindilles un petit peu posé comme ça. Ouais, et puis tu passes à travers, hein, hormis des troncs d'arbres. Voilà, il n'y a pas de physique. Il n'y a pas de physique sur ça, mais la carte est assez grande. Enfin, elle est coupée en plusieurs zones, mais même une zone est déjà bien assez grande. C'est pour ça que tu dis qu'effectivement, gérer les affichages de tout ça. Et tu vois loin. Tu vois très loin. Ouais. Et en fait, le truc qui est vraiment, on va dire, plaisant, parce que t'en chies, mais c'est compliqué à dire, mais un jeu, le plaisir, tu l'as pas forcément vraiment en t'amusant. Le plaisir, tu l'as pas en t'amusant. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais peut-être me faire tatouer sur le cul. Bah non, parce que c'est tout. Bah, après, il faut aimer vraiment les jeux de survie où tu prépares. En fait, chaque expédition, va falloir la préparer, il faudra pas y aller les mains dans les poches. Et il faudra pas vraiment faire de concessions parce que. Sauf si tu comptes sur la chance, parce que tu peux trouver des petites choses à droite à gauche, mais quand tu fais des mauvaises rencontres, parce qu'au départ, tu as des petits ennemis, ils sont lents, voilà, ils sont gérables même au couteau. Ouais, tu les esquives facilement. Ou tu les distances très facilement. D'autres, après, ils commencent à être calibrés. Donc là, ça commence à piquer un petit peu, parce que ces cons-là, ils visent bien en plus. Et donc, c'est là que tu y reviens. Voilà, tu fais ton petit loot, tu t'infiltres un petit peu. Ah oui, parce qu'on peut les surprendre aussi. Il faut prendre son temps. Ouais, et on peut surprendre les ennemis. Ouais. Les ennemis nous repèrent de très loin, par contre. Hein. Ouais, pareil, parce que perso, je les surprendre, j'ai pas réussi. Hein. Parce que moi, ils te détectent à une distance. Mais après, c'est vrai que je suis surtout sorti de jour. Pardon. La nuit, normalement, ils te détectent moins. Mais j'ai pas. Quand j'ai testé un peu de nuit, j'ai pas trop senti de différence. Et j'étais vraiment plus dans l'action que dans l'infiltration. Bah c'est que t'as le fusil à pompe assez vite, donc là je viens de l'avoir, j'ai pas encore testé, mais ça ce sera pour la prochaine expédition. Là où c'est un petit peu où j'ai un peu tiqué, c'est que le gameplay il est très contraignant avec les balles, les trucs comme ça, et le gameplay est très compliqué dans le sens où il est pas aisé, il est pas vraiment, je dirais, intuitif. Il bug pas mal, notamment quand tu montes les échelles. Il faut bien s'assurer que tu as chopé la prochaine prise avec ta main. Parce que si tu l'as mal fait ou je sais pas, le personnage il a un bug, il lâche automatiquement la main. Ouais, tu tombes. La première main. Et si tu te foires et tout, tac, tu tombes et laisse tomber quoi. Si tu veux grimper vite, c'est pas possible. Ah non, grimper vite, c'est... Là où il y avait une aisance dans Walking Dead et tout, même dans la manipulation des armes, de tout, choper une gouttière, hop, il n'y avait pas problème de motion gaming. Là, il y en a un petit peu. Et vu qu'il y a beaucoup les placards, de manipulations... Les placards, les tiroirs aussi, ouais. Qui l'ouvre, un petit peu galère, qui l'ouvre avec des avec deux doigts à chaque fois comme ça. Hygiène. c'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Un peu trop strict sur le motion gaming, du coup. Ouais. Et puis des fois, comme tu disais, Grant, c'est parce que t'as plusieurs. Il y a beaucoup d'options, ça c'est top. Notamment dans les paramétrages. Dans les prises et tout. Tu peux choisir soit tu cliques une fois, il garde l'objet en main, ou tu l'utilises avec le toucher. Et tu maintiens. Et tu maintiens. Et le problème, c'est que quand t'as ce type de grip, à peine tu effleures. Hop, tu chopes ce que tu as à la ceinture, voilà. Donc la carte et tout que tu as au niveau du cul, un petit objet aussi, parce qu'il faut fouiller un petit peu les endroits. Tu as un genre de compteur GGR là qui bip bip bip et tu peux flasher en fait une zone, et dans cette zone là tu as des objets secrets, même apparemment des ennemis, tu as plein de choses. C'est les riches, missions, généralement c'est ça, hein. C'est avec ton compteur tu dois trouver l'objet et tu dois flasher pour le faire apparaître, et puis tu casses en fait, tu as des espèces d'anomalies. J'en ai pas parlé aussi, t'as des ennemis mais t'as aussi des zones invisibles où si tu passes dedans en fait elles te bouffent ta vie, comme dans ces Stalker, je crois, où t'as des énormes ondes de choc, c'est les anomalies, ouais, justement. Donc très très pompé là-dessus. T'en as deux différentes. Ouais, donc au début il te montre un truc là pour détecter les anomalies, mais personnellement je l'ai vite jeté, ce truc-là, ça sert à rien. Tu jettes des espèces de petites sondes et ça les fait apparaître. Mais je crois que c'est des douilles dans Stalker, c'est des boulons. Mais finalement en fait elles apparaissent, elles disparaissent, donc tu mémorises l'emplacement en fait. Et... Bah c'est pas comme si c'était un vrai danger, quoi. Bah pour finir, mais je vais juste décrire à peu près mon expérience avec ce jeu. Donc Quest 3, au niveau de l'ambiance, franchement, j'aime bien l'ambiance. Je suis un gros fan de Stalker, donc si ça me parle. Mais déjà, en termes de distance d'affichage, t'as pas la même chose sur autonome. Hein. T'as le brouillard de guerre, c'est pas texturé, c'est très très simple au niveau de la modélisation des décors. Il y a pas d'effet de lumière, il y a pas d'effet de réflexion ou quoi que ce soit. J'ai passé la phase de tuto quand même, faut pas déconner, où tu commences à arriver sur la table et tu te rends compte qu'il va falloir charger les balles dans le chargeur une par une. Ça m'a exaspéré au plus haut point. Je me suis dit, putain, mais où est le fun, quoi, là-dedans? Voilà, c'est pas ma cam, hein. C'est tout simplement pas ma cam. Je m'attendais à un jeu d'aventure, exploration un peu plus sympa, un peu moins survie, un peu moins jusqu'au boutiste, on va dire. Et voilà, j'ai pas eu ça. Une fois que je suis arrivé à l'espèce d'abri, je suis arrivé jusque-là, quand même, à l'abri, je suis resté après peut-être un quart d'heure, 20 minutes à me balader un petit peu autour. Graphisme d'un mauvais mode d'Half-Life 1 sur PC, mais vraiment très mauvais. Ça m'a complètement dégoûté du jeu, et même sur PC, tu vois, j'ai pas réitéré, ou même sur PSVR2, j'ai pas réitéré l'expérience, tout simplement parce que le gameplay, les contraintes de simulation, on va dire réaliste, du jeu, qui peuvent être une bonne idée si vraiment c'est bien fait, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très optimisé en confort de jeu pour le joueur, ça m'a complètement sorti du truc, et ça m'a dégoûté du jeu, et je te dis, c'est le premier jeu que j'ai acheté et que je me suis fait rembourser. D'habitude, je laisse toujours une chance. Toi, sur un Saint and Sinner, t'insistes un petit peu, même si t'en chies, même si tu crèves facilement au départ, même si tu dois t'organiser un petit peu dans ton abri, t'y arrives quand même, parce que t'as du fun. Le gameplay parce est bien que fait. Le gameplay est aux petits oignons, quoi, vraiment. Dans Into the Radius, j'ai pas ressenti ça. Ça couplé vraiment une technique très très limite. Après, il a son public, hein, je sais bien, mais je suis pas dedans. J'en fais pas partie. Ah ouais, parce que c'est vraiment le jeu solo. Alors, je suis pas fan de jeux de survie à la base, mais c'est vrai que là, cette ambiance-là, ouais, moi, elle me plaît bien. Mais c'est vrai que je passe énormément de temps à manipuler, à ranger tes boîtes de conserve. Préparer, ouais, c'est ça. Ouais, il y a pas que ça, quoi. Il y a pas que ça. Puis c'est qu'un petit quart d'heure. Voilà, et quand tu vas voir justement l'inventaire, tout ce qu'il y a à débloquer, forcément, ça te donne envie d'aller chercher les gros fusils d'assaut. Ouais. T'as de la grenade, tout ça. Mais j'avoue, c'est vrai que ça... franchement, quand tu rentres de mission et que t'as le sac blindé à mort et que tu te dis, faut que je range tout. Bon, allez où la table? Parce qu'au début, tu ramasses tes selles, tu dis je mets les munitions dans ce coin-là, je mets la nourriture là, je mets les trucs là, t'essayes au début. Ah ouais, t'es un psychopathe, toi. Mais après ça. T'es obligé d'être ordonné parce que franchement, tu te perds. Tu te perds. Ah, il y a l'entretien aussi des armes, t'en as parlé ou pas? Quelle horreur. Oui, non, dans la preview, j'en ai parlé. Mais... T'as des shots qui se bouchent aussi, vous avez des 40. Parce que. En mode normal, ça va. Normal, ça va, c'est pas trop contraignant. Mais effectivement, non. C'est vrai que ça par contre, c'est assez relou, parce qu'en plus, t'as deux modes d'entretien pour monter. En fait, t'as comme une barre de vie, si tu veux, sur les équipements. Et pour la première moitié de la barre de vie, tu dois utiliser le WD-40 et la brosse à dents. Et après, pour finir, tu dois aller chercher le bout de papier, la tige, et puis aller nettoyer le canon. Mais le problème, c'est que tu dois pas juste le faire une fois, en fait, tu dois le faire 5, 6, 7 fois pour monter, pour que ton arme soit nickel, quoi. Ouais, juste, tu disais. Il y a par contre Ouais, je disais, tout à l'heure, il parlait des options qui étaient intéressantes, et il y a quelqu'un sur le Discord, quand on a parlé, et j'ai regardé un peu là, pendant le truc, c'est qu'il y a aussi des options de difficulté qui peuvent être intéressantes, notamment, qui sont assez variées. On peut justement réduire faire en sorte que les armes s'abîment moins vite. On peut baisser la vie des ennemis, augmenter la sienne. Enfin, apparemment, il y a pas mal de gestions ouais, tu peux tout paramétrer, qui peuvent simplifier un peu la vue. Apparemment, ça va pas non plus dénaturer le jeu. Mmh. C'est-à-dire que si le jeu, on se dit, ah non, il est vraiment trop lourd pour moi, il va être lourd quand même. Faut pas se dire, ça va tout simplifier, j'aurais plus besoin de mettre balle à balle ou des trucs comme ça. C'est pas ce genre de truc, mais il y a quand même des petits trucs de confort un petit peu en termes de... voilà. Donc du coup ça peut être intéressant ouais, si on se dit c'est un peu trop lourd, il y a moyen des fois d'enlever un peu de lourdeur. De l'atténuer. Ouais. Mais ouais. Voilà, mais ouais, il y a quand même réduire, de lourdeur. Pour que ça, les armes s'usent moins vite. Mais c'est vrai que c'est vraiment le côté le plus relou quoi. Bah après c'est toujours pareil, moi ça m'a pas dérangé, je sais pas, j'aime en chier en fait, mais le truc c'est qui m'a vraiment le plus gêné c'est le fait que voilà le gameplay qui soit pas fluide, c'est là vraiment la fluidité d'exécution qui est pas forcément là et que tu te retrouves en action quand plusieurs fois je me suis demandé putain merde le couteau où est-ce qu'il est, je l'avais en main et tout et va savoir je sais pas le personnage l'a lâché et tout et des fois le couteau il est pas sous la map mais c'est genre un tout petit peu sur une texture quoi. Voilà, il est en dessous, donc tu cherches le truc et t'espères que la TH s'affiche, quoi. Et c'est pareil, même pour choper les objets à distance, c'était pas forcément simple au départ. Après, bon, quand t'as capté la technique, il y a un combinaison système... Deux. Faut d'abord faire le R2 ou L2, et c'est après ça. R1, L1. Faut combinaison des deux boutons, ouais. Ah, j'ai tout fait, hein, la canne à pêche, tu sais, à la Madison, non, et tout est écoulé, quoi. Je fais, mais merde, mais comment? C'est d'abord la gâchette et après le grip. Mais c'est pas possible. Moi, je suis là, la table est là, elle fait 4 mètres de long, l'objet est au bout. Comment je fais? Donc, motion gaming, tu te penches mets sur la table, tu te casses la gueule. voilà. Ou alors, tu utilises ce truc-là, mais il faut le trouver. Si ça se trouve, le mec, il le dit hein, dans le tuto, mais. À un moment donné, fuck, hein, place allez, à l'action. Tu lui mets combien de rad sur 10 sur Into the Radius? Moi, je serais sur un 8. Quoi. Je suis généreux, dis donc. Ouais, si après, je pense que c'était presque un coup de cœur, moi, celui-là. Ouais. Parce qu'il. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai acheté direct. Parce que, ouais, il a 30 euros, et franchement, pour 30 euros, c'est honnête. C'est une bonne pioche. Parce que Chernobyl Again. Hein ouais. 30 euros. Touk. 30 euros, je pense que je vais facile passer 30 heures dessus, okay. Sans problème. Bah regarde, un exemple, c'est ces jeux-là en fait, qui s'adressent à un public, et si tu es ce public-là, tu es dedans. Regarde les jeux Legendary Tale. T'as vu le truc? Ouais. C'est, ouais. Moi, personnellement, j'ai joué, ça m'a saoulé. Et il y en a, mais ils se butent. Ils kiffent. C'est bien que ce soit toi qui l'ai testé, Gantz, celui-là, je pense. Et je pense que, tu vois, je sais qu'on en a parlé sur le Discord, Gantz, ensemble. C'est que même toi, en fait, t'avais hésité, en fait, sur la note que tu lui donnerais, ce que t'avais fait. Et finalement, on en avait parlé, et c'est vrai que t'avais dit que c'était. Moi, j'avais trouvé, en tout cas, c'était une bonne idée, ce que t'avais fait. C'est qu'en fait, selon le public à qui il s'adresse. Si tu fais partie du public, ça vaut son 8 sur 10, quoi. Par contre, c'est pas un truc que tu vas mettre dans toutes les mains. Voilà. Faut savoir où tu vas mettre les pieds. Mais par contre, si tu sais où tu mets les pieds et que tu sais que c'est des jeux qui te plaisent, tu vas prendre ton pied. C'est une référence dans son genre. Tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais, de toute façon, ce qui m'avait interpellé, c'était il est super bien noté hein, sur Steam. Et il était bien critiqué comme jeu. Et c'est vrai qu'au début, je lance. Je me dis, merde. Moi, je dis, ouais, c'est comme ça, il joue. je vais vite. Moi, je suis un flemmard en jeu. Moi, je joue pour m'amuser, en fait. C'est peut-être bête, hein, mais. Mais nous aussi. Mais pas pour faire l'inventaire de mes placards. Déjà, j'ai déjà mes courses à faire le samedi. Merde, hein, c'est bon, quoi. Donc. T'as le mec, il fait les courses, il jette les sacs comme ça. C'est exactement comme ça que je fais. Je fous tout. Servez-vous. Parce que n'empêche, le jeu gère ça, hein, tous les objets que tu laisses. Enfin, pour l'instant, hein, j'ai pas eu de. Tout ce que j'ai laissé dans le camp de base, posé ça dans reste. Les étagères, machin, tout reste. Peut-être tu vraques tout au milieu du salon, après t'as des animaux, genre des enfants, tu sais, qui viennent se servir de céréales, de trucs comme ça. Ils prennent et puis ramènent dans leur chambre comme ça. Tout seul. Je sais pas, c'est comme ça que ça marche chez moi. Voilà. Commencez par les surgelés. Hein. Bon, bah merci en tout cas. Mais donc ouais, c'est un jeu soit on va l'aimer, soit on va le détester. Quoi. Il y a pas d'entre deux. Aimez-le ou quittez-le. Soit tu vas kiffer, soit tu le feras pas. Quoi, ouais. Hésitez pas peut-être à regarder un peu de trucs pour savoir où vous mettez les. Et voir à droite à gauche peut-être. Pas acheter sans savoir. Voilà, d'autres tests. Ouais, de toute façon dans les commentaires vraiment c'était ça. Il y en a qui ont dit c'est ma cam, je fonce. D'autres qui ont dit ça a l'air chiant, je passe. Merci Gantz. J'espère qu'il y aura le 2. J'espère qu'il y aura le 2. Et ben maintenant, je vais donner la parole à moi-même. Et puis faire. Donc, test qu'on peut retrouver, ton test qu'on peut retrouver sur VR4Player, bien évidemment. Je vais faire un test très, très, très, très rapide de Arcade Paradise. Test également que vous pouvez retrouver. Tu remets les E. Sûr. Il y a la version sur Vrac spéciale E édition. Mais. Et. Non, putain, c'est. Mais voilà, maintenant je vais l'entendre. Je vais l'entendre. Alors, c'est un jeu de Nosebleed Interactive. Et c'est un jeu de gestion de salles d'arcade et de lavomatique. Plutôt de lavomatique et de salles d'arcade. Que notre personnage dans les années 90 hérite de la part de son papa. Il va falloir faire fructifier un petit peu l'affaire en s'occupant de toutes les basses besognes, par exemple nettoyer toutes les saloperies qu'on peut trouver à droite à gauche et donc laver le linge hein, parce que c'est quand même la base du lavomatique et ensuite acheter des bornes d'arcade pour le public et pour soi et ça va nous permettre en fait de récupérer de l'argent à réinvestir dans de nouvelles bornes d'arcade, à investir dans du matos, dans une aide ménagère par exemple pour le lavomatique et voilà, c'est de la gestion en fait, c'est de la gestion de petits commerces quoi, de petits commerces de banlieue. Qui est plutôt joli. Le jeu est plutôt propre sur PSVR2. C'est assez étonnant. Enfin, assez étonnant. C'est assez détaillé et c'est assez net, c'est fluide. Ça fonctionne plutôt bien et tu peux pas vraiment le critiquer là-dessus quoi. Tu vas avoir plein de mini-jeux. Par exemple, tout ce que tu vas devoir faire, ça va être du mini-jeu. Donc remplir les machines à laver, les mettre au sèche-linge. Choisir le mode d'utilisation de tous ces appareils-là, nettoyer les chiottes, utiliser bien évidemment les salles d'arcade. Tout te met en fait dans l'ambiance des années 90. C'est plutôt plaisant, c'est plutôt bien fait. Des choses un petit peu bizarres, par exemple, t'as une espèce de film sur les vitres du lavomatique, ce qui fait que quand tu es à l'intérieur du lavomatique, tu vois jamais s'il fait jour ou s'il fait nuit à l'extérieur. Et le jeu est tributaire énormément du temps qui passe et une journée passe très très vite, t'as plein d'actions à faire en une journée pour terminer ta journée entre le nettoyage, laver le linge, déboucher les chiottes, récupérer les tips un petit peu partout dans tous tes appareils, soit que ce soit arcade ou la petite machine à monnaie à côté des machines à laver, t'as plein de choses à faire et tu ne peux pas en fait juste en regardant dehors voir où est-ce que t'en es dans ta journée. C'est un petit peu dommage. T'es obligé de regarder ta montre et voir les minutes qui filent à vitesse grand V. Un peu comme la vie, quoi. Et donc voilà, c'est un jeu de gestion. C'est assez contraignant au départ. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas avoir, comme je disais tout à l'heure, des petites aides qui vont te permettre de progresser un peu plus facilement, en tout cas. Que dire de plus, c'est un jeu, c'est le thème du jeu, c'est le rite initiatique en fait, le passage à l'âge adulte et à la responsabilité de notre personnage qu'on incarne. C'est-à-dire qu'au départ on va en chier et qu'au fur et à mesure ça va mieux se passer, que la vie c'est pas facile et que faut en chier, faut bosser pour y arriver. Et c'est ça le message du jeu et il le fait très très bien en fait, je trouve. Mais perso, comme je disais tout à l'heure, moi je joue pour m'amuser et pas pour refaire des trucs que je fais dans la vie de tous les jours, à savoir le ménage, nettoyer les chewing-gums que mes gosses auront laissés sous ma chaise de bureau ou plus la taille du chewing-gum. Voilà, ou nettoyer les chiottes qu'ils auront bouchées, ou nettoyer leurs affaires. Voilà, c'est un truc, quand t'es célibataire, je pense que ça peut être une expérience intéressante. Ah oui, ça peut être un entraînement... à la vraie vie. Mais c'est toi qui fais la lessive ? Bah oui, enfin ça arrive, oui. Ah putain, parce que ça se voit. Quoi ? Moi j'ai pas fait gaffe qu'il fallait faire le blanc, les couleurs d'un côté. Ah bah si, tu regardes ça. Ah non, mais moi je t'ai tout mis en boule comme tu fais le tri, tu fais pas le bourrin. Avec la nagette, ah non, j'ai même pas vu qu'il fallait faire le tri. Ah moi. Bah si, il faut faire le tri, tu fais le tri avant. Mais là encore le tri c'est lessive. Lessive dedans, sortir lessive sèche-linge. Et 60 degrés, de la laine, tu t'en fous, et puis tu te retrouves avec des pulls qui t'arrivent. Ah, les trucs, les t-shirts, c'était des t-shirts, c'est sorti, c'était des slips, non, mais franchement. Non, et puis, tu vois, au départ, je me disais, oh purée, c'est chiant. Après, t'as la salle d'arcade, enfin le fun qui commence. Et comme tu dis, tributaire du temps, t'as 2 minutes de fun. Ouais, c'est en fait. Ça. Alors, les jeux sont intéressants. T'as quand même beaucoup, des dizaines et des dizaines de bandes d'arcade à débloquer que tu vas acheter après sur ton petit ordinateur avec ton écran cathodique bien, bien old school que j'ai bien aimé, franchement. C'est plein de petites choses, en fait. L'ambiance est vraiment bien retranscrite des années 90. Et donc, ouais, après, tu augmentes la partie de ton bâtiment réservée à l'arcade. Tu achètes du meilleur matos, tes tâches journalières tu dois les faire, le nettoyage et tout ça, et tu dois aussi entretenir tes machines qui peuvent tomber en panne, donc tu as aussi de l'entretien supplémentaire. Plus tu avances, plus tu vas en chier, plus tu vas avoir du matériel, et plus ce matériel va falloir en entretenir et les réparer. Alors mettre une balle dans le chargeur, t'aimes pas, mais... Est-ce que j'ai dit que faire le linge, il se régale. Parce que je t'avoue que je ne l'ai pas terminé le jeu, pour tout avouer, j'avoue. Mais il a du potentiel et une courbe de progression que tu vois, que tu peux constater au jour le jour. Vraiment tous les jours, tu vas pouvoir t'acheter du matos supplémentaire, tu vas avoir l'impression d'évoluer. Tu retournes pas en fait... à chaque fois au point de départ et tu n'as pas l'impression d'en chier. Et voilà, tout est fait pour diversifier. Et je trouve juste les journées passent beaucoup trop vite. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu arrives à 7h du matin, tu fais 3 trucs, il est déjà 23h. Tu as à peine touché une bande d'arcade, tu as à peine nettoyé des trucs. C'est un petit peu dommage, ça passe un tout petit peu vite. Alors regarde. Surtout que tu as des bornes qui, enfin, même si ce n'est toutes, c'est un clin d'œil à des jeux qui existent. Ouais. Enfin, même si t'es mélange à plein de jeux, tu as envie limite de les terminer, réellement. Les premières sont basiques. Hein. Mais tu vois, c'est un trip un petit peu jeu dans le jeu que tu pouvais retrouver dans Pixel Rift. Ouais, c'est ça. Sauf que là, au lieu d'être emmerdé par les décors à droite à gauche, bah, t'es juste embêté par le temps. Donc après, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir une aide qui vient faire en fait le nettoyage, les trucs que tu as fait depuis tout début du jeu, au bout d'un moment c'est vraiment plus du tout amusant à faire, et ben tu peux te délaisser de ce genre de choses là. Le truc qui est bizarre, tu délègues exactement. Un truc qui est très bizarre et qui est très dommage aussi, en plus de l'espèce de film noir qui te permet pas de voir l'avancée de la journée à l'extérieur, c'est que tu sais qu'il y a des gens qui viennent dans ton établissement, qui viennent jouer à tes bornes d'arcade, tu le sais parce que tu vois les canettes qui sont par terre, tu vois les chewing-gums qui sont collés de partout, tu vois les gros étrons qu'ils laissent dans les toilettes, et les sous qu'ils laissent. Putain, mais ils tirent pas la chasse. Non, c'est aux États-Unis. Et tu vois les sous, tu vois, tu dois récupérer les sous qu'ils laissent dans les bandes d'arcade, mais tu ne croiseras pas une seule personne dans le jeu. Tu ne vois pas, ça manque totalement de vie. Ni dans la rue en plus. Seul. Ni dans la rue. Tu es tout seul, t'as pas un chien, t'as pas un chat dehors, un rat crevé, non, t'as rien, t'es tout seul. Et c'est un petit peu dommage. Il manque un tout petit truc pour que ce soit au moins vivant, que ça apporte un petit peu de fun et d'immersion supplémentaire. T'as l'impression d'être un fantôme en fait. Un fantôme dans un monde parallèle, tu sais qu'il y a des gens autour de toi, mais tu les vois pas. Donc c'est un petit peu comme Les Autres, le film avec Nicole Kidman, tu vois, c'est exactement pareil. C'est l'impression que ça m'a donné. Et sinon, ambiance sonore au top, franchement, t'es dans l'ambiance années 90, quoi. Un bon rite initiatique qui se déploie au fur et à mesure, si on est suffisamment patient au début, en tout cas pour essayer d'insister, et voilà. Donc je lui mettrai dans son style, je lui mettrai 7 chaussettes sur 10. Et des chaussettes propres. Ah ouais. Chaussettes propres. Chaussettes propres. Ouais, c'est toi qui fais. Parce que vraiment, il y a du potentiel, et surtout, t'as une impression de progression dans le jeu, et qu'il est joli. Qu'il est vraiment, vraiment joli. Et techniquement, il est très, très propre. Et que t'as une sensation de progression qui, si j'avais pas des vrais jeux, des vrais bons jeux que j'ai envie de faire à côté, je m'y serais certainement beaucoup plus investi. Mais en tout cas. Voilà. Oh, t'es généreux quand même. Je suis généreux parce que le jeu, en fait, pour ce qu'il propose, et comme je disais tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, Gantz, pour Into the Radius, dans son style, pour ceux qui aiment la gestion, la micro-gestion, et puis les jeux à ambiance années 90, il fait bien les choses. Il y a juste les deux trucs que je regrette, c'est que ça manque totalement de vie, et que le temps passe trop vite, et que tu ne peux pas voir la progression de la journée à l'extérieur. C'est du détail, hein. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Et il a des bonnes évaluations, en tout cas dans sa version plate sur Steam. Et version VR, je sais pas si les gens trop kiffé. C'est en moyen sur 12 évaluations. Donc voilà, à vous de voir ce que ça donne Arcade Paradise VR. Ouais, pas ma cam. Okay. Pas ma cam. Non. Ça m'attire spécial. Pas. Bah, déboucher des chiottes, ça vous a pas. Non, ça vous avez pas toujours rêvé de faire ça en VR, non? Ça, déjà, le ménage, tu vois, moi je suis passé à l'étape, en tout cas chez moi, je délègue, mais. Non, je peux pas. les chiottes, y a pas de souci, hein, mais non, franchement, comme je te dis, hein, j'ai vu déjà la contrainte du truc, non. Non. C'est pareil, le blanc et la couleur, non, c'est trop chaud. Oh, non, non, non. Et puis les modes, machin. Non, allez, arrête. Arrête. Non. En plus, ça tombe en panne. Non. Heureusement que je te l'ai refait. Hein. Non, non. Bon. Donc voilà. Le test sur. Jis, toi, tu l'as fait ou pas? Non, pas du tout. J'aime pas trop les jeux de micro-gestion. C'est pas pour moi. Et ça peut être stressant pour certaines personnes, ça peut être stressant aussi, je pense. Bah ouais, parce que vu que ça passe vite le temps, tu te dis ah merde, putain, j'ai. Parce que pour un complétiste un petit peu névrosé, vite fait comme moi sur certains jeux, je t'avoue que terminer une journée avec des paniers de linge sale qui sont encore sur la table, je suis pas bien. Je suis pas bien. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, quoi. Donc voilà, et c'est tout pour Arcade Paradise VR, un jeu je pense qu'il mérite qu'on lui donne sa chance si ça vous dit. Voilà, et on va passer à la suite. Elroco, à toi à nouveau. Oui, petit jeu moyen, petit dommage, ça aurait pu être mieux, c'est Snow Scout. Alors c'est pareil, on touche à une catégorie de jeux assez particulier parce que c'est du, on va dire, un jeu de sport, aventure, contemplatif dans une station de ski. On incarne un bénévole qui revient d'une rupture amoureuse et pour se changer les idées, il s'inscrit, il rejoint une association, les Snow Scouts du coup, et donc il travaille gratuitement pendant une semaine. Dans les Alpes germanophones plutôt, et il doit préparer la réouverture de la station de ski. Donc c'est la personne qui va ouvrir les pistes, déblayer la neige à la pelle, ce genre de petites choses fort sympathiques. Le truc qui est vraiment, alors le jeu est quand même plaisant à jouer. Il est plutôt immersif. Le côté ski, se balader, le système de déplacement à ski, avec les VR Sense, il est plutôt bien fait. Pour s'orienter, que ce soit à droite ou à gauche, on incline les Sense. Au niveau du son, c'est cohérent. L'ambiance sonore est plutôt pas mal. Là où ça pêche vraiment, c'est le graphiquement. Là où vraiment le détail là où le jeu est, bah, il mise beaucoup sur l'observation, la contemplation, le fait de se poser et de voilà, de profiter du panorama. Bah en fait le panorama, alors je dis pas il est à chier, mais là, il est pas beau. Il est pas beau. Alors il est quand même net. Il peut être détaillé. La neige est plutôt bien définie. Quand tu te rapproches et tout, ça m'a fait le même effet que le sable dans Synapse au tout début. Je me dis, eh, mais mine de rien. Mais dès que tu vois tous les éléments du décor, donc bah, tout ce qui est sapin, la glace, les choses comme ça, les montagnes loin, le soleil, même le soleil. Enfin, c'est un JPEG 360, même pas en ultra, 4K, 8K, tout ce que tu veux. Et là, tu fais, ah merde quoi, non. Mais pourtant, tout n'est pas moche, hein. C'est juste l'extérieur. Il fallait pas se foirer là-dedans. Tout ce qui est à l'intérieur, parce que tu as un petit chalet où, voilà, quand tu as fini tes quelques petits objectifs et que tu es bloqué pour une journée, bah, tu dois retourner au chalet, te poser, et après on te donne du stuff en plus pour passer la seconde journée, déverrouiller d'autres étapes dans la station, et voilà. Mais voilà, t'es quand même contraint, c'est quand même scénarisé, et dans ce chalet-là, tout est bien détaillé, plutôt bien détaillé, mais voilà, c'est quand même très moyen, très très moyen graphiquement. Il y a du motion gaming, il y a un petit peu une petite notion de survie, mais bon, très accompagné. Tu dois découper du bois, tu dois te faire à manger de manière très, très basique. T'as un poêle, tu dois l'alimenter voilà, en bûche et poser la canette, la conserve dessus qui, voilà, qui s'ouvrira toute seule. Voilà. Tu dois te nourrir, dormir, tout ça. Et le point négatif qui est très vite casse-pied, c'est la voix. De celle qui t'accompagne en fait à distance. C'est alors je sais pas comment on appelle ces gens-là, mais elle est dans sa tour en fait de guetteur et elle observe toute la région voilà du haut de sa c'est tour. Une vigie. Et te... voilà, c'est ouais. Une vigie. Comme en forêt. Ça me fait penser à Firewatch. Firewatch. Merci. Déjà graphiquement oui. Et puis t'as l'impression que c'est Firewatch à la neige quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est très très moins. Pourtant, il y a des effets qui sont bien. Franchement, t'as des petits cours d'eau, des fois, tu fais hey! Mais bon, pas de physique, rien de tout ça. Et ça manque aussi, ça manque de vie en fait. Est-ce que c'est pareil. C'était que la voix de la meuf qui t'accompagne est mal enregistrée. En fait, bah déjà, le truc, c'est rien à voir avec la misogynie ni rien, mais elle parle. Elle parle tout le temps. Tout le temps. Je te dis, tu croises un panneau. Ah, tiens, je t'explique, et blablabla, ça, et tout, ça existe depuis tant. Ah, d'accord. Oh, un petit caillou. Alors, je t'explique, ce petit caillou, il sert à... Oh, putain, c'est un truc de fou. Et tu croises des trucs ah, bah, quasiment tout le temps. Un panneau. Alors, elle t'explique ce que ça veut dire. Et il y a un truc qui te bloque. En fait, il y a à aucun moment, tu te dis, ah, merde, il y a ce problème-là. Je vais le résoudre par moi-même. Non, elle est en train de t'expliquer par A plus B au carré sur l'axe Y, ce qu'il va devoir faire, falloir faire, quoi. Ouais. Et en plus, c'est dès le matin. C'est-à-dire que elle te dit, ah tiens, voilà le lit. Donc, blablabla, voilà le lit où tu pourras te reposer et tout. Donc, t'es content. Hop là, timelapse. Non, même pas, c'est fondu noir. Hop, et good morning. Et hop, ça redémarre. Oh putain. Et elle te dit, bah voilà, jour numéro 2. Tu vas devoir faire ça. C'est et bla, et bla, et bla, et bla. Et au bout d'une heure, franchement, c'est chiant. Et tu, peux c'est... tu peux pas la muter en plus. Hein. Ah, tu peux pas la muter, mais. Ah, quoique, attends. Non, je crois que t'es quand même obligé de laisser un fond. Mais même un fond, voilà. Mais c'est pas une question de doublage. Hein. Le doublage, il est correct. Enfin, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Parce que toi, t'as fait vœu de silence pour les besoins, on va dire, de budgétaires. Ouais, c'est ça. J'ai pas payé les leaders, ouais. Donc, en gros, t'as une radio, elle te parle, blablabla. Et des fois, elle te pose une question ou quoi. D'ailleurs, tu le rates. Hein, plusieurs fois, tu le rates, ce truc-là. Et tu cliques un coup pour oui et deux coups pour non. Firewatch, voilà. Hein. À fond, c'était le même principe, hein. La meuf elle te parlait, il fallait des fois pendant que tu te baladais tilter qu'elle te posait une question et bien répondre quoi. Ah ouais, parce que c'est en bas et tout machin, tu fais pas forcément gaffe, vu que c'est clair, même si c'est écrit orange machin, mais quand tu es en train d'observer et tout, parce que c'est ce que le jeu te demande. Mmh. À un moment donné, tu te dis, bon, t'as des merdes, bah, les merdes que les gens jettent, voilà, bah, tu dois les récupérer et les mettre dans une poubelle de tri. Il faut aussi repérer des oiseaux. Bon, la gueule des oiseaux, quoi, c'est 4 cubes ensemble sur le truc 3D. Par contre, sur ta tablette, c'est une belle image. Enfin, une belle image. C'est une image. Tu sais à quoi ressemble l'oiseau, tu vois. Mais franchement, non, c'est abusé, c'est dégueulasse. Même sur PlayStation 2, hein, comme je disais dans la preview, hein, les mouettes qui chient sur la gueule dans MGS 2, voilà, on était à un autre level. Hein. Donc voilà, c'est pas top. Mais par contre, voilà, il y a quand même de bonnes sensations. Il y a de l'haptique dans le casque quand on atteint des bonnes vitesses à ski. Et non, franchement, c'est le petit côté dommage, parce que voilà, même dans les tâches qu'ils te demandent de faire, c'est pas forcément amusant. Voilà, t'as des risques d'avalanche, donc des fois t'as des gros tas de neige qu'il faut enlever. Mais le truc, c'est qu'il faut bien le faire, parce que si tu repasses dans l'autre sens, et bah, tu remets la neige là où tu l'as enlevée en séquence. C'est à dire que tu mets un coup, ça t'enlève un morceau, et si tu le mets le coup de pelle dans le mauvais sens, pouc, ça te remet le morceau. Donc bon, pas c'est le fun. Et à un moment donné, ouais, tu dois prévenir, enfin non, voir la profondeur de la neige. Tu fais une carotte, tu fais, ouais, mais la carotte, un carottage. Alors tu prends ta pelle et tu mets des coups ni comme un cro-magnon et tout, et, bah, et ça creuse le bordel. Et le fun. Voilà. Bon. Et jour numéro 2, ah, il faut rentrer. Et hop, tu rentres, tu fais ta bouffe et tu recommences. Jour numéro 3, et tu ouvres les pistes. Les pistes que tu peux faire. Donc, bah, c'est, voilà, c'est plutôt cool dans le sens où, bah, c'est, voilà, comme je dis, tu as de bonnes sensations et c'est vraiment le côté plaisant. Le côté chill est vraiment plaisant. Et voilà. Et si tu veux faire de la descente à ski, vraiment, si tu veux vraiment faire le... Tu peux ou pas? Alors tu peux, mais il faut que le jeu t'y autorise. En fait, pas de hors-piste. Pas de hors-piste. Ah non, pas de hors-piste. Parce que c'est le premier truc voilà, que j'ai testé. Hein. Je fais, ah tiens, ouais, blablabla, ouais, je vais aller par là. Et je vais voir déjà si elle m'engueule, si elle dit, ah t'es un malade. Non, c'est le jeu. Fais attention, risque d'avalanche, demi-tour. Et si tu fais pas demi-tour, bah, y a l'avalanche, game over. Et puis un peu un game over justement à la Metal Gear où la nana fait Snake, tu vois, c'est un peu genre qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, allô. c'est je fais, bon, ok, et puis voilà, ça recharge et tu reprends bien en avant. Et ah oui, il faut pas se chier sur les sauvegardes et tout, donc voilà, il faut bien passer par étapes, parce que sinon tu te retrouves à refaire la journée si ça bug, parce que ça peut bugger. J'ai eu quelques bugs de sauvegarde. Tu retapes tout. Donc, ce qui veut dire, tu retapes tous les blabla, le petit caillou et blablabla. Voilà. Voilà. Punition, quoi. Ok. Bah, punition. C'est pour ça que je le mets dans les jeux moyens, parce que je fais. Voilà, c'est dommage. Il aurait été plus beau, il aurait pu taper du 7. Là, je mets du 5-6, quoi. C'est... Combien de verres de vin chaud sur 10? Ah, 5-6. 5-6? 5. Moyen. Aurait pu. Un style kayak VR à la neige, comme ça, graphiquement, ça aurait défoncé. Franchement, tout défoncé. Ouais. Perso. Mais voilà. C'est dommage. Le petit côté Firewatch, moi, qui me dit bien, moi, dans ce jeu-là, s'il y a une progression, justement, sans être trop contraignante, hein, parce que c'est un peu le thème de l'émission, quand même. Mais tu vois, il y en a une, mais c'est pareil, la fluidité de gameplay. Ouais, c'est pas ça. Bah, tu vois, le truc tout con, tu chopes les morceaux de bois que tu coupes. Ah oui, bah, voilà, t'as les rondins, il faut les couper. Déjà, c'est pas évident de les couper, même si t'essayes de t'y prendre correctement. Et quand tu as deux morceaux, voilà, l'un derrière l'autre, si tu chopes celui qui est derrière, il arrive dans ta main, il catapulte, il tape le premier, celui qui est au premier plan, et il le catapulte hyper loin, en fait. Parce que tu chopes tout avec la force, tu vois, à distance. Et voilà, s'il y a quelque chose sur le chemin, paf, ça vole. Ouais, et, c'est un bug de collision, quoi. Ouais, un petit mode Superman, mais pas sur toi, du coup, sur les éléments du décor. Que, bah, après, hein, t'es, allez hop, hein, soit à pied, alors t'es très lent, ou alors à ski, et tu fais du jus. Mmh. Ok. Pour ça. Bon, est-ce que tu conseilles, ouais, quand même? Ah, c'est toujours pareil, hein. C'est, si vous aimez la montagne, si vous aimez, bah, les jeux chill, ouais. Mmh. Ouais. Ça peut plaire. Il est pas dénué d'intérêt, okay, franchement. Bon. Voilà. Et ben merci en tout cas pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a essayé celui-là? Cheese Guns? Non. Non. Pareil. Bon. Non. Moi, si c'était un jeu où tu pouvais dire je vais faire de la descente, voilà, tu vois, tu rentres ta journée de taf, hop, allez, je vais skier un petit peu, je vais faire ma petite descente. Voilà. Après, peut-être que c'est possible, mais en jour numéro 9 ou 10, quoi. Mais j'ai pas un dépassé le jour 4. Quoi. Un mode libre. Enfin, ouais. C'est pour être marrant. Ok, bon, bah merci à le recours. En tout cas, bah, on va continuer sur toi. Du coup, bah, sur la Sainte Trinité, voilà. On va commencer un petit peu ce que je classe dans les bombes, les petites bombes à pas sous-estimer. Les beubons, carrément. Ok. Ouais, voilà. Bon, Laurent, il serait en train de se marrer, mais. Mais bon, je vais. Bah, je commence par le petit Time Crisis du PSVR 2, Dead Second. Ouais. Et bah, comme je dis, c'est le Time Crisis, c'est le House of the Dead du PSVR2, où on contrôle, on sait pas trop, un agent, voilà. Il y a en tout 8 missions différentes. Alors au départ, on commence dans un hub où étonnamment, il y a beaucoup d'options de confort et tout. Le jeu est très complet là-dessus, ce qui franchement, ça fait plaisir. Le jeu est très beau, enfin, très le net. Jeu est net, détaillé. Il y a de beaux effets de lumière sur les armes. On voit vraiment, on distingue vraiment la matière vraiment que composent les armes. Tu as des crosses en bois, tu vois vraiment, comme je dis, le veinage du bois, les crosses en cuir. Tu vois tous les petits picots, les petits pigments du cuir et tout, avec en inclinant, en jouant avec les lumières. Un petit truc, alors j'ai pas vérifié si on pouvait changer les touches. Un système de rechargement qui est assez bizarre, parce que il est encore il est différent en fait de ce qu'on a. C'est pas un bouton croix ou rond en fait pour enlever le chargeur, c'est le stick, le joystick bas. Je sais pas pourquoi. Après, il y a certains jeux qui le font, qui le faisaient déjà sur PC, des rechargements comme ça. Tu glisses le stick vers le bas et comme ça vire ton chargeur. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à une vraie arme, c'est pas très instinctif, quoi. Parce que normalement, c'est un bouton sur le côté, clac. Je pense que c'est surtout parce qu'ils voulaient utiliser le système de déplacement par téléportation. Parce qu'à chaque fois que tu vas commencer un niveau, tu vas pouvoir te déplacer par TP assez rapidement. Donc le jeu est très très fluide comme ça. Et tu enchaînes en fait les zones de combat, où tu vas devoir shooter des têtes. À chaque fois que tu shootes une tête, tu as un léger bullet time qui se met en branle. Et ce qui est plutôt sympa, parce que le jeu te pousse à esquiver un peu à la super haute. À chaque fois que tu as, ou la plupart du temps, quand l'ennemi a tiré en même temps que toi, tu vois la balle qui te frôle comme super ça. Super haute, ou Zombieland aussi, un petit peu, qui avait double tap. Qui reprenait un petit peu ce truc-là, justement. Et c'est très efficace. Et comme ça, tu peux enchaîner les têtes et tout, accumuler des points, parce que c'est un jeu à scoring, clairement, avec tu réessayes, classement, classement avec tes amis ou mondial. Et le but, c'est vraiment de tout péter, de faire le niveau le plus rapidement possible. C'est très fun. C'est très fun parce que, justement, concept simple, bien fait, fluidité, dans tout le gameplay, clairement. Et quand tu enchaînes alors les kills, tu as une petite jauge qui se remplit, et tu actionnes la jauge avec R3 L3 et ça te balance un bullet time beaucoup plus long. Donc cette fois-ci, tu peux clairement te faire plaisir. Tu l'enclenches au bon moment, paf, tu enchaînes les têtes les unes après les autres. Également les drones, malheureusement, tu n'as que deux types d'ennemis, pas de boss. Comparé à un Time Crisis ou quoi, T'as que des petits ennemis lambda et des drones. Dans un style graphique assez Fortnite, mais pas Fortnite enfantin, un petit peu plus mature, en fait. Plus détaillé. Et puis, il y a aussi c'est un truc que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est cette petite expression dans le regard, la surprise, en fait. T'arrives à lire la surprise sur les ennemis que tu shootes. Parce que la téléportation, je pense que t'as un peu un agent qui maîtrise le temps. Et quand tu te téléportes, alors les ennemis se rappellent de là où t'as tiré la dernière fois. Et si tu te TP complètement sur la droite, si tu peux changer de point de tir... Tu les prends à revers, quoi. Et bah tu les prends à revers. Et les mecs sont là genre, oh, comment il a fait ça et tout. Et y a, chaque fois que tu les shoots ou quoi, t'as toujours cette petite expression avec vite fait une petite giclée de sang satisfaisante et tout. Et très fun. Très très fun à jouer. Alors bon, il n'y a que 8 missions. Tu peux les faire dans 3 modes de difficulté différentes. Donc bah, rejouabilité. Les points que tu gagnes, si tu les dépenses dans bah, voilà, les nouvelles armes que tu peux avoir en double et mettre dans les étuis. Donc tu as quand même un minimum, tu as le ceinturon. Donc si tu veux passer à une arme dans chaque main, tu peux. Et puis bah, voilà, hein, c'est le jeu est fun. Tu dépenses aussi dans des skins. Et des skins pour les gants, parce que tu vois que ça. Et des skins pour les armes. Voilà. C'est du fun, c'est arcade, ça a l'air mignon. Techniquement, c'est carré. Et c'est immédiat. Tu le mets, c'est immédiat. Tu mets ta mission, tac, tu la reprends. Il coûte combien ? Je crois que il est pas si cher que ça, c'est une 20aine d'euros, je crois. Pas mal. Franchement, ça peut être une bonne pioche aussi, ça. 14,99. Ah bah, tu vois. 14,99. 15 balles. Ouais, et franchement, c'est ce que j'appelle la proposition honnête et honnête de qualité, quoi. Parce que c'est, y a pas vraiment de fausses notes, en fait. Tout est propre, je trouve. Tu peux jouer assis ? Alors j'ai pas joué assis, mais il me semble que tu peux. Il me semble que tu peux. Mais c'est pas. C'est pour ça que je pose la question. Le site, c'est marqué debout ou déplacement dans la pièce. Ouais, Roomscale. Bon, c'est le jeu VR, mais après, technique. Après, le truc, je pense qu'il y a moyen, mine de rien, de jouer assis, mais ça va pas être la méthode la plus confortable, parce que, bah, mine de rien, même si t'as, avec les sticks, la possibilité de te tourner, il y a des moments, il va falloir quand même que tu inclines ta tête. Avoir du réflexe. Et que, voilà, t'as pas de bouton pour t'accroupir, et des fois, bah... Voilà, t'as des spots où c'est juste une caisse, hein, donc il va falloir se baisser la tête. Ok. Mélange de Crisis Brigade et puis Time Crisis, ouais. Ouais. Pour le côté enfantin, mais je trouve vraiment enfantin de bonne qualité. Je l'ai relancé là, juste avant le pod, et pour voir si j'étais pas dans l'euphorie. Mais non, franchement, il est très très honnête. C'est vraiment un petit jeu à avoir dans sa collection. Ok. Et puis un jeu à faire essayer aussi. Ouais, c'est parce ça. Que, c'est intuitif. Sympa. Ouais. Bah, comme Zombieland, justement, quand tu veux faire tester la VR, c'est vrai que Zombieland aussi, c'est une bonne pioche. Ce jeu-là aussi, vu que c'est immédiat, comme tu disais, Ah ouais, c'est. Ça marche direct. Pas de prise de tête. Ok. Tu lui mets combien de headshots ? Sur 10. Oh là, un bon 8. Un bon 8. Ouais. Un bon 8 bien tassé. Ouais. Ah bien ouais. Sanglant, ok. Bon bah. Bonne pioche. Ok, ça marche. Parfait. On va enchaîner un petit peu. T'enchaînes le deuxième et puis après je fais le mien et puis après tu fais le tien et puis après voilà. Ça sera comme déjà pas veux. Mal, je pense, pour une émission de reprise. Et puis ouais. Ah bah t'as 3 mois de récap. On t'a pas prévenu, Gis, que les émissions terminaient tard, en fait. Je suis sincèrement désolé. Oh, oui. Sur la 100e, c'était long, hein, je crois. Ouais, c'était particulièrement très long, mais là, ouais, c'est vrai que celle-là aussi, à mon avis, va être pas mal velue. Ok. Et encore, il n'y a pas eu de pause. Voilà. Et là, il n'y a pas de pause, ouais, c'est vrai. On avait fait des pauses, je crois, à la 100e. Enfin, bref. Allez la voir et l'écouter, c'est très très bien. El Rocco. Nous t'écoutons. Oui, alors deuxième petite bombe que je recommande également. si voilà, vous aimez ne pas vous prendre la tête. The Utility Room, ou le local technique, comme il est présenté, intitulé, sur le store de Bitman Games. Et comment décrire ce jeu bizarre? Vraiment très, très, très bizarre. C'est un jeu d'exploration où vous explorez un lieu très étrange, composé tout d'abord de plateformes. Vous entrez, voilà, vous êtes, y a une plateforme qui vous emmène. Alors là, tout autour, c'est noir. Vous voyez juste au loin qu'il y a une autre plateforme avec une immense porte et un genre de monolithe comme dans l'Odyssée de l'espace, mais vraiment le même. Et je pense que c'est un trip, ce jeu-là, c'est un trip cosmique. J'ai envie de dire drogue, Salvador Dali, ouais. Et drogue. Oh. Et, ah mais clairement, clairement. Et c'est un bon mélange pour... Alors, en tout avec cas, modération. C'est... Attention, toujours. Cette émission est diffusée. Non, franchement, bah, c'est, voilà, c'est un jeu qui te, qui t'explique rien. C'est un peu du Another World d'Eric Chahi. C'est du comment le jeu sur VR là, pas Pixel Rift. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Paper Beast. Paper Beast, voilà. On t'explique rien. Ouais. T'es lâché dedans. Et juste, on te dit, voilà, tu es un touriste, un voyageur, tu n'es pas chez toi, ne fais rien de stupide. Et forcément, tu fais quelque chose de stupide. Tu casses quelque chose. À un moment donné, bon, tu arrives à ouvrir l'immense porte, voilà, en prenant une boule et en la mettant dans un trou. Et ça t'ouvre la porte, t'as une longue passerelle, tout autour, c'est noir. Et là, pour le coup, le PSVR, franchement top, l'OLED... la profondeur des noirs, c'est top. Le Murat, honnêtement, alors tu le vois comme d'hab, pas forcément sur le noir, mais il dérange, mais pas du tout sur ce jeu là et t'arrives au bout de ta passerelle, tu vas pour manipuler quelque chose et tu le casses, et à ce moment là tu sais pas ce qui se passe dans ta tête, le son est en train de, t'es en train de perdre les pédales, tu te fais téléporter, il y a des têtes qui apparaissent au fur et à mesure, qui te fixent, des têtes un peu style porcelaine de mannequin, malaisante, en pierre. C'est un royaume de pierre, de têtes de pierre. Et paf, t'es téléporté dans une grotte, et tu explores. Le jeu, c'est ça, c'est tu avances, il y a de l'exploration. Pas énormément de motion gaming, il y a des choses que tu peux faire. Tu peux grimper sur les parois, ça ne sert strictement à rien. T'as plusieurs systèmes de sauts, soit en motion gaming assez bizarre, ou alors en téléportation, qui est un peu le mode de téléportation cheaté. Si on veut vraiment profiter de la pression du jeu, parce que le jeu te met la pression plusieurs fois, c'est super efficace, c'est impressionnant quand ça t'arrive. Faut se déplacer normalement, en mode lent. Ça a l'air de pas mal jouer sur le gigantisme de certains décors. Énormément. Et ça, énormément. C'est pas suffisamment le cas en VR, malheureusement, parce que... Le gigantisme, la profondeur, le champ de vision, ça va très très loin. C'est très net, c'est très détaillé. Ça a l'air minimaliste, mais très très perché. Quand tu racontais un petit peu le synopsis, en tout cas le début de l'aventure, t'as l'impression de quelqu'un qui te raconte un rêve, quoi. Ouais, c'est ça. Mais un rêve chelou, quoi. Ouais, t'as des têtes en personne qui te parlent, et après tu passes sur un pont et tu casses quelque chose, et puis après... Et il y a des trucs qui t'arrivent, qui te fixent, t'es téléporté dans un autre truc, quand t'es dans la grotte, t'as des bruits trop bizarres, mais ultra cohérents, mais c'est des trucs que tu ne connais pas, t'es en perte totale de repères. Tu vois même les têtes qui sont en boucle, qui volent à droite à gauche, qui voyagent, qui disparaissent dans l'ombre, et tu la vois réapparaître derrière toi et tout, avec un bruit mais vraiment trop bizarre. Les têtes qui se déplacent, les têtes énormes, où il va falloir un petit peu les utiliser pour passer à une autre étape. T'as différents points d'ailleurs, différents passages que tu peux emprunter, qui sont plus ou moins difficiles. T'as des trucs qui vont t'agresser. Des pierres qui vont te loquer, qui vont vouloir te défoncer. Mais en gros, c'est de l'esquive et de la survie, ou est-ce que c'est plus un jeu d'énigmes? C'est de l'esquive et de la progression. D'accord. Pas vraiment survie, parce qu'au final, le jeu est pas du tout punitif. Je pense, dès que tu tombes ou que voilà, là, tu te fais défoncer par une pierre ou quoi, tu repopes un petit peu en avant, voilà, et tu recommences. Mais le truc, c'est que t'as envie de voir ce qu'il y a après. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais prendre dans la gueule, quoi. Et ce qui est étrange, c'est que, en fait, ce voyage, t'as plein d'univers différents, de décors différents, en fait. T'as des décors qui vont être un petit peu plus rocailleux, tu vas être dans les grottes, tu vas être après dans les montagnes, dans des endroits un petit peu plus sable, dans des petits déserts, des micro-déserts bizarres, toujours avec des choses étranges, des grosses boules, des boules de différentes tailles, les têtes qui vont se rapprocher de toi, tu les déranges, tu vois que t'es vraiment petit, t'es un intrus, et t'es un peu la fourmi, l'insecte dans ce monde-là que les têtes essayent d'écraser, tu vois. Et à chaque fois que ça arrive, t'as la pression, parce que l'ambiance sonore prend le pas dessus, et franchement, t'es dedans. Immersion, mais 200%. Ouais, ça a l'air bien perché, en tout cas, c'est intriguant, très très intriguant comme type de jeu. Mais c'est un trip. Même le développeur est dit, hein, c'est... Je sais pas si vous allez l'aimer, mais j'espère que vous prendrez plaisir à faire ce jeu-là, bien à vous. Et ça peut être ça peut être flippant en plus, hein, certains moments. T'as des trucs, tu t'y attends pas, c'est tellement bizarre. Et surtout quand les têtes apparaissent et se rapprochent. C'est en fait le moment où tu te dis, oh tiens, la grosse tête au loin, c'est bien fait. Mais elle s'approche, te conne. Oh purée, elle s'approche dangereusement. Et tu dois. Et t'as une séquence de plateforme, mais de merde. Tu sais, t'as des genres de gros poteaux en pierre, toujours. Et certains sont un peu piégés. Ils descendent d'un seul coup et ils remontent d'un seul coup. Donc des fois, il y en a certains, il faut un petit peu les esquiver. Ou les utiliser pour atteindre d'autres plateformes supérieures, toujours pendant que la tête se rapproche de toi. Donc ça te met bien la pression. Si tu n'utilises pas la téléportation, bien évidemment. Parce que là, c'est vraiment le petit cheat. Vraiment. Parce que là, en fait, tout ce que tu peux ressentir, tu vas pas le ressentir. Ouais. Ouais, c'est pas... Ce malaise ou quoi, tu... Non. Pédaler un petit peu dans la choucroute, quoi. Voilà. Je sais pas si tu l'as dit, mais la durée de vie, c'est combien de temps à peu près? Il y en a deux. Il y a deux durées de vie. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais ça se boucle en 1h30, 2h. C'est très court. Ah, d'accord. Très, très court. Et c'est, je crois, moins d'une heure si tu prends le deuxième scénario. Mais je crois que j'ai regardé ta preview et tu en parlais, je crois. Ah, c'est pas long. Ou alors, j'ai vu sur le Discord, je ne sais plus. C'est pas long. C'est vrai que... C'est marqué, je crois, 1h30. 1h30 au tout début, quand tu choisis le type d'aventure. Ah, ça te prévient à peu près, d'accord. Ouais. Et il est à combien, celui-là? Et il me semble... 16,99. Ouais. Combien? 16,99. 16,99. Ça va, c'est honnête. Hein. Effectivement, quand j'avais vu la miniature, ça me donnait vachement envie. Je voulais même pas regarder la preview pour me garder la surprise. Puis je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne ou pas? Parce que ça sent le petit jeu un peu expérience. Totalement. Mais expérience qui me donne envie, quoi, quand même. C'est donc qualité. J'ai quand même regardé la preview. C'est très qualitatif. Et je suis très tenté, quoi. Donc je l'ai mis dans mes favoris. J'ai pas encore sauté le pas. Je viens mais de le mettre dans les favoris aussi. Je pense aussi, qu'il faut que je le fasse. C'est très qualitatif. Ça me plaît, ces trucs un peu dérangeants. C'est, mine de rien, sur 5, ouais, le côté oppressant. Il y a 55 avis. Bon, personnellement, moi, j'ai jamais noté, j'ai jamais même fait c'est attention mauvaise aux note, avis. Hein, je suis pas une mauvaise note. Je vois qu'il est pas très très bien noté. Ah, 3,84 sur 5. Quand je regardais Into the Radius et tous ceux qu'on a, même Snow Scout, il est à 4,6 ou un truc comme ça. Ils ont des meilleures notes c'est que étonnant, celui-là. Mais bon, après, là, c'est une expérience aussi. Je après, pense c'est que, T'as quand même pas mal de choses ici qui font, enfin, qui joue un peu sur les phobies des gens. Si c'est un petit peu la phobie du noir, la phobie des espaces clos, la phobie des visages. C'est un peu cauchemardesque quand même comme truc. Hein. C'est vrai que si on regarde les images, c'est dérangeant. Hein. C'est très dérangeant. Mais en plus de faire peur, c'est dérangeant, quoi. C'est ça. Et même t'as une tête qui, pour le coup, Bah c'est je l'ai mis en miniature dans une des vidéos. Elle est très dégueu. Et puis putain, elle te fixe quoi. C'est non, c'est les yeux exorbités et trucs. Ah, c'est bizarre, c'est très bizarre. Et il y a pas de fausses notes, tu peux pas dire. Alors oui, il y a pas de flingue, il y a pas de ci, il y a pas d'ennemis, mais c'est pas du tout le propos du jeu, c'est un trip. D'accord. Et il faut le prendre comme ça. Et si on le prend comme ça, bah, je pense qu'on peut que kiffer. Parce que voilà, c'est super beau. Même, ça met la claque. Quand on voit le genre de panorama à un moment donné avec ton objectif au loin, que tu distingues très très bien, tu fais « Ah ouais, ouais. » Là, on se fout pas de ma gueule. Et puis, bah, après tout, il y a de l'aptique. Il y a... Toutes les fonctions voilà, du PSVR 2 sont prises, sont prises en compte, et non, c'est ultra honnête. Tu lui mets combien de cachetons de, je vais pas dire le nom, sur 10 Ah, si tu veux pas te faire striker. Ah, putain, dans sa catégorie, franchement. Il n'y en a pas des masses, hein, des jeux à triple comme ça, hein, sur PSVR 2 en tout cas. Ah, c'est le manque de comparaison, mais ouais, je lui mettrais un bon 9 hein, quand même. Hein. Un bon 9, on se fout pas de... Allez, faut aller. Un bon 8, parce qu'il est un peu trop court. Un peu court, ouais. Un peu court. Ouais. Bon, allez, un bon 8. Un bon 8. Bon, en tout cas, voilà, pour un jeu qui est pas cher, on va le rappeler. Donc, tu avais dit 17€, 16 ou 17€, ça ? Ouais, c'est 16,99. Ouais, 16,99. Ouais, 17 boules. Ça coûte moins cher et ça fait pas de mal à la santé. Donc, bah, pourquoi pas hein. Ça peut être... C'est un jeu, je pense, que tu peux terminer en une soirée. Que tu peux faire découvrir, que tu peux refaire, j'imagine, aussi, peut-être, si tu as quelques petites ramifications un petit peu différentes. Alors, tu as des petites... y a des succès. Il te propose, justement, de découvrir certaines choses que tu peux rater lors d'un premier run. Ou différentes façons de passer une étape. Donc, par exemple, voilà, la tête, quand elle m'arrive dessus à la fin de la vidéo, il y a différents moyens de la passer. D'accord. Et puis, il y a des petits objets, des petits collectibles, à droite, à gauche, aussi. Donc, oui, il y a une petite rejouabilité, quand même. Ok. Voilà. Bon. En tout cas... Très, très bien. Ça marche. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est comme Gis, liste de souhaits. Et puis, je pense que je le ferai dans une soirée de doute. pour passer un bon ouais un une bon soirée truc, flou une soirée floue ouais, tu risques de rire c'est trop bizarre des têtes me regardent ok bah merci le Rocco et ben je vais te laisser respirer un petit peu et je vais vous parler de Max Moustard. Non, ce n'est pas l'Astrobot qu'on attendait en VR directement. C'est un très très bon petit jeu de plateforme qui est développé par Toast, qui était déjà le développeur de The Richest Plank, hein, une expérience de vertige qu'on retrouvait sur à peu près toutes les plateformes VR. Et là donc on a Max Moustard qui est sorti, qui est un jeu de plateforme très mignon, extrêmement mignon, tout est mignon dans ce jeu. Le personnage principal est mignon, les ennemis sont mignons, les décors sont mignons, la musique est mignonne, la progression est mignonne, et ça va pas te plaire Gantz, c'est vrai que c'est un peu facile. C'est pas VNVR quoi. C'est pas VNVR. Ouais, je l'ai pas. Il vient de sortir aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. J'ai pas eu l'occasion. Je t'ai laissé faire le test et puis. Bien aimable. Et du coup, en fait, je l'avais déjà fini. C'est pour ça que le test, je l'ai fait assez rapidement. Je l'avais déjà fini sur Quest. Il était déjà sorti sur Quest 3. Il était très, très, très propre sur Quest 3. Ultra net, ultra fluide. Mignon, et ça je vais souvent le dire. Et donc la version PSVR 2, PS5 a été bien améliorée en termes de texture, d'effet de lumière, surtout l'effet de l'eau. Ça apporte vraiment une sacrée différence. C'est pas quelque chose qui est forcément visible en casque quand tu passes d'un casque à l'autre, d'un hardware à l'autre. Mais quand tu regardes un petit peu les captures que j'ai fait pour le test, tu vois vraiment qu'il y a une énorme différence. Mais après, le jeu est tellement confortable et est tellement adapté dans sa version aussi autonome, que oui, tu fais quand même une petite différence, mais c'est pas non plus choquant, quoi. C'est un bon plus. Mmh. Le jeu, il est proposé à 27 euros, 26,99. Il a des très très bons avis sur le PS Store. Et moi, plutôt que le comparer, voilà, bêtement à Astrobot, en fait, je le comparerais plutôt à Lucky's Tale, qui était sorti sur PSVR, qui était sorti aussi sur PC, qui est sorti, il me semble, sur Autonome. Et qui était très bien, et qui est génial aussi. Et qui était vraiment génial. Très très beau. Très beau, parce que assez épuré, et dans son style graphique, ça fonctionnait, il fallait pas plus, quoi. T'as pas besoin d'avoir un personnage, tu sais, avec où tu vois vraiment les pores de la peau s'il est en mode. en mode dessin animé comme c'est le cas là, tu vois. Donc, c'est. Non, c'est plein de petits détails. Ouais. Très détaillé, bien fait. Mmh. Juste ce qu'il faut. Donc voilà, Max Mustard aussi, c'est un jeu à patounes, hein, c'est-à-dire que t'as des pièces un petit peu de partout qu'il va falloir collecter pour pouvoir débloquer des bonus dans les magasins. Qu'est-ce que. Le test, c'est vrai que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus dessus? Les bonus en fait qu'on va acheter avec les pièces, ça peut être des options de confort, par exemple la caméra, la rotation de la caméra, en fait c'est un bonus que tu achètes dans ce magasin là. Très bizarre. Mais pourquoi pas. C'est assez étonnant, voilà, mais après tu le débloques quand même très très rapidement, donc ça gêne pas. Tu gerbes d'abord et après t'achètes une option de confort. En gros, j'ai l'impression que c'est pour te montrer que. Parce que tu fais le premier niveau 100 et en fait tu peux tout de suite l'acheter dès la fin du premier niveau. Oui, c'est très très rapide. Et, parce qu'en vrai, si tu tournes, ça fait pareil, tu peux voir, mais tu peux avoir cette option comme ça. C'est ça. Après, concrètement, ça sert juste sur certains niveaux qui sont un petit peu plus larges pour vraiment tourner la tête. Enfin, pour pas avoir à tourner la tête sur des grandes zones en général où t'as des objets un peu plus chauds à récupérer. Parce que t'as trois petites bestioles que tu dois récupérer par niveau, et c'est vrai que certaines sont un petit peu planquées, t'es obligé de tordre un petit peu le cou pour y arriver. Les animations sont bien, le design des persos et des ennemis est vraiment très très bon aussi, il a vraiment une identité très très mignonne, je vais pas trouver beaucoup plus d'adjectifs pour ce jeu là. T'as des niveaux bonus aussi, tu utilises des flingues ou alors d'autres objets, et puis ça diversifie un petit peu le gameplay. Ces objets aussi, tu peux utiliser pendant les niveaux, pendant que tu déplaces Max aussi pour l'aider à progresser. Il y a plein de petites idées en fait à chaque niveau. Tu as des petits passages montagnes russes, des passages où tu dois déblayer le chemin pendant que tu avances avec ton flingue. Ça se renouvelle, c'est toujours étonnant, c'est pas très dur, c'est vraiment le gros reproche que je peux lui donner. Il se termine en 4-5 heures. Combat de boss après chaque monde, t'as 4 mondes, t'as 40 niveaux. Ouais, Gantz, c'était. Tu. Non. Non, vas-y, finis. Voilà, la musique est mignonne sans plus, mais voilà, ça fait le taf. Bonne surprise, Le studio, en tout cas, y croit à leur jeu. Ils ont une bonne communication plutôt saine, je trouve, dessus. Ils ont des bons retours, et ça fait très plaisir, parce que le jeu mérite. Il est bien fini. C'est un jeu qui est bien fini. C'est un jeu qui prend pas pour un coup. Il est bien polish. Le personnage, il est, mine de rien, bien travaillé. Bah ouais. Et je pense que ça peut donner lieu à une suite, hein, clairement. Moi, clairement, c'est vraiment ce que j'espère, moi. Une suite à ce jeu-là. Un truc vraiment, justement, qui pourrait commencer à titiller un petit peu Astrobot avec un peu plus de prise de risque au niveau de la mise en scène. Avoir des niveaux sous-marins, par exemple, dans le test. Je dis qu'il n'y a pas de niveau sous-marin et je montre un passage où tu vas sous l'eau. Ça peut paraître paradoxal, mais c'était vraiment pour montrer que ce n'est pas un niveau qui se passe sous l'eau. C'est juste au niveau de ta mise en scène, le jeu te fait plonger et te fait remonter directement. Tu vas pas rester sous la flotte. Mmh. Moi, les niveaux dans Astrobot qui m'ont le plus mis sur le cul et qui sont vraiment inoubliables, moi, c'est les niveaux sous-marins, quoi. Parce que t'aimes pas, toi. Je suis un peu thalassophobe, mais par contre, ça me fascine. j'ai une fascination un peu morbide en fait sur les trucs qui me foutent la trouille, donc voilà, c'est la flotte en fait partie. Normal. Je sais pas si c'est normal, mais bon. Bref. Et voilà, c'est un petit peu dommage qu'on trouve pas. Alors, t'as bien, et ça j'en ai pas parlé dans le test, parce que j'ai pas envie de trop spoiler, des niveaux zéro gravité à un moment, tu vois, t'as des petites idées en fait qui sont proposées au fur et à mesure. Au niveau de la version PSVR 2 par rapport à la version Quest, et j'en ai pas parlé non plus dans le test, j'ai oublié. T'as le retour haptique, le retour sur le casque, les vibrations sur le casque, c'est-à-dire que quand ton personnage se fait toucher, t'as ton casque qui vibre. Et c'est assez étonnant et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est même surprenant en fait. Et ça t'oblige justement à être un peu plus précautionneux que la version autonome. Ça fonctionne aussi. C'est un bonbon. C'est mignon. Ça se parcourt avec une vraie envie de progresser et d'y retourner. Avoir envie de remettre ton casque pour parcourir les univers qui sont proposés. Tu peux pas du tout. Parce que justement, tu disais qu'il était facile. Est-ce qu'il y a du contre-la-montre? Est-ce qu'il y a du classement avec les des amis, niveaux etc. bonus contre-la-montre, comme tu pouvais justement trouver dans certains jeux et refaire. Tout simplement refaire les niveaux et en mode. Non, thème trial, comme VNVR justement, il proposait ça, me semble. Ouais, parce que justement, ça prolonge un peu la durée de vie, ça, quand tu. Non. Quand t'as des niveaux comme alors, ça. À moins qu'il l'a rajouté plus tard, mais en tout cas, les niveaux, tu les passes, tu les fais et c'est. Voilà, c'est fait. Et basta. Il aime bien humilier ses potes, Gantz, j'ai l'impression. T'as vu le timing que je t'ai mis dans la gueule ? Non, c'est pas pour humilier, mais voilà, c'est pour. si effectivement il est facile, c'est pour donner un peu de challenge. Quoi. Baisse les yeux maintenant. Non, mais c'est vrai, ça aurait été une bonne idée, je pense. Ça aurait été une bonne idée, mais en tout cas, c'est pas implémenté pour le moment dans le jeu. Ça peut éventuellement se faire. Mais ça peut se faire, oui, il n'y a rien qui l'empêche, mis à part certains niveaux sur des rails. Encore, tu as des passages où tu n'es pas sur les rails, tu n'as jamais de niveau où tu commences, tu rentres par exemple sur un mini-train et puis tu termines sur le mini-train. Tu as toujours des phases vraiment d'exploration entre les deux. Bon, donc ça serait une idée, mais en l'état, en tout cas, c'est... ultra propre. Parfait quoi, enfin, ça vaut pas l'excellence de certaines références dans la matière comme Astro. Ça titille en tout cas bien du Lucky's Tale sans problème. Pour moi, personnellement, en termes de qualité de production, c'est au-dessus de VNVR, sûr et certain aussi. Et j'aime bien l'esprit du studio, j'aime bien l'esprit du jeu, je trouve ça que ça se fout pas la gueule du joueur. Je sais pas, je lui mettrais bien 9 bonnes patounes en tout cas, vu l'état des jeux de plateforme en VR. Manque de difficulté, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais studio à soutenir. Pour moi, studio à soutenir. Je l'ai pris. La suite. Moi, j'ai fait. Je l'ai pris direct. J'ai fait 2 niveaux à midi là vite fait pour tester et ce qui me surprenait que j'ai dit sur le Discord c'est que globalement en fait quand je voyais le test en plat et tout je me disais qu'il était un peu léger graphiquement et en fait quand t'es dans le casque c'est une des premières fois où ça me fait ça où j'ai l'impression qu'en fait c'est plus joli dans le casque que en plat. Souvent quand tu passes d'une vidéo en plat dans un casque, par exemple tu regardes un Gran Turismo 7 ou n'importe quoi, ça aliase, c'est pas net, c'est pas... Et là, je trouve que ça fait vraiment le... En fait, les designs des personnages et tout, ces petits trucs arrondis, machin, en fait, ça rend super bien dans le casque. Je trouve que ça fait des jolis petits animaux, les décors sont chouettes. Et alors qu'en plat, quand je regardais la vidéo, j'avais l'impression que c'était un peu en dessous de finalement, de ce qu'on a réellement. Peut-être. Donc, j'étais agréablement surpris pour ça. Dans le casque, il passe très très bien. Ah oui, ça passe. Et c'est vrai que t'as raison de le dire, c'est vraiment très net. Et tu sais, t'as toujours dans quasiment tous les jeux, t'as toujours deux petites textures qui se chevauchent. Ou alors qui se chevauchent pas, chevauchent pas justement suffisamment, qui laissent un petit trou, qui te laissent voir le décor qui est à travers. Dans ce jeu-là, t'as pas une seule fois ce genre de soucis-là. Tout est vraiment léché dans le moindre détail, quoi. Donc, ouais, il a été bien développé. Ouais. Ah ouais, ouais, bien fini, et tu sens que voilà, les développeurs, ils aimaient vraiment leur jeu, quoi. Ça se ressent. Oh, ouais, et même, même le portage, quand tu, moi je les suivais du coup sur Twitter, et c'est vrai qu'ils, souvent ils mettaient des petits comparatifs, ils, et puis tu voyais qu'ils essayaient de pousser en fait les potards un peu au maximum de ce qu'ils pouvaient par rapport au style du jeu et tout, pour le passage PSVR 2, et du coup ils ont augmenté pas mal de choses, et la fluidité aussi, quoi. Quand on a, quand ils nous ont passé la clé pour faire le test, ils nous ont prévenu qu'il y avait certainement des petits bugs de collision dans cette version playtest. Toi, t'en avais constaté un, je crois, Alroco, quand tu l'avais testé. Moi, j'avoue que je n'ai pas vu un seul, quoi. Ah, mais j'ai abusé hein, aussi. j'ai eu un petit bug d'une musique qui s'est pas mise en route dans un niveau. C'est le seul truc que j'ai eu. Mais bon, voilà, rien de méchant, quoi. Ah, puis l'immersion est cool. Il y a un moment, je me suis surpris à voir les ombres des petites bêtes, des petites bestioles que tu libères au fur et à mesure. Et au départ, je m'étais pas aperçu qu'elles étaient derrière toi, en fait. Ouais, elles te suivent, ouais. Ouais, elles te suivent, machin et tout. Et puis, tu te retournes et elles te regardent comme ça avec leur c'est diablerie. Il faut les brûler. Je fais, ah, vous êtes d'accord. Putain, c'est cool, c'est mignon. C'est, voilà. C'est ça. Le petit bonbon, avec des petites surprises comme ça. Et voilà, un gameplay assez varié. Et chouette. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, moi je vous le conseille franchement, et puis dites-nous sur le Discord ou sous cette vidéo ce que vous en avez pensé, si vous voulez. C'est enfantin et on est en général les premiers à gueuler, à se demander à quel public ça s'adresse. Franchement, ça passe bien si t'aimes Mario, si t'aimes les trucs un peu légers de temps en temps. Après entre deux parties de Madison, et ben voilà, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal. Une petite bouffée d'air frais. Voilà. C'est clair. On va passer à la suite maintenant, mon petit L, avec ton dernier test. Ah, mon petit coup de cœur. Mon deuxième organ quater. Ah. Franchement, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Et je vais terminer les tests en vous parlant de Compound, et qui est franchement mon petit coup de cœur, mon petit coup de cœur du PlayStation VR 2 là, pour ce petit mois là. Et Compound, c'est quoi? Concept simple, c'est un roguelite, encore un. Oh. Encore un. On se prend pas la tête avec l'histoire ou quoi, même s'il y en a une, mais c'est anecdotique. Pour la petite histoire, il y a un boss, une entreprise pharmaceutique qui fait des expériences cheloues, qui aime le pognon, et que voilà, ils font des expériences sur des humains, voilà, et des qui deviennent zombies. Et c'est des méchants, il faut tuer tous les méchants. Et on commence, le côté roguelite, c'est plusieurs niveaux, et on commence tout en bas, par les égouts, on s'infiltre dans cette corporation, et puis jusqu'au dernier étage, et c'est l'héliport où on a le boss final. Et puis on a le droit d'y retourner. Et honnêtement, c'est l'un des jeux les plus défouloirs, et aussi les mieux faits que j'ai au niveau des détails en pixels. Ah. Le jeu est complètement. Joue la carte du rétro à fond la caisse, mais la carte du rétro mais vraiment très bien faite. C'est du pixel art, et le pixel art où il y a énormément de détails. Un mélange un petit peu de graphique, ça fait penser un peu à un mélange entre Minecraft et Pixel Rift, justement, dans certains aspects. Surtout le hub, le lobby du jeu où tu t'entraînes, où tu apprends à affronter, t'as une petite zone où tu peux affronter les boss que tu rencontres dans certains modes de difficulté. Et t'as aussi une zone où tu récupères des mutations qui sont des différents modes de jeu. Donc le jeu, en fait, il a une rejouabilité mais complètement folle, et il est fun dans le sens où, encore une fois, il est super bien fait. et il est jouissif. Il y a de l'impact dans toutes les armes du jeu. Il y a énormément d'armes très bien faites, super bien au niveau du sound design de chaque arme, de ce que tu entends quand tu éjectes les chargeurs, quand tu les remets et tout, ça claque, ça c'est percutant. Et quand tu shootes les ennemis, c'est pareil, c'est du kiff. Alors les ennemis, il n'y a pas d'intelligence artificielle, tu rentres, ils avancent. Ils avancent et ils viennent pour te défoncer. Chaque ennemi a sa petite particularité au niveau de ses attaques et c'est à toi de gérer, gérer ta progression et de les défoncer les uns après les autres sans te prendre en fonction du mode de difficulté. Voilà, t'as droit à 5 coups, sinon tu meurs et tu recommences depuis le début. Et en fait, le jeu est un kiff absolu rétro et qui me rappelle un petit peu Street of Rage dans le côté les boss, les ennemis, comment ils sont modélisés. T'as un affrontement à la Metal Gear avec un hélicoptère et tout qui t'en met plein la gueule et que tu gères de différentes façons. Le jeu est franchement très très bien foutu, très très jouissif. Dans le côté, en fait, ce qui est vraiment qui fait qu'on y retourne et tout, déjà c'est le côté amusement immédiat. C'est tu lances ton truc, tu lances ta mutation qui est un peu ton mode de jeu et tu récupères tes armes au fur et à mesure, que ça soit dans le niveau qui est indiqué sur ta montre et tout, où tu as la map du niveau et tu récupères les armes, tu enchaînes et tu veux arriver jusqu'au bout en fait. C'est le jeu te pousse à aller jusqu'au bout. Et puis le truc que je n'arrive pas à faire parce que je suis encore dessus, je suis à plus de 30 heures. Putain. Il y a ouais quand même. Il y a en fait parce que t'as les modes de jeu, les mutations. T'as un mode de jeu où tu, par exemple, tu vas être dans un style FPS rétro complètement. C'est-à-dire que toutes les armes que tu vas collecter, tu vas les garder. Normalement, tu peux en avoir que 3 maximum. Et donc tu dois faire des choix, tu peux les lâcher, en resélectionner une autre, en reprendre une autre, etc. etc. T'as des modes de jeu où là par exemple, celui qui me donne du fil à retordre, c'est les ennemis qui te lâchent. À chaque fois que tu tues un ennemi, ils te lâchent une arme, mais tu n'as pas de chargeur. Donc en fait, tu dois vider l'arme, une fois que l'arme est vidée, hop, tu passes à une autre. Et plus tu avances dans le jeu, t'as les ennemis qui sont beaucoup plus balèzes, tu vas avoir des robots. Au départ, tu commences avec des êtres humains. Après, tu as les robots, tu as les drones. Et en fonction du mode de difficulté, mais ils t'en mettent plein la gueule, quoi. Il est généreux, quand même, le jeu, mine de rien. Il est très, très généreux. Très, très généreux. Et je vous dis, les armes, c'est surtout ça. C'est tout est bien fait dedans. Tout est bien fait. Et tu enchaînes. Et quand tu perds, tu as la rage. Mais tu fais, allez, quand même. Je suis sûr que je peux y arriver parce qu'il commence un petit peu à difficulté faible et ça va crescendo et t'as toujours cette sensation du genre putain j'ai merdé ça, j'aurais dû faire ça, allez je peux faire mieux. Je peux, mais toujours. Et franchement, j'aime pas les roguelites et même pour Synapse, c'est Synapse m'a titillé sur comment il était réalisé et tout, et puis le gameplay avec les pouvoirs, tout ça. Mais celui-là, c'est pareil, c'est un kiff rétro. Et jouissif avec plusieurs fins en fonction du mode de difficulté. Donc t'en as 4, officiellement t'en as 3, mais il y en a un qui a une petite spécificité. Et le mode facile, tu n'auras pas certains boss, tu auras que le boss final. Donc la fin, elle est expliquée sous forme de comics. Donc il te dit t'as buté le boss, mais son second a repris l'entreprise et patati et patata. Donc ok, tu fais le jeu en mode facile, tu vas avoir certains boss en plus que tu vas devoir shooter forcément, et la fin va changer un petit peu. Il y aura toujours du genre l'entreprise va quand même reprendre, tu vois, malgré que le boss ait été flingué, que son second ait été flingué. C'est to be continued. Il faut vraiment le terminer en mode très difficile pour vraiment anéantir cette corporation. Mais dans tous les modes de difficulté, c'est compliqué. Mais le truc, c'est que j'aurais pu, à la rigueur, m'arrêter là. Mais le jeu a quand même la petite carotte qui me force à continuer. Il y a une arme ultime, une grosse machine gun, mais qui a l'air d'être un défouloir complet. Le BGF. Un truc comme ça. Mais un gros bordel, je sais pas ce que l'arme fait, je sais pas du tout. C'est la dernière mutation qui. Voilà, et il faut terminer le jeu à 100%. Tout simplement. Et le jeu, il y a des trophées. Il te dit, bah voilà, il faut manger 150 burgers. Alors, c'est pas des trophées PlayStation, c'est des trophées vraiment dans le jeu. Et tu dois manger tant, tu dois buter tant d'ennemis comme ça, tu dois buter le boss tant de fois comme ça, terminer le jeu avec cette mutation-là, dans tous les modes de difficulté. Et. Le trophée varie du bronze, l'argent à l'or, et le but voilà, c'est d'avoir tout en or. Il m'en manque deux et j'en chie à fond. Et à chaque fois je suis à ça d'y arriver, mais c'est compliqué. Ouais, tu te fais plaisir. Bah, en regardant, je pense que je suis pas le seul à me faire plaisir, parce que le jeu, 168 avis, il a 4,68. Oh non, mais il a l'air enfin c'est pas déconnant. C'est donc. Ah, c'est vraiment un jeu hardcore VR, je crois. C'est vraiment pour les. Ah, pour ceux qui aiment chier du sang. Hein. Pour les acharnés. Moi, graphiquement, ouais. Ça me fait penser, franchement, enfin, il me fait rêver ce jeu, en tout cas, dans son style graphique, à une version d'Hotline Miami, avec ces graphismes-là en FPS. Tu sais, les maps d'Hotline Miami, la musique d'Hotline Miami, les ennemis d'Hotline Miami, la nervosité du gameplay. Parce qu'en plus, enfin, comme tu disais, le jeu. Il a un bon gameplay, quoi, tel qu'il est là. Les rechargements sont bien foutus, sont pas contraignants, c'est dynamique. Le frag est bon, les impressions sur les armes sont plutôt bonnes. Tous les détails. Les détails. Ah oui, et puis chaque arme, y en a certaines, elles ont vraiment des particularités, mais qui peuvent se retourner contre toi aussi. T'as différents types de shotgun, et t'en as un, les boules rebondissent. Ouais. Sur les murs. Qu'est-ce gueule ça ? Elles rebondissent, mais elles lockent aussi les ennemis. Et il y a certains ennemis boss qui sont un peu compliqués, notamment un qui a un bouclier et tout, tu peux le shooter comme ça. Mais il faut manipuler le truc voilà, avec précaution. Parce que ça fait pas n'importe quoi, il faut shooter le bon mur, il faut être dans le bon angle. Donc il y a pas mal de stratégies à mettre en place, quoi. Et c'est une boucherie, c'est vraiment une boucherie. Non, tu lui mets combien de plagiat de Doom sur 10 ? Là, c'est du 9. Hein. Franchement, c'est du 9. Quand même. Ah non, honnêtement, c'est mon organe quater numéro 2. On est vachement généreux ce soir, il me semble. Hein. Ouais, ouais. Ah ben, y a eu tout. En 3 mois, il y a eu tout. On est revenu, voilà. On est de bonne humeur. Voilà. Donc, distribue les bons points. Mais ouais, Et puis, c'est. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas, c'est toujours pareil, hein, si vous n'êtes pas hardcore gamer, enfin voilà, si ça vous emmerde de bouger partout. Disons que c'est pas un jeu qui fera venir les joueurs plats vers la VR. Oui, on le sait. Non. C'est pas. Globalement, tous les jeux qu'on a évoqués là, finalement, ils sont très bons dans leur genre. Mais c'est pas des trucs, des system sellers qui vont faire venir des joueurs PlayStation. Sur la VR. Non. Par contre, sur ton catalogue VR, ça fait plaisir quand tu t'es mis et que t'es bien dans la VR, ça fait plaisir. Ah, c'est un truc. Mais effectivement, les gros jeux qui font envie. Bah, là, on est plus proche avec. Si on a parlé quand même de la, mais qu'on n'a pas pu tester, c'est le Métro, qui lui est un truc qui fait parler. Quoi. Patience, petit scarabée. Ça viendra. Ça va venir. Oui, mais en tout cas, voilà, ça fait parler, ça fait parler pour les gens qui sont en dehors de la une VR. Grosse licence plate, ça les titille, ça les titille. Bah, Hitman aussi. Hitman aussi. Ouais. Quoique, hein, c'est quand même un peu ça niche. Ça reste, c'est niche, hein. C'est Hitman, très niche même en plat. Mais ça a son public, ça a un gros public. Ouais. De toute façon, en plat, pour faire venir les joueurs plats, t'as 4-5 licences. Hein. C'est. Voilà, parce qu'il n'y a que 4-5 licences qui parlent aux gens. Hein. Tu mets ça en VR. Après, même des licences. Oui, effectivement, il y aurait des licences comme ça qui feraient venir direct. Mais il y a aussi. Faudrait des jeux travaillés, quoi. Mais le problème. Bref, c'est le problème qu'on voit globalement depuis le départ. Si t'as pas un jeu hybride, techniquement. Ils n'ont jamais le budget investi qui permet des jeux vraiment poussés, ambitieux. Propres, avec une histoire relativement long, ambitieux. Mis en scène. S'ils ne sont pas hybrides, parce qu'il n'y a pas assez de ventes. Quoi. C'est le problème du serpent qui se mange la queue. La VR décolle pas parce que c'est trop cher d'investir là-dedans. Mais s'ils n'investissent pas, il n'y a pas de gens qui viennent. Quoi. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que l'hybride, ça peut être quelque chose de... L'hybride, c'est la solution. Ça, on c'est la solution. Des mois c'est la et des solution, mois qu'on, quoi. D'avoir des... Oui, c'est ça. D'amener du gros budget qui sera forcément amorti, parce que même si ça se vend pas en VR, ça, ça se vendra en plat. C'est pour ça que le Midnight Walk. Mmh. Ouais. Mmh. Excellente surprise, celui-là. Mmh. Faut... Ouais. Ah, il va falloir, falloir le suivre. Ouais, t'inquiète. Ce même Hitman, ça reste quand même un jeu troisième personne qui bascule en FPS exclusivement. Mmh. Donc, ouais. Ça reste quand même quelque chose de proche de ce qu'on connaît à la VR, que la VR, bah, c'est que de la première personne, jamais de la troisième. J'ai tellement hâte, Hitman. Ah bah oui, bah, c'est pareil. Je vais me le refaire. Des heures et des heures et des heures et des heures de jeu. T'as remarqué le détail qu'il y a quand, dans le trailer, quand il approche les mains du coup de la personne. Ah oui, le clin d'œil. T'as un moment où ça, il se crispe, mais du genre en mode de psychopathe. Mmh. Juste une fraction de seconde. Mmh. C'est délirant ce truc-là. Mais ça montre aussi un autre truc, c'est qu'ils ont capté le problème qu'on a avec les cordes, les trucs comme ça. Mmh. C'est que là, cette fois-ci, on va pouvoir faire une interaction et tout. Il va être poussé à fond celui-là. Je pense. Ouais. Poussé à fond. Je pense. Il n'a pas intérêt de se merder techniquement. Oh putain. Bon, en tout cas, voilà. Ah bah non. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de choses qui ont été annoncées qui sont plutôt prometteuses sur les derniers salons, enfin présentations, vraiment salon, qui nous donnent envie, en tout cas, qu'on va suivre vraiment de très très près. On a aussi donc pas mal de jeux qui sont sortis, mine de rien, ces derniers mois, et il y a eu quand même pas mal de coups de cœur, j'ai l'impression. Pas de la merde. On. Sort un petit peu quand même d'une période un petit peu en dessous, où on a eu quand même des productions qui nous ont laissé un goût amer dans la bouche. Là, on commence à voir un petit peu des choses qui nous plaisent quand même bien plus. Et ça fait plaisir, mine de rien. Ça fait plaisir, en tout cas. Des choses qui nous plaisent en plus des choses qui sont déjà prévues. Oui. C'est surtout ça, moi, qui me titille. Ouais, c'est ça, il y a des promesses qui donnent envie, quoi. Des promesses qui donnent envie et des choses qu'on voit même pas venir et finalement qui nous tapent bien dans l'œil, toi. Mm. Et ça, effectivement. Ça, c'est les bonnes surprises, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc voilà, on en est. Les trois derniers mois vont être. Il va falloir les suivre. Trois prochains mois, plutôt, non ? Ouais, les trois prochains mois. Attends, on est déjà en octobre ? Ouais. Non ? Oui, oui. C'est octobre, ça. Novembre, décembre. C'est ça. Avant la fin de l'année. Ouais. Quoi qu'il en soit, messieurs, je pense que nous sommes à 3h30 d'émission. Ça commence, ça commence à tirer. Ah oui. Paris-Orléans, là. On n'a pas tout dit, hein. Comme je disais au tout début, on avait envie de faire un peu plus de news. Laurent, normalement, devait être là. Mais on a eu peur que ce soit un petit peu trop long. Voilà, surtout qu'on n'a pas prévenu Gis que ça allait durer longtemps. Donc là, un petit peu piégé déjà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi ça m'a bien fait plaisir de t'avoir dans cette émission. Par exemple, tu vois, je voulais faire une petite rubrique, vous avez joué à quoi cet été, on aurait été obligé de parler de Phasmophobia et d'en parler longtemps, et ben on le fera pas dans cette émission là, mais on en fera peut-être dans une prochaine. Non, mais c'est une bonne chose, parce que comme il est censé sortir avant la fin du mois, voilà. La date devrait plus tarder à arriver pour le PSVR 2, donc ouais, c'est ça. Donc c'est une bonne chose. On ménage un petit peu, tout ça, voilà. Parce qu'il y a eu des news aussi qui sont sorties ces dernières semaines, voire même ces derniers jours, dont on n'a pas parlé sciemment. On en discutera dans une prochaine émission. Et puis, donc merci Gis, hein, d'avoir participé. En tout cas, c'était bien cool pour donner ton expertise sur le monde du PC, le monde du plug and play ultime. Et puis bah, je viens du monde console, hein, monde plug and play de base quand même, hein. et puis merci Gans aussi pour ton test, et puis le Rocco, je te dis pas merci parce que t'as quasiment rien foutu ces derniers mois, et franchement, si on doit compter sur des gens comme toi, et ben on serait bien dans la merde, hein. Voilà, bah, c'est clair, ouais. Non, un grand merci quand même, Rocco. J'entends toujours là pour souffrir. J'entends le ta gueule dans ta tête là, de se dire, mais que tu penses très très fort. Mais non, c'est que de l'amour. Non, merci elle d'avoir tenu à bout de bras la chaîne Vert for Player, en tout cas, voilà. C'est et pour ton sacrifice. C'est quoi ma récompense? Rien. Merci. C'est merci. Ok, super. C'est merci. Oh, on n'a pas d'argent chez VR for Player. Notre sourire est une récompense. Le sourire des auditeurs et de ceux qui. Ah, Ah. Bah, ah. Ah bon. Bon. Ton fan club est, okay. Est une récompense. C'est ça. Les retours sur Discord. Discord d'ailleurs sur lequel vous pouvez nous rejoindre et puis discuter avec des gens fort sympathiques comme Gis et échanger. Ouais, je vais pas faire la promo. Enfin, si, putain, c'est la première, c'est la reprise. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez aussi également nous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour ne rien rater de nos diffusions. Vous pouvez également mettre des étoiles sur les applications de podcast. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien Tipeee sur notre site Vert4Player, ainsi que les derniers articles qui sont parus sur les dernières news sur le PSVR 2. Merci. Vrac, vrac. Et Vrac, vous pouvez retrouver Vrac également, notre chaîne secondaire, si vous voulez soutenir également, vous pouvez vous abonner. tout ça. Voilà. Bon. Le vrai test d'Arcade Paradise sur Vrac. Le vrai test de mais. Voilà. Mais allez voir ça. Et puis, merci à tous. Merci pour votre patience d'avoir attendu ces trois putains de mois avant de notre retour. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Peut-être. On verra. Et puis à ciao sur VR4Player. Bye. Bisous. Allez. Bisous. Ciao. Clac.